Indestar. 21h, bienvenue sur Indestar pour une spéciale émission Summer, le fun live du vendredi avec une équipe déjantée. On est 6 ce soir avec vous. Indestar. Là où tout commence. Eh bah bienvenue tout le monde. Eh bah bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Allez, je m'entends pas. Bonsoir au nouveau sur Indestar. On est 6 ce soir pour vous faire découvrir en 2 heures une émission qui va vous détendre, vous faire rigoler et peut-être aussi avoir un petit moment malaisant. Je te trouve bien ambitieux ce soir, mais non, t'as rattrapé le coup avec le moment malaisant. Ok, tout va bien, c'est du Visma. Bah, faut pas que ce soit parfait non plus. Oui, on est d'accord. Alors, le programme, déjà, ça va être une petite présentation. On a une équipe spécialement composée de membres de télé-réalité, des invités bien particuliers. De membres de télé-réalité. Ouais, vous venez tous de la télé-réalité ce soir. Ah, pas le choix, en fait. J'étais pas au courant du programme. Mais oui, effectivement, la semaine dernière, j'ai fait Les Anges 2024. Voilà, donc on n'a pas dit bien sûr qu'on venait du présent, du futur ou du passé. Ça peut être de n'importe quand, on s'en fout. On est présent ce soir, on a. Julien déjà. Bonsoir. Alors, Julien, il faut parler devant ton micro. Le principe de la radio, c'est effectivement qu'il y ait un micro. Tu peux le relever, il y a un petit réglage voilà, au niveau du manche. Oh, pour ça, relever le manche. Ça fait ça quand c'est neuf, de toute façon. Voilà, et vas-y, attends. Non, ça doit être l'autre. Voilà. Tu tournes, tac, et voilà, très bien. Non, mais on apprend à faire de la radio aussi dans cette émission. C'est la première pour moi. Vas-y, Julien, est-ce que tu peux t'approcher du micro, voir ce que ça donne? Fais comme si tu voulais faire quelque chose. Faut que tu parles droit dans ton micro. Voilà. C'est comme si comme tu voulais la voix. Ah, c'est mieux, oui, effectivement. Ouais. Alors, vous allez pouvoir apprécier donc la voix de Julien, un peu plus de 30 ans ou pas, un petit peu moins, on sait pas trop. Mesdames, n'hésitez pas à nous appeler, hein, 09 70 407 306. C'est quoi cette transition de merde? Julien, un peu plus de 30 ans, appelez-le, 09. Mais c'est célibataire, Julien. Le produit. Oui, ah bon, bah voilà, là je comprends bien mieux. Bien sûr, oui. Okay. On en discutait un petit peu avant l'antenne, justement, il a la recherche de la femme parfaite, l'élu de son cœur, comme on dit. Tout à fait, tu crois. Alors, encore au bonheur, c'est bien. Bah, après avoir participé aux Anges, les Marseillais, etc. Je pense que c'est compliqué effectivement de se dire qu'une femme parfaite existe. Hein. Bah c'est sûr que t'as participé au Marseillais. Ouais. Et participe au Tourangeau. C'est la prochaine émission sur Energy 24. Et tu vas voir. J'ai pensé à Masque. Du coup, on a aussi Jessica qui est avec nous. Jessica, t'as quel âge? J'ai 21 ans. T'as 21 ans, t'es jeune et t'as déjà fait Les Anges aussi. Ah ouais. Depuis ils sont tous jeunes maintenant. Depuis mes 18 ans, je suis dedans. D'accord. Et tu nous as prévu quoi ce soir? Je crois séance maquillage. Et ouais. Je vais vous emmener dans mon univers make-up. Ton univers impitoyable. Voilà. On expliquera un petit peu plus tard le délire, effectivement. Mais vous allez sûrement voir des photos, vidéos, etc. passer sur les réseaux sociaux. Durant ces 2 heures, on est ensemble de 21h à 23h. On a aussi Kevin avec nous. Kevin qui nous vient tout droit du nord de la France. Exactement. Je viens des ch'tis, en fait. Est-ce que tu fais du tuning, Kevin? Est-ce que tu es coach de sport? Mon bas de caisse, je vais vous le montrer. Il est incroyable. Avec un petit néon bleu. C'est toujours sympa. C'est ça. On a le maître de la console, de la technique, de tout ce que vous voulez, Théo, qui est avec nous. Ah, c'est moi, pardon. Oui. Bonsoir, tout le monde. Alors Théo, tu nous viens de... T'as fait quoi en télé-réalité, toi? Alors moi, j'ai commencé... Bah moi, tu sais, je suis vieux, hein, donc j'ai commencé par Love Story, en 2001. Oh là là, j'étais avec Loana dans la piscine, et puis après, bah tout s'est enchaîné, et jusqu'aux Anges 2024, tu vois, et là, je suis revenu du futur faire un petit saut à la Chine des Stars. Et tu nous conseilles quoi? À regarder ou pas regarder les Anges 2024? Mais bien sûr, comme toute la série, j'ai envie de dire, c'est que du gratin. Ok, et puis notre dernier concurrent de la soirée, enfin participant, lui il a fait Secret la Story. Ouais, Secret Story, ouais. Tu t'appelles comment? Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Thomas. Thomas. Ouais, j'ai 20... Thomas Dutronc? Non. Thomas, ouais. Il sait même plus quel âge il a. Thomas, je sais plus, ouais. On va chercher plus tard quel âge j'ai. Je connais pas mon nom de famille aussi, je l'ai jamais su. Et je le cherche. C'est pour ça que je fais Secret Story. D'accord. C'est tout, ça mon tout secret. Tout est secret. Ouais. Ah ouais, non mais totalement. Exactement. Il vient de la NASA. Oui, voilà, NASA. La t-shirt NASA, t'es dit. Je sais pas pourquoi. Comment tu... Non, comment Thomas. Tu t'appelles? Thomas. Thomas, Thomas. Thomas, oui. Ça va falloir retenir 6 prénoms pour la soirée. Ça va être compliqué. Thomas de la NASA. Thomas de la NASA, ouais, ça rime. Et toi? Eh ben moi, c'est Brandon, parce que Brandon. Je viens des USA et j'ai fait pas de télé-réalité, mais vous voyez, j'ai un petit accent quand je prends l'accent. C'est bien, il vient d'apparaître. Donc voilà l'équipe, en tout cas, pour ce soir, mais c'est pas tout. Tout à l'heure, bah, juste après une petite chanson, on va découvrir un artiste, Tourangeau. Ouais. Voilà, Tourangeau, si vous connaissez pas ce terme, ce sont ceux qui habitent à Tours, ce sont donc les habitants de cette ville. Et ils sont un peu spéciaux parce qu'ils ont l'accent français le plus pur. Et alors, on va c'est découvrir même, ça. Enfin, pour te contredire, Tourangeau, c'est même la Touraine en règle générale. Ah, d'accord. Que les habitants de Tours. Nous sommes Tourangeau, Isma. Même si nous habitons à Amboise, du coup. Tout à fait. Ah, nous sommes Amboisiens et Tourangeau. On mélange pas les torchons et ça. Attention. D'accord, bon, je sais pas. Alors, pourquoi on dit Tourangeau? Bref, on s'en fout. On revient juste après Lindsay Sterling avec Sleepwalking. Et super. C'est son dernier single en nouveauté sur Indestar. Pour toi, Brandon des USA, tu connais certainement Lindsay Sterling. Hein, ah bah oui, oui, forcément, elle fait du violon. Exactement. Elle danse, elle chante, elle fait plein de trucs. Et tout en même temps. Amoureux. Ouais. C'est ma préférée, Indestar. D'accord. Et donc, dans un instant, on dit ou pas? Allez, on peut le dire, vas-y, tu peux quand même commencer à lancer la chanson. Non, dans un instant, on aura un champion. Eh bah oui. Voilà. Pierre Champion avec nous dans un instant pour nous parler d'une superbe BD. 21h-23h et toujours le Fun Life du vendredi avec vous pour vous accompagner durant 2 heures. On a toujours Julien avec nous, ça va? Tu passes du bon temps? Ça va, je passe du très bon temps. T'as fait quelques remarques là tout à l'heure pendant l'interview de Pierre Champion, c'était comment? Est-ce que tu l'as trouvé rapide sur les réponses? Non, pas du tout. Non, non. Trop philosophique là, il va un peu trop loin. Tu le noterais sur combien sur 10 si tu devais lui mettre une note de rapidité? Alors en rapidité, alors moi je mets 2 là. Là je mets 2. Il a la même rapidité. Niveau de rapidité, je mets 2, vraiment. Alors il faut que je réfléchisse en termes de rapidité. Après, niveau de ses réponses, 7 quand même. 7 et pour la rapidité, du coup, t'as dit combien? 3. 3, ok. Voilà. Ça nous fait un 10 sur 20, ça reste ok. C'est la moyenne. Jessica, t'en as dit, pensais quoi toi en tant que femme, unique femme de la soirée? Bah ça a l'air intéressant, c'est tentant. Et puis je dois aussi noter ses réponses, sa rapidité, tout ça. Ouais, pareil. Ouais, moi j'aurais dit 2,5 en termes de rapidité. 2,5, t'as pour casser les pieds. Les femmes sont toujours très pointilleuses. Hein. Et puis je peux balancer un petit 6,75. J'en étais sûr. C'est sûr et certain. Ensuite. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a Pierre Champion qui vient de m'envoyer un message sur Messenger et il me fait ma note de rapidité moins 5. Bon, il nous écoute toujours. J'ai pas besoin de dire la note, je pense que voilà. Moins 5, ah ouais, d'accord. T'as dit 2 de toute façon. Et pour la réponse, l'intelligence des réponses. Non, l'intelligence des réponses, je pense que je vais mettre 8. Franchement, il est. Ouais, 8h10, c'est bien. Très philosophe. Thomas, t'en as pensé quoi? Alors en rapidité, je vais mettre 5. Parce que ça a beau pas être rapide, moi j'aime bien. Prendre son temps, c'est bien aussi de temps en temps. Au niveau de la qualité, je mets 10, voyons, 10 sur 10, attends, c'est génial. Ok, et Monsieur Théo? Moi, je ne juge pas les invités, mais c'était nul en termes de rapidité. Par contre, c'était très bien dans les réponses, voilà. Voilà, donc en note globale, on lui mettrait quoi sur 10? Bah 19. Ah merde. Non, 0 alors, plus la... 20, ça fait 10 plutôt, ouais, ça fait la moyenne. Oh, il serait peut-être dans les 14, je pense. 14, ah ouais, toi 14. Tu fais. Ouais, toi t'es note du bac 2020, quoi. J'ai travaillé toute l'année sans rien foutre et j'ai mon bac, quoi. Bravo. Petite dédicace à tous ceux qui l'ont eu cette année, qui se sont retrouvés avec une mention bien ou très bien, tu vois, alors qu'ils ont rien glandé de l'année. C'est cool pour vous, c'est cool. Genre, c'est... ils ont triché sur les deux premiers trimestres. Non, et encore, mais moi j'ai vu des trucs, genre, ils ont eu 200 heures d'absence, mais ils ont eu leur bac, quoi. Mais par contre, je suis pas sûr, tu vois. Plus tard, t'as eu ton bac en quelle année? En 2020? Ah, ça va commencer, je pense. Ouais, est-ce que t'as vraiment le niveau bac? Je suis pas sûr du tout. Mais bon, tant mieux pour vous. Hein. C'est cool. On est jaloux en fait. Non, on est pas jaloux. Et puis, de toute façon, pour éviter toute jalousie, j'ai envie de dire que tout à l'heure, on écoutera de la superbe musique avec Dance Monkey de un mashup avec N-Cutcher, c'est ça? N-Cutcher, c'est le DJ et en fait, c'est un bootleg entre Dance, le titre Dance de Justice, et Dance Monkey de Tones and I. Voilà, c'est Tones and I, effectivement. Mais avant ça, avant d'écouter de la superbe musique d'artistes indépendants, ou presque... Oui, je sais plus. Oui. Enfin bref, je cherche à gagner du temps, mais Kevin, en fait, il va nous présenter son jeu des phrases cultes. Exactement. Avec des gages à la fin, je crois. Ouais, on verra ça. On verra ça dans la soirée. Ce soir, ça a beaucoup bougé. Ouais. exactement. J'ai 5 phrases cultes et c'est la personne qui a le plus de points gagne pour l'instant. Hein. Donc je vais vous dire la première phrase et vous allez devoir me dire qui a dit cette phrase. On doit faire la télé-réalité. Alors il y a Jessica qui participe, Julien aussi. Je vais mettre Jus. On a Thomas. Thomas. Hey Thomas, how are you? I'm fine. On a Théo. Vraiment, je participe parce que moi je suis plus réalité que télé. Hein, mais bon. Après, je veux bien essayer. C'est vrai que du coup, la différence est très flagrante entre télé-réalité et réalité. Il y a quand même Il y a une différence. Truc, mais non, mais parce que si tu veux, la télé-réalité est à l'antipode de la réalité, hein, finalement, quand on regarde. C'est la télé-imaginaire. C'est tout à fait ça. Ouais. Il y avait une émission qui s'appelle ou qui s'appelait Tellement Vrai aussi, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Et ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui suivent ça. C'est tellement faux. Ouais. C'est vrai. C'est tellement préparé, ce genre de truc. Tellement préparé que ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, je commence avec la première phrase. Ouais. Faut dire nos prénoms avant ou quelque chose comme ça. J'ai une question. Pour répondre aux phrases, pour si on sait qui a dit la phrase, on fait un signe, un geste ou un mot. Bah, tu peux dire moi, tu vois, en premier, puis moi je t'interroge. Ok, tu veux pas qu'on dise nos prénoms en premier? Oui. Parce que moi tu vas pas reconnaître. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, dis ton prénom, c'est très bien. Ok. Ok. Jessica, en plus, c'est très bien, t'es la seule fille, donc je peux crier rapidement. Aussi, vous allez me reconnaître. Non, on va t'appeler Jess, comme dans celle qui a participé à Koh-Lanta, là, l'île des héros. Ok. Ok, donc je commence la première. C'est vraiment une phrase très sexiste, déjà, de base. Elle a une robe, ras la salle de jeu, celle-là. Ah, j'aime bien cette expression. Oh, elle a une robe, ras la salle de jeu, celle-là. Ouais. Thomas. Oui. Je sais pas, Kevin. Non. Je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Kevin dans les Marseillais. Non, pas lui. C'est dans les Marseillais, tu t'en rapproches. Déjà dans les Marseillais. Wow, j'ai droit à une deuxième chance. Enfin, je peux dire Thomas. Tu peux redire Thomas si personne répond. Thomas. Oui. Anthony. Non. Je connais qui d'autre là-dedans. Moi, c'est tout. Attends. Jessica, tu regardes pas la télé-réalité alors que t'en fais? Si, je regarde, mais je voulais chercher un peu. Ah, genre, elle connaît la réponse. elle connaît la réponse. Bah, bien sûr, je connais la réponse. Thomas. Oui. Julien. Non, toujours c'est une pas. Fille qui l'a dit. Tu vas dire tous les prénoms? Non, c'est un mec qui l'a dit. Oui, exactement. Oui, bah oui, c'est une expression de mec. Hein. C'est très Brandon. Là-dedans, ça peut être n'importe qui. Moi, je dirais Kevin. Non, j'ai dit. Bon Dieu, il entend rien. Bon, bah moi alors. Oui. C'est Benji. Oui, c'est Benjamin. Benjamin des Marseillais. Ah, un point pour Jess. Bon, là par contre, c'est une phrase. Elle est hyper connue, mais franchement, c'est pas très fut-fut, vraiment. Il n'y a qu'une lune, c'est vrai? C'est statistiquement impossible. Oui, moi j'ai vu cette scène sur YouTube, j'ai halluciné quoi. Et le mec est à côté, lui explique que non. Il n'y a bien qu'une seule lune. Et l'autre a dit non, mais j'y crois pas, c'est pas possible, etc. Moi je sais, moi. Non, mais non, tu sais rien du tout toi. Teddy? Oui. Jessica? Non. Non, raté. Comment s'appelle? Teddy, je connais pas. Il y a son nom. Hein? C'est une fille qui a fait hyper polémique très récemment par rapport à un petit coup de gueule sur le fait qu'elle ait reçu des menaces et en fait elle a répondu que elle ne touchait pas le SMIC et dans tous les cas elle pouvait repartir en vacances. Dans tous les cas, oui. Kim, exactement. Kim Kardashian. Kim Glow. Elle a fait. Non, c'est pas Kim Kardashian. Non. Kim Borley. Kim Glow. Kim Glow. Kim Glow. Elle a fait elle a fait une vidéo en disant qu'elle n'était pas smicard et que en gros. Mais oui, je l'ai vu. Elle pouvait repartir en vacances quand elle voulait. Que dès le confinement, que grand bien lui fasse. Exactement. Et ben du coup. Elle est plus très sur les réseaux en ce moment. Oui, j'ai vu ça, ouais. Putain, c'était chaud. Ouais. C'était un gros n'importe quoi, mais en même temps, la télé-réalité, on en fait partie, on sait ce que ça donne, quoi. Exactement. Tout à fait. Ah ouais. Alors. Tu peux mettre déjà un zéro dans ma case, parce que genre là. Bah, c'est blanc, c'est zéro, de toute façon. Non, mais il y a que si je dis un prénom au pif et que ça tombe sur. Ça peut sur, marcher, hein. Ouais, mais là, Kimberley, j'aurais pu. Enfin, elle s'appelle juste Kim, là, mais tu vois, ça fait bien un prénom de télé-réalité. Télé-réalité, vraiment, 100%. Ouais. Alors, la suivante. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Non mais je vois l'idée qu'il y a derrière. Ça veut dire que les on traite pas tous ensemble. On n'est pas de la même catégorie. Là, c'est un homme ou une femme qui a dit ça? Comment? C'est un homme ou une femme qui a dit ça? C'est une femme. Brandon. Ouais. Nabila. Exactement. Oh, oh, oh, non, c'est sans déconner. Et elle a dit ça dans Les Anges de la télé-réalité. En même temps, elle dit tellement de conneries, celle-là. Ouais, j'avais tellement 50% de chance juste en disant Nabila. Et encore, je trouve que c'est plutôt intelligent quand même comme réflexion par rapport à la Lune. Hein. Oui, non, c'est sûr. Ah oui, non, mais tout à l'heure... Je pense que quand tu vas écouter la suivante... Si tu cherches bien, elle n'a pas totalement tort. Il n'y a pas qu'une seule lune. Pour la Terre, il n'y a qu'une seule lune, mais il y a plein de lunes partout. Oui. Ah, ça va. Mais alors, elle est conne. Non, non. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des satellites partout. Des lunes les lunes partout, sont des satellites. Compliqué. Oui, d'accord. Mais il y a aussi des lunes sur d'autres planètes. Alors, bienvenue sur... Je sais pas si on appelle ça la lune. Le grand débat interstellaire du soir. Je suis pas sûr que ça fasse très fun sur Indestar. Le professeur est avec nous, bonsoir. Bonsoir, alors est-ce Ah non, c'est pas traité la réalité, ce professeur. Voilà, du coup. Pour accrocher France Culture, on va repasser sur Indestar. Ah, et, d'accord. On a une question qui vole bien bas. Oui. Vas-y. La prochaine. Je suis même fan de moi. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ça, c'est oui, très... Il faut beaucoup être fan alors, de même. Ça, ça sent un homme. Je vous donne un indice. Ouais. Exactement, ça sent un homme. C'est un indice et c'est assez vieux quand même. C'est, ça remonte un petit peu. Brandon. Non. Ah oui, vas-y. Moundir. Non. Théo. Brian. Non. Ah, oh, ça pourrait être Brian. Ah, oh, Brian. Thomas. Anthony. Non. Putain, j'ai envie que ça soit... J'en connais alors, deux. Ça a fait aussi polémique, mais il a fait L'amour est dans le pré. Oh, c'est pas un chanteur, un ancien chanteur. Non. Non, je dis non. C'est parti d'un groupe. Thomas. Non. Oui. Jean-Mi. Non. Jean-Mi. Brandon. Oui. Gérard. Non. No. Alors, on cherche des noms de vieux. Il a commencé par Secret Story. Ah. Et oh. Après, il a fait L'amour est dans le pré. C'est pour ça que ça a fait polémique, parce que L'amour est dans le pré, pourquoi enfin... Bah, pour moi, c'est Gérard ah, je sais pas, dans L'amour c'est... est dans le pré. Mais c'est pas un blond. C'est les toutes premières éditions de L'amour est dans le pré. C'est pas un blond. C'est un blond. Il fait un bleu avec les cheveux en pique. Ah oh, putain, il est dans l'émission de Cyril Hanouna. Il a déjà été dans l'émission de Cyril Hanouna. Maintenant, il est pas tout le temps dans les émissions. Il est pas dans TPMP justement. Non, il est pas Thomas. Dans TPMP. Oui. Mathieu. Non, pas Mathieu Delormeau. Ah voilà. On pensait au même du coup. Dommage. Ouais, si je vous dis, j'ai déjà dit son prénom au début de l'émission. Ah. Hein. Brandon. Oh, oui. Julien. Non. Je lui ai donné un prénom. Je lui ai dit. Oh. Brandon, Axel. Non. Putain. Tu pourrais peut-être t'appeler comme ça, ça pourrait être sympa. Michel. T'étais pas loin. Michou. Non, c'est ça. Mi. Ah, t'es Michael. Dit Thomas. Merde, Michael. Il a pas dit okay, ah, j'ai pas dit le mais prénom. C'est quoi son nom de famille? Brandon, Michael Schumacher. Non. Michael Vendetta, les gars. Ah, Vendetta de quoi? Bon, pas de point. C'est vraiment le stéréotype de la personne qui vraiment est imbu de lui-même. Oui, il a fait L'amour est dans le pré. Je savais même pas. Et c'est pour ça que ça a fait polémique. Et depuis qu'il a fait L'amour est dans le pré, il ne fait plus rien. Attends, juste un truc, rappelle-moi le concept de L'amour est dans le pré. Ce sont des agriculteurs. Pas forcément agriculteurs, c'est les campagnards. C'est pas la ferme célébrité qu'il a fait plutôt. Ah, peut-être t'as raison. Ouais. Déjà, ça aurait été un peu mieux. Oui, non, je crois que c'est ça la ferme. C'est la ferme célébrité qui l'a fait. Parce qu'on s'est dit, le mec, c'est pas la même ferme. C'est pas la même ferme. Oui, parce que. Soit c'est une ferme, c'est on risquait pas de trouver là. Hein. Non, mais parce que L'amour est dans le pré, ce sont des gens qui travaillent effectivement dans le métier. Dans les prés, c'est vrai que je voyais mal Jean-Mi ou Gérard faire Secret Story. Ah, oui, t'as raison. C'est la ferme célébrité. Ou alors le mec qui veut tellement passer dans la télé-réalité, il change de métier. Je pourrais avoir un point pour ça. Ouais, on peut lui donner le point. Ah, c'est toi qui. C'est ton geste. Ouais, tu peux. On te donne le point. Donc un point pour Parce que l'info était mauvaise. Oui, c'est vrai, pardon. Dernière phrase. Là, c'est la guerre mondiale de 78. J'ai vu cette phrase sur YouTube aussi. Ah, du coup, il n'y a rien. C'est une fille. Il n'y a pas de Koh-Lanta. C'est Jessica. Non. C'est pas un Koh-Lanta. Je peux refaire la phrase. Non, c'est pas un Koh-Lanta. Non, c'est juste que j'ai d'autres phrases, mais j'en fais que 5. Donc, je peux vraiment la faire vraiment avec les mimiques. Vas-y. Non, mais là, c'est la guerre mondiale de 78. Thomas. Quoi. Nabila. Oui, exactement. Encore. Oui. Bah, il l'a bien fait. En même temps, elle est tellement bonne dans. Non. Ça dépend comment tu parles. Non, mais dans aucun sens, en fait. On est bien d'accord. Bon, alors, ça fait combien de points le total là? Alors. C'est pas je sens que je vais gagner. Très utile notre on a Théo. À la dernière place. Oui. Le grand Théo. Oui. Bravo. Suivi. Bizarrement, je m'en doutais. Suivi d'une égalité parfaite de Brandon, Thomas et Jessica. Oh non. Donc avec combien? Avec un point. Avec un point. Ouais. Ce qui nous fait la victoire de Julien avec 2 points. Merci, merci, merci. Bravo. Oh, c'est bon. Bravo Julien. C'est bon. J'étais pas si loin derrière. Un point gagné en trichant. À 2 points près, tu l'avais. C'est ça. Ouais. Ça, ça a pas volé très très haut, je vous l'avoue. Hein. Et du coup, on a un perdant. Et oui. On a un perdant. Théo. Et quoi, Théo, j'ai un gage. Grand perdant. Et oui. Je pense que je vais peut-être demander à la maquilleuse de te maquiller toi aussi. Ah non. Ah si. Je suis pas maquillable moi. Oh dommage. On verra peut-être au quiz. Ça se trouve, okay. Il ratera aussi la question du quiz. Ah c'est, ah, c'est quoi, c'est un quiz de quoi, de télé-réalité un aussi. Make-up quiz. Non, là t'as non, plus de son... chance. Il y a plusieurs questions. C'est son maquillage. Sur, tout, ça sur le tous les sujets. Voilà. Ah bon, dommage. J'ai peut-être plus de chance alors. Du plus insolite à la culture générale. D'accord. Ou n'importe quoi. Ok. Ah, voilà, vrai, ça va être. Là, ça pue là. Ça va être sympa. Ça sent mauvais là. Ouais. Mais vous savez quoi, on va continuer dans les jeux parce que dans quelques minutes, on se retrouve. Ouais. Avec un jeu que j'ai appelé la bataille des 2 minutes. On va se faire 2 équipes différentes avec 2 animateurs dont le but de ces 2 animateurs qui sont dans la même équipe, c'est que l'un fasse à deviner l'autre un maximum de mots en 1 minute. Et après, une fois que la première minute est passée, on passe une deuxième feuille de mots à une autre équipe. Rebelote, les 2 animateurs doivent deviner un maximum de mots. Il y a un jeu de société qui est comme ça, non? Oui, oui. Peut-être, chose. Je sais pas. Un truc où tu dois mimer ou écrire des mots sur un tableau et que l'autre, il doit deviner ce que c'est. Ouais, c'est des Pictionary, ouais. Enfin, voilà, ça ressemble à ça, sauf que là, du coup, c'est que vocal. Ouais, parce que la radio, un Pictionary, c'est quand même moins sympa. Je crois qu'on avait déjà testé une fois sur Indestar un Lord of Get Stars. Ouais, c'était pas vraiment un Pictionary, mais c'était assez audio tout de même. Mais il y avait la vidéo, alors que là, il y a pas la vidéo, donc on va éviter de. Je vais passer au principe du Pictionary. Ok. Ok. Et bah du coup, on se retrouve d'ici quelques instants avec un single qui s'appelle Dance Monkey. C'est un match-up Dance Monkey. Voilà, très intelligent. Indestar. Là où tout commence. Là où tout commence. Et oui, on en est retard. Mais non, pas du tout. Ne dis pas que tu t'installes au dernier moment parce que t'avais oublié de préparer ton jeu qui était sur l'ordinateur et que t'avais pas tout sorti. Ah bah, c'est la dangerosité du métier, voilà. Ils ont oublié les choses à la maison. C'est le seul gars qui te dit c'est 20 secondes et qui se barre du studio. Non, mais oui, ça, on a le temps, on est large. Ça, on est large. On est large. De toute façon, il est 22h maintenant. Ah ouais, déjà, ça fait 1 heure qu'on est là. Mais ouais, ça fait 1 heure, ça là. Passe, fou, on a fait pas mal de choses. On a interviewé Pierre Champion, un dessinateur de la BD Exilium. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais... Un philosophe. Et qui a mis le gros paquet sur le gros paquet des hommes. Ah, il paraît, oui. Sur les dessins, il a voulu mettre en avant, voilà. Effectivement, nos attributs. Il a tout à fait raison et vous pouvez aller voter pour lui, enfin plus que voter, aller financer parce que sa BD sort normalement dans les mois qui viennent. En décembre. Mais il a besoin d'encore un peu de participation de votre part, donc vous allez sur la plateforme Ulule, vous cherchez Exilium et vous donnez un petit peu d'argent et vous aurez des contreparties en plus, donc ça va permettre surtout de sortir cette nouvelle BD. C'est ça qui va vraiment être très sympa, 130 pages de pur bonheur et de gros paquets, d'héroïnes badass. En vrai, on n'a pas commencé de mettre des gros paquets, c'est pas un complexe d'infériorité ça. Non, moi il m'a expliqué pourquoi il mettait ça. En fait, c'est parce qu'il trouvait que sexualiser, généralement, dans les super-héros et tout ça, c'est les femmes qui sont sexualisées. Et il s'est dit, mais pourquoi pas les hommes, en fait. C'est vrai. Égalité des sexes, en bah fait. Bah ouais, simplement. Exactement. Donc du coup, tout le monde même traitement. Il a fait le choix, comme dans les super-héroïnes, généralement, sont ultra-sexualisées, de ultra-sexualiser les gars aussi, en mettant justement cette bosse en dessous du collant qui fait qu'on comprend tout de suite le gros paquet, voilà, la petite surprise. Bah après... Il n'y a pas que Lara Croft qui a le droit à des attributs. Ah, ok. Tout le monde y passe. En tout cas, on va faire un jeu. Oui. Comme j'en ai tous, j'en ai parlé. Ah non, pas tous. Pas tous. Non, il y a que 4 participants. Ah bon. Il y en a moi, qui je font ne des peux pauses. Pas parce que je suis le juge. Ouais. Donc vous allez choisir parmi vous qui ne souhaite pas participer au jeu. Alors c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est une bataille. Il y a 2 équipes. Donc composé de 2 animateurs. Donc imaginons, tiens, on fait Julien avec Kevin. Et puis je sais pas, tiens, Théo avec Jessica. Ouais. C'est au hasard. Imaginons dans l'équipe de Théo et Jessica, ils décident que Théo doit faire deviner un maximum de mots de Jessica. C'est ce qui va se passer pendant 1 minute. Vous aurez 1 minute et il faudra que tu fasses deviner un maximum de mots de Jessica sans les mimer. C'est juste en disant et sans dire le mot, bien sûr. Est-ce que tu as droit d'employer des mots de la même famille? Oui. Oui. Mais pas trop proche. Faut pas que. attends. Non, mais parce que ce jeu me rappelle un jeu qui est un jeu radio et qui c'est mon dieu de la radio, si tu veux, qui faisait ce jeu-là, qui s'appelait Max hein, à l'époque. Et c'était le fameux jeu des trois mots où tu appelais un hôtel et tu devais réserver une chambre en dire donnant, trois mots dedans. Voilà, faire deviner. Oui, sans le dire. Faire deviner sans dire les mots. Par exemple, oui, c'est quelque chose, on peut se baigner dedans, il y a des bulles, etc. Fallait que la personne oui. dise ah on n'a pas de jacuzzi, tu vois, voilà. Ouais, ouais. Bah, j'ai connu ça, mais moi en plus récent, dans une autre émission sur une autre radio avec d'autres animateurs, dont un qui s'appelle le Doc. Voilà, et justement il faisait ça et j'étais là, ah mais c'est. Quand tu m'as dit du coup que c'était Max aussi qui faisait ça, je me suis dit bah c'est la même radio, pourquoi pas. C'est resté en fait. Oui, ça s'appelle piquer l'idée, mais oui. C'est resté en gros, mais là non, c'est différent. En fait, tu peux dire des mots qui s'y rapprochent, des synonymes, mais tu peux pas dire quelque chose qui a le même début ou la même fin que le mot. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je te prends un exemple, on va dire crayon, t'as pas le droit de dire. Crayon. T'as pas le droit de dire une craie, ouais, t'as pas le droit de dire un nion. Faut que tu trouves quelque chose, un synonyme. Tu peux écrire. Enfin voilà. Après, tu peux définir la chose, hein, bien sûr. D'accord. Oui, ça sert à écrire sur papier, genre de truc. Honnêtement, pour l'avoir fait plusieurs fois en radio avec des équipes différentes et des joueurs différents, le meilleur score que j'ai réussi à avoir, c'était 7. C'est pas mal. 7 sur 10 7 sur. Non, sur 100. sur 20 mots. Ok, ah oui, c'est Julien, Julien, on a intérêt à faire meilleur. Alors j'ai dit des équipes au hasard, après c'est vous. Non qui mais voyez. Moi je valide. Tu valides. Voilà, je dis Théo est avec Jessica et Julien est avec Kevin. Et bah je valide voilà, aussi. C'est à dire que toi tu joues pas quoi. Non, voilà. Mais je valide. Du coup, dans chaque équipe vous allez décider qui fait deviner le mot à l'autre. Est-ce que tu veux que je te fasse deviner les mots? Ouais, vas-y. Ok, parfait. Donc Kevin fait deviner à Julien, c'est exactement. Ça exactement. Moi je crois que je suis fort ni en trouvaille ni en faisant deviner les choses. Mais c'est comme tu veux, Jessica. Bah, n'importe. Bon, alors, tu me fais deviner les mots. Ok. Ah, ok, okay donc Jessica ça. Fera deviner les mots à notre cher Théo. Est-ce que notre cher Thomas peut nous apporter un stylo, s'il te plaît? Et en plus, faut que je fasse la vaisselle. Est-ce qu'on est si cher? Parce que ça en allant préparer ce beau jeu, bien sûr, j'ai tout noté sur une feuille ou sur un téléphone. Ouais. Voilà. L'ère du numérique. Stylo Indestar, je précise. Voilà, et du coup je vais écrire, il y a donc Julien avec Kevin, la team 100% homme, et puis après nous avons Jessica et Théo. Quoi. Et Théo, la team 100% femme. Ouais. Je voulais pas le dire comme ça, mais peut-être. J'ai une petite anecdote à propos de ça d'ailleurs. Ah, bon, à chaque fois que je suis au téléphone avec des gens que je connais pas, genre je sais pas, le Pôle emploi, l'intérim, n'importe, ils me disent bonjour madame. C'est vrai? Ouais. Non. Et du coup, bah, à force, je dis bon, laisse tomber, appelez-moi madame si vous voulez. C'est vrai que c'est pas méchant, mais t'as une voix plutôt efféminée. Merci. Je le prends mal. C'est pas très. Enfin, normalement. Il a oublié de muer, Là, je pense que. Non, j'ai une voix assez vachement aiguë. Ouais, aiguë, ouais. Exactement. Et du coup, ouais, je laisse passer, je dis bon, appelez-moi madame. Après, ils se rendent compte quand même parce que. Bah, quand je dis Teddy Félix, tu vois, ils ont un petit blanc, ils me disent. Ouais. Vous êtes un monsieur? Oui, encore une. Tu t'imagines, tu te fais passer pour une madame et quand t'arrives au rendez-vous. J'aimerais trop. T'arrives au rendez-vous, j'aimerais trop faire ça. On attend madame là, s'il vous plaît, on attendait pas le mari. Hein. Je peux le faire. Tu peux t'inventer une nouvelle femme. Hein? Tu peux t'inventer une femme imaginaire du coup. Tu peux te travestir quoi si tu veux. Bon, déjà fait. C'est qui a dit ça? J'ai des super photos, ma photo de profil Facebook. Oui, c'est la photo de profil Facebook, on dirait une salope. Hein. Ouais, littéralement. Oh, allez, bim. Clair. C'est vrai que j'ai fait un peu la salope. Voilà. Du coup, dans les équipes, quelle équipe commence en premier? Bon, honneur aux femmes. Allez. Oh. Allez. Girls Power. Donc, Jessica. Ouais. Je te fais passer la liste 2. Ici. Tu as une minute à partir du chrono pour faire deviner un maximum de mots à Théo. Ouais. Et bien sûr, la meilleure équipe entre les deux qui en fera deviner le plus gagnera et n'aura pas de gage. Ok, je suis pas obligé de respecter l'ordre des mots. Si, tu respectes l'ordre et t'as le droit de passer qu'un seul mot. T'as oh un seul là joker. Là. Ok, ça faut marche. Faut que ça aille très très vite. Allez, on y va dans 3 secondes, 2, 1, chrono. Les chevaliers, ils se battent avec quoi? Attends, c'est ça le chrono? Ah oui. Les chevaliers avec une épée? Oui. Ça a des plumes, ça ne vole pas, c'est dans une basse-cour. Hein. Un poulet? Oui. Pour manger du poisson, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le pêche? Oui. Pour faire du vélo ou de la moto ou autre, il est mieux de mettre un casque. Ouais. Ce qui nous sert à voir, c'est assez des utile. Lunettes. Non. Des lentilles. Ça fonctionne pas pour tout le monde. Des lentilles, ça fonctionne pas pour tout le monde. Non. Il y en a qui ont besoin de lunettes pour que ça fonctionne mieux. D'autres, ça fonctionne pas. Non, bah, on passe. Ok, on passe. C'est jaune, ça se mange. Un œuf. Non. C'est sucré. Des crêpes. Non. C'est jaune et. Ah, il est long, ça ressemble à un sourire. Un œuf. Non, c'est fini. Ah, putain. Stop, c'était une banane, je suis sûr. Oui. Non. Ah, pas mal, ouais. Le sourire. C'est t'aurais vrai. Dû dire, ça vient des tropiques, je sais pas, peut-être un truc comme ça. J'ai pas pensé. Ça représente un fruit. Non, mais j'étais mauvais sur la banane. Et il y en a, ça fonctionne. Je peux un dire le mot qu'il a pas trouvé. Oui, oui. C'était un œil. Et ah, tout simplement! Bah ouais! J'ai pensé aux lunettes et aux lentilles, mais pas. Bah, ça me permet de voir, mais il y en a, ça marche pas. Gilbert, si tu nous écoutes, t'es prêt de nous voir. C'était les yeux, nous dit Pierre Champion. Et bah non, je suis désolé, Pierre, mais tu n'es pas le champion de ce jeu. Un œil, bon, ça va. Du coup, j'ai compté 4 points, moi. Ça va. Un œil, les yeux, on peut compter. Bah oui, c'était bon. Pierre Champion, moi, je t'accorde. Un œil, les yeux. Je suis d'accord. Malheureusement, sur la liste, c'est bien écrit œil et pas yeux. Donc ça dit pareil. J'ai une autre question. Quand il a dit poulet, c'était poulet qui avait oui, dit c'était poulet. Ouais, c'était poulet. Putain, ça fait trop fort. On moi, j'aurais dit poule coq, mais pas poulet, toi. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'étais en symbiose. Pierre qui est en train de s'énerver sur le chat, c'est pareil, c'est nul ce jeu. Mais du coup, je précise, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, il faut que ce soit le mot exact. Hein. Ouais. Ça peut pas être genre si au lieu de poulet, c'est poule, ça marche pas. Hein. Bon, c'est on pas a la combien même de chose. Points okay. Genre 5, c'est pas là, vous avez 4 points. 4 seulement. Ah ouais, c'est pas fou. Donc vous voyez, c'est. On doit faire mieux, on doit faire mieux. Du coup, je vais donner la liste à Julien. Non, Kevin, pardon, qui va faire deviner à Julien. Tu peux commencer à regarder les mots si tu veux, réfléchir. J'avais bien commencé, hein. Mais... Et du fin. Coup, 3, 2, 1, top. Ok, on se frotte. On se frotte avec quoi? Un gant de toilette? Non. Ou on peut se brosser. Trop tard, c'est mort. Allez, ok, hop. On passe. Quelque chose d'ancien, le contraire d'ancien. Nouveau? Donc. Récent? Non. On dit ça vient de sortir. C'est vintage. Ça vient de sortir d'ancien. Donc c'est. C'est neuf. Oui, bien oui. Joué. Ok, le contraire de froid. Chaud. Ok. T'as ta main, mais juste en dessous de ta main, c'est quoi? Mon avant-bras, mon poignet. Oui, poignet. Bien joué. Couleur, y a couleur de cheveux, il y a blond, mais il y a aussi. Châtain. Encore. Brun. Oui. Ok. Ok. On a le cheval, mais il y a aussi un animal qui fait du lait. La vache. Oui, bien joué. c'est un insecte qui fait du miel. Une abeille. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on filme? Qu'est-ce qu'on fait quand on avec filme avec une caméra. Pardon. Bon je passe, film. Je passe. Je passe. On plante. On la plante. C'est fini. Top, c'est fini. Oh, c'est fini. Et ils étaient plus faciles les mots. Je suis désolé. Ah, attends, Bros. Si c'était pas foiré, non. Je pense qu'ils auraient pas passé le premier. Hein. Non, j'avoue que Bros, j'ai foiré quand même. Voilà, c'est quand tu veux faire beau ton cheval, tu le. Quand tu veux prendre soin de ton chien, dans, là, on dit que tu le. Dans le sens du poil, tu vois. Comme tu m'as dit le mot Bros, pour moi. C'est pour ça que je suis passé. Voilà, voilà. Mais du coup, effectivement, c'était 2, 4, c'est 6 points pour l'équipe de Julien et de Kevin. Félicitations. Autant nous, les premiers mots étaient faciles, après, c'était compliqué. Alors que là, ils étaient tous faciles. Carrément. Est-ce que vous voulez une revanche expliqué, c'est qu'il a bien expliqué. C'est est-ce que vous voulez une revanche? Une revanche Et ça a très mal commencé pour vous. Hein. Une revanche vrai, ça a très mal commencé. Au début, je me suis dit, surtout, si vous en faites un, déjà, vous sauvez le temps. Surtout sur le 9, hein, vraiment. Le temps mode, mais l'ancien de il va... Quoi? Nouveau? Ah, je pense que j'aurais dit nouveau aussi. Tu vois, moi, j'aurais dit jeune. Normal. Alors, j'avais trop envie. Il a dit ancien, je voulais dire jeune. Est-ce que les perdants, vous voulez une revanche? Ouais. Ouais. C'est-à-dire que là, on va garder les points, 6-4, et il va falloir que vous arriviez on à faire égalité pour ne pas avoir de gage ou que vous gagnez pour que les autres aient un gage. C'est-à-dire que vous devez trouver un maximum de mots encore. Okay. Cette fois-ci, vous allez prendre du numéro 20 en remontant vers le plus petit. D'accord. Voilà, donc de 20 à 1 pour les deux, en gardant la même liste. Très bien. Ah, en gardant la même liste. Oui, bah de toute façon, vous avez pas été très loin. Hein. On s'est arrêté. Mais ça va. On s'est arrêté à banane. On n'a pas trouvé banane. Mais on est-ce s'est qu'on arrêté... ferait pas l'inverse du coup? Est-ce que ça du coup, serait, j'ai déjà vu les mots. Elle les a vus. Si. Ah bah oui, non. Ah bah oui, elle a déjà vu les mots. Ils peuvent changer. Ils peuvent échanger aussi. Mais non, du coup, est-ce elle a déjà vu les mots. Est-ce que tu veux faire deviner Théo? Non, c'est bien, ça marche bien comme ça. On reste comme ça. Donc c'est la revanche. On va recommencer par l'équipe féminine. Donc tu prends du numéro 20 et tu remontes au fur et à mesure, ok? Regarde bien les mots. Théo, quand tu es prêt, tu le dis. Et bon, on y va dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la radio. Quand tu vas à Intermarché, qu'est-ce que tu fais? Des courses. On parlait tout à l'heure d'un sujet, certains en ont, certains en ont pas. Ça pousse plus vite ou moins vite, c'est de la pilosité sur le visage. Des poils, des... Oui, des, une barbe? Ouais. On peut en manger à la bolognaise, à la carbonara. Des pâtes. Spécifique. Des spaghettis. Le contraire de propre. Sale. Tu peux manger tes spaghettis avec une fourchette, un couteau, autre chose aussi. Des baguettes? Non. Non. C'est rond, c'est creux. Une cuillère? L'inverse d'un triangle. Oui, d'un triangle. L'inverse d'un triangle? Autre chose. Un carré? Un rectangle? un rond? Un ovale? On passe. C'est une couleur, mais c'est pas vert. C'est bleu, jaune, rouge, vert. Rouge. Rouge, ok. Pour partir en vacances, tu prends une. Voiture. Non. Un bateau. Pour mettre tes affaires dedans. Une valise. Oui. Ah, ouais, okay. Il est comptabilisé dedans. Je parie que c'était un cercle, Laurent. Oui. Ouais. Oh là là là. C'était félicitations. Dans l'autre sens. Hein. Là, vous avez fait 8 points. Combien? 8 points. Ah ouais, non, mais. Et on a battu le record intersidéral. 8 et 4, 12. 8 points. Franchement, vous avez battu, je crois, le record que j'ai fait. Voilà, mais c'était le temps de chauffe, le premier tour, t'inquiète. Voilà, c'est pour ça que je préfère toujours faire une petite revanche, quoi, la possibilité quand même, histoire de mettre la pression aussi à l'équipe gagnante de la première manche. Bah, n'empêche, ils refont la même chose que tout à l'heure, ils sont à égalité. Hein. Oui, c'est vrai que ça fera 12 points. Mais ils refont pas pareil, t'inquiète pas. Et de toute façon, en plus, je leur ai mis 3 points bonus, mais non. Du coup. Gratuit. Là, c'est que je m'étais trompé au début pour noter. Voilà, on sait tous que Brandon, il est américain, il est un peu con. voilà, je parle de moi à la troisième personne, c'est super. Bref, est-ce que vous êtes prêts, équipe Julien, Kevin? Okay. Je suis prêt. Bah, quand tu veux, tu dis 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Un animal à long cou. Une girafe. Très bien. On met le toit qui est sur notre tête. Comment je pourrais dire ça? On habite dans une. Dans une maison. Oui. On met une casquette sur la tête. Oui. C'est pas le chiffre. C'est pas le chiffre 7, c'est plus. 8. Oui. On fume deux. On fume quoi? On fume deux. On fume des cigarettes. Non. Autre chose. On fume deux. De... Ça pousse. De la beuh? Non. On fume. De l'herbe. Oui, bien joué. C'est un animal marin. Il une crache baleine? Par le. Oui, bien joué. C'est un fruit. Il a des. C'est rouge et au-dessus c'est vert. Une fraise? Oui. on marche sur quoi quand on veut s'essuyer? Un paillasson? Non. Un tapis? Oui. C'est pas le chiffre 5, c'est plus. 6. Ok. On dit c'est un truc de parking, c'est une place. Oui, bien joué. C'est pas le chiffre 9, c'est plus 10. Bien joué. Bon. Allez, alors là, c'est exceptionnel ce qui se passe. En une manche, ils ont failli vous battre en une manche. À un point près, ils ont fait la totalité de vos deux manches. Hein. Non, mais il y a combien là? 11. Là, ils ont 11 points. 11 points. Oh, on est des génies. Mais t'as facilité les choses parce que tu me dis que jusqu'à maintenant, ou alors tous tes anciens animateurs étaient nuls. Hein. Il y a un truc. Ah, je dirais pas que c'était des analphabètes, mais presque. Non, mais tu me dis le record c'était 7, on était super fiers d'avoir fait 8 pour 11. Non, mais là, c'est incroyable, je suis désolé. Non, mais c'était. Ouais, vous êtes chauds, les gars, franchement. Oh là là. L'esprit est connecté. C'est super. Bah, non, c'est juste qu'il y a une liste plus facile que l'autre. Ah non, la vôtre, elle était facile de l'autre. Ça fait moins de 6 secondes par mot. J'ai trouvé qu'effectivement, la deuxième liste qu'on avait était plus facile que la première. Mais c'est la continuité de la deuxième, c'est juste qu'on l'a repris dans l'autre sens. Ouais, c'est juste qu'il y avait des modifications. Mais oui, mais c'est peut-être la manière aussi de. Ils veulent juste pas avouer qu'on a été doués, quoi. Ouais, non, bravo. C'est dingue. Okay, moi je vous dis bravo, si on fait le total, l'équipe Julien Kevin ont 17, l'équipe Jessica Théo ont 12, il y a 5 points d'écart. C'est pas si loin que ça. C'est pas si mal, hein. C'est comme si vous aviez fait 2 et qu'ils avaient fait 7. En soi, en termes de ratio, ils ont doublé leurs chiffres, pas nous. Donc en soi, ils ont été meilleurs que nous sur la deuxième manche. Ouais, mais vous avez plus que doublé le ratio. Ouais, c'est vrai, qu'en soi, à la fin, on a gagné. Bon, ouais, ok. Mais du coup, Théo, ça fait deux fois que tu perds. Hein. Ouais, ça fait deux fois que je perds. Donc, Théo, tu auras un gage tout à l'heure. Non, Jessica m'a dit c'est si je perds au quiz de culture générale. Oui, mais là, c'est. Attention. Tu perds à tout. Là, c'était le jeu de la bataille des 2 minutes qui n'a rien à voir avec le make-up quiz qu'on va faire juste après une petite pause avec du DJ Zebra sorti de mon trou. Mmh. Je voulais pas dire du cul, mais j'aurais envie. Désolé, je défonce un peu le titre de la chanson. Mais non, tu vas avoir un gage tout à l'heure. Du coup, comme t'as perdu, je l'avais prévu dans ma tête et on va le faire. Uh-huh. Va falloir que tu appelles un numéro qu'on va choisir dans ton téléphone. Non, et que tu fasses un canular. Ah ouais, mais pas un numéro dans mon répertoire. Non. J'ai peut-être des idées en plus dans son répertoire. Attention, tout sauf la famille par contre. J'ai pas dit la famille. Je vais viser mon répertoire pour la musique. Je crois avoir la bonne personne pour faire un canular. Pour... Ah, c'est bizarre, ça, j'ai plus de contact dans mon téléphone. Ça a bugué. Du coup, on va écouter DJ Zebra là tout de suite, sorti de mon trou. Ouais. Du cul, pardon. Non, mais je vais pas y arriver. Et puis juste après, le make-up quiz. Et encore après, on va voir le petit canular fait par Théo en direct sur Indestar. Le fun live du vendredi. Le standard ne fonctionne plus. 21h-23h, à tout de suite les amis. 21h-23h, c'est la durée de cette émission, à peu près 2h. Bonjour. Ouais, c'est l'émission de quoi? Du fun live. Du fun live du vendredi parce qu'on et est là. Et on est où? On est sur Indestar.fr. Ouais, tout à fait, ça c'est le site internet pour nous écouter en direct c'est live. Ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais si vous voulez voir des réactions un petit peu drôles, même nous parler directement, vous pouvez faire ça sur Facebook, hein, vous cherchez @indestar, vous allez trouver tout de suite la page voilà, tout simplement de la radio. On a aussi un Insta et un Twitter, Indestar Radio, et puis bien sûr on a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous appeler pour commenter directement, nous faire part de ce que vous pensez de l'émission. Bien sûr que du positif, on veut pas du négatif ici. Non, on est là pour la déconne. Crachez votre venin, on est là pour ça, c'est de la libre antenne. Ben vous pouvez, tant que c'est dans la déconne, on accepte tout. Donc 09 70 407 306, c'est le numéro pour nous appeler. Là, vous avez 5 minutes pour nous appeler si vous voulez peut-être participer au make-up quiz fait par notre chère Jessica. Ouais, qu'après, il y a un canular et c'est moi qui squatte la ligne. Voilà, c'est ça. Après, on a notre cher Théo qui va essayer de vendre un vin qui vient de notre région. C'est du Château La Pute de 68. Région. Venez en Touraine. Venez, c'est très bon. D'ailleurs, vendre du Château La Pute 68. Château La Pute. Vin rouge, j'ai oublié de ce préciser. Ce serait pas mal, Château La Pute, parce que Château La Pute, elle va se douter tout de suite, la personne. En été, je pense que le rosé se vend un peu mieux que le vin rouge. Tu penses? Tu vends ce que tu veux dans le vin, mais... Je pense que le rosé se vend mieux. J'ai mis vin rouge, blanc ou rosé, ok, ça te va, peu importe. Ok. Ça peut être aussi un champagne. Ça passe mieux en général. Un rosé, si c'est une fille, oui. Surtout si. C'est quoi ce. Non, je pense que Château La Butte, ça peut être pas mal, ouais. Château La Butte? Non, la bite. La bite. Ouais. Un Château La Butte. Je préfère vendre du Château de la Butte, s'il vous plaît. Tu vends celui que tu veux tant que tu penses. Non, mais il peut y avoir, tu vois, à un moment donné où elle se pose la question en se disant, ça se trouve, ça existe vraiment. Alors que, comme tu disais, Château La Butte, non. C'est un peu plus complexe. Oui, bonjour, monsieur La Butte. Cellier. Non, attends, comment on dit. Œnologue, non. Ah non, œnologue, c'est ceux qui testent le vin. Viticulteur, vigneron. Voilà. Vigneron de la marque Château La Butte. Château La Butte, tu vois, ça pourrait passer, tu vois. Ouais. Du coup, tu t'appelles Monsieur La Butte. Mais là, ça sera Monsieur La Butte. Château La Butte. Ah, là, dans l'eau, ça passe. Alors, je m'appelle Monsieur La Butte, Théo. Mais alors, ça marche un peu plus pas de 30 comme ans ça. Et un peu moins de 30 ans, on sait pas trop. Voilà. Donc, ça sera tout à l'heure. Mais avant, on a quelque chose. Bah oui, c'est le make-up quiz de Jessica. Oui. Ouais. C'est maintenant votre dernière chance de nous appeler pour participer au jeu. 09 70 407 306 et si vous gagnez, on vous donne du Château La Butte, promis, ou Château La Butte, vous choisissez. On vous en achète un, j'imprime un truc et il s'appellera vraiment Château La Butte de 68 et vous prenez la couleur que vous voulez, blanc, rouge et tu ou envoies rosé. À tes frais, hein, surtout. Ah, je l'envoie à mes frais, ça c'est clair. Et attention, du coup, il va prendre un autre vin qui porte un vrai nom. Il change l'étiquette et c'est bon. Ah, c'est ça. Bah, oui, c'est oui. De la picouze, hein, 68 à Carrefour. Imaginons, il y a vraiment un Château La Butte. Change le U en I, c'est bon, ça fonctionne pareil. Ouais, je change juste l'étiquette, sinon. Je sens que la personne, oui. Je vais l'avoir 15 secondes au téléphone. Je peux t'avoir du rosé, tout ça. Je peux t'en avoir du bon éventuellement. Du coup, Jessica, vas-y, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est ton make-up quiz, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi make-up déjà. Alors, j'ai plusieurs petites questions à vous poser, toutes sortes de questions, culture générale, insolite, n'importe quoi. Et si vous répondez faux à la question, c'est qu'à la prochaine pause, je vous maquille. En 3 minutes, du coup? Ah ouais. Oh putain, la vache. Bon, je vous épargne le fond de teint et tout le tintouin. Juste, je vous maquille les yeux avec un super eyeliner, rouge à lèvres. Il y a que Teddy qui connaît. On vous dessine les traits. Trucs, mais je connais. Ouais, je sais. C'est que trop tu bien. Connais. Oh, c'est marrant à faire. Qui s'est déjà fait maquiller par une fille? Non, ben non. Franchement, les mecs qui disent non et. Ils mentent. Non, si. Alors, les cheveux, des recoiffés, en direct à la radio d'ailleurs, mais le maquillage, non. Eh ben, jamais. Tu sais quoi, ça va arriver. Le plus désagréable, c'est quand on nous fait le tour des yeux. Ça, c'est... Ah ouais. Et je pense que non, le plus désagréable, ça doit être se démaquiller. Ouais, non. Je vous ai prévu le démaquillant pour pas sortir maquillant. Voilà, super. Mais du coup, si on gagne, on gagne quoi? Si vous gagnez, vous avez le droit de me maquiller. Oh! Donc en gros, c'est les gars contre toi, en gros. C'est quoi en fait? Gagne le droit de me maquiller. Ah, donc toi, t'es sûr que tu vas te faire maquiller, quoi, déjà. T'as pas peur? Un petit peu. Parce que je sais pas, nous on a fait des travaux à Indestar, on a mis de la peinture grise. Déjà maquillé tout à l'heure. C'est nos meilleurs talents de maquillage. T'inquiète, j'ai fait un BTP carrosserie, mon gars. J'ai un BEP peintre. On va s'en sortir. Moi, ça, la première fois que je me suis fait maquiller, c'était à la radio aussi pour une connerie. J'ai perdu un jeu, du coup, mon gars. Je me suis retrouvé avec une perruque. Je crois que. Ça va, une perruque. Bah, j'avais la perruque, je crois qu'on m'avait aussi habillé. Je suis plus ça sûr. Va. C'est, y a les photos si vous voulez aller checker ça sur la page directement de l'émission, le Fun Live vendredi. J'ai déjà été une geisha, moi. Ah ouais? Et j'ai gagné un concours de geisha. Oh, bah moi j'ai déjà été un extraterrestre. Il a la voix déjà. Concours du plus. On peut avoir été beaucoup de choses, ouais. Ça c'est clair. Putain, pourquoi je me déguise au centre? Bon, alors c'est du coup, est-ce que je commence avec ma première question? Ouais, vas-y. Allez, faut du coup, j'ai les points, sélectionné les questions par rapport à vous. Du coup, je vais commencer avec Brandon. Alors attends, hop, je vais refaire. Il fait un tableau avec je des cases. Je refais un tableau, donc on a B. J pour Julien, T pour Thomas, TH pour Théo. Il y a combien de questions par personne? Une seule, et puis s'il y a deux gagnants, et ben il y aura une question pour les départager, par exemple. Ok. Ah, c'est chaud. Donc vas-y. Et K. Alors Kevin. La question est, c'est vrai. Est-ce que les femelles chiens disposent d'un clitoris? Oui. Mais ça abandonne la réponse. Là, ça il a répondu à ma place, c'est qui a dit oui pour lui, non, non. Allez, je le prends le là. Moins 1. Allez. Tu commences bien dans la vie. Vas-y, ça commence à prendre une claque sur les fesses là, vraiment. Là. Et du coup, Brandon, il dit quoi? Moi, je dirais que oui quand même. Tu réponds oui? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ouais, allez, un point, easy. T'as donné la réponse au pif ou. Il a copié sur Julien. Ou t'étais influencé par Julien? Ouais. Bah, Julien m'a un peu influencé, puis en réfléchissant après, quand même, je me suis dit, bah, si elles ont pas un clit, les chiennes, quand même, c'est chaud, hein. Bah, il y a des animaux qui n'ont pas. Enfin, je veux dire, les femmes elles ont bien un clit, pourquoi les chiennes n'auraient pas et un bien, clit? Eh bien, tous les animaux, comme les vaches et les autres c'est animaux des mammifères. Femelles, les mammifères ont des clits. Des mammifères ou non, d'accord. Les mammifères, ouais, mais ouais. Par exemple, les insectes, non? Non. Non, bah non. Bah, ce serait vrai. Ça serait bizarre. Je ressens des choses entre ma carapace. Ouais. Donc, en gros, même une femelle serpent a un clit. Bah, ce n'est pas un mammifère. Ça fait des œufs. Ah merde, c'est un reptile, je suis con. Oh là, oui. Non mais c'est que je suis en train de lire un manga et la meuf elle est à moitié humaine, moitié serpent et du coup est-ce que ça marche sur les sirènes? Ah oui, les sirènes. Question. Sirènes, ça m'a mis cher 100%. Est-ce qu'elles ont quelque chose? Je ne sais pas. Ah non, elles font des œufs. Bon, vas-y. Question suivante. Question suivante. Celle-là, elle va être pour Théo. Ok, je me demande comment on sélectionne les questions. Arrête de regarder, Julien. Ouais, ouais, j'ai commencé à regarder les réponses, moi. J'avais même pas fait attention. Non, cette question, elle est derrière. Mais même s'il répond bon à sa question, il a zéro. Attention. Je t'écoute. Combien de films a tourné Rocco Siffredi? Oh, ce genre de question. Ah, alors, attends, parce que j'ai la discographie à la maison. Non, c'est une vidéographie, je sais pas comment on appelle ça. Il a choix entre plusieurs propositions? Non. Ou pas, parce que clitoris, là, juste oui ou non. Ouais, là, c'est un peu chaud quand même. Elle était gentille avec moi, c'est normal. Donc tu pourrais l'aider quand même. J'avoue, 63. Beaucoup t'es plus. Loin. T'es très loin. T'es loin. On aurait pu lui donner une marge. Allez, loin. On fait un peu le juste prix si tu veux. D'accord, 124. Plus. 165. Beaucoup plus. C'est vrai? Ouais. 322. T'es encore loin, mec. Ah ouais? Mais non. 501. Beaucoup plus. 3000. Attends, plus que 501. Et il répond jusqu'à qu'il a la bonne réponse ou 824. Moins et dernière chance. Ah ouais, mais. Non, mais moi j'ai propose lui deux propositions. Ah ouais, deux propositions. Ouais, ce serait pas mal. Ou trois à la rigueur. Ouais. Quatre. Bah non, allez, 10 qui dit mieux. Deux propositions. Mais non, mais deux propositions c'est plus facile. Quatre allez, propositions allez, c'est allez, plus allez, dur. Allez, allez. Quatre. Alors, on va dire. 815. 632. 632. 714 ou dernière proposition 757. Ça doit pas être celle-là. 757. C'est peut-être du bluff. Et on compte pas celui qu'il est en train de tourner actuellement. Allez, va pour 714. Et eh bah, ben, c'est une bonne réponse. Oh, incroyable. Bien joué, bien joué, Théo. Et il en a réalisé 341. Non, mais c'est ouf. 714 films, il n'y a aucun comédien qui a fait autant de films. Ouais, mais c'est normal. Là, on est dans le monde du porno. Il n'y a, aucun... mais... a aucun comédien qui a son engin aussi. Genre. Ok, bien joué. Même ouais. Les noirs sont jaloux de lui. Respect à monsieur enfin. Rocco. Ok. Alors, prochaine question. Julien. Oui. Qui est le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte ? Oh, c'est trop simple. Le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte. Mec, c'est pas trop dans simple. La nouvelle Égypte, hein, attention. Ah. C'est trop simple. Bah tu vois, je suis pas quelqu'un de calé au niveau de l'Égypte, donc. Elle l'a fait exprès en fait. C'est incroyable. C'est vrai ? Elle a étudié chaque bah, profil. Il faut bien que. Il faut bien que. Ouais, c'est vrai. Attention, tu sais pas. Ouais, je préfère rien dire, vas-y. C'est Ra. Voilà, Ra, le dieu du soleil. Le dieu du soleil. Tête d'aigle. Ouais, il a plusieurs noms aussi, dieu de la lumière, enfin il y a plusieurs... Ouais, il a plusieurs significations. On peut même l'appeler Horus, je crois. Non, c'est pas lui. Horus, c'est son fils. Prochaine question pour Thomas. Ah, regarde, c'est... Ouais, ça pue. Quelle société... a inventé le premier préservatif en caoutchouc. Alors là, trois propositions. T'as de la chance, t'as trois propositions. Michelin, Goodyear ou Durex. Je crois que j'ai la réponse. Les mecs, ils font des pneus. On ne souffle pas. Ils font des préservatifs aussi. C'est pas Durex. Goodyear ou Michelin ? Michelin. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'était Durex. C'est Goodyear en 1880. Ok. Bordel. Je suis dingue. Dernière question pour Kevin. Okay. Pourquoi, au Japon, une femme ne peut pas être maître sushi ? Oh, mais c'est trop facile ! Si, c'est pas à cause de leurs hormones. Non. Mais plus précisément... Mais si, ils ont des hormones, enfin ils ont des hormones plus, enfin plus d'hormones que les hommes. Et je... Ah non, c'est à cause de leurs règles. Et ouais. Ouais. À cause de leurs règles. À cause de leurs règles, parce que ça modifie. Parce qu'apparemment, ça modifierait le sens du goût et de l'odorat. Oui, parce que c'est qu'apparemment. Hein. Ouais. Que apparemment. Bienvenue au Japon. Au pire, tu voilà. Goûtes pas ton ah, plat et c'est le même que les autres. Si je comprends bien, là, on a quand même pas mal de bonnes réponses, non ? Ah, moi, j'ai moins un déjà. Ah oui, t'as moins un, pardon. Donc il y a trois bonnes réponses. Déjà il y a deux perdants sûrs, c'est Julien et Théo. Là je suis parti pour comment faire ça maquiller. Pourquoi deux perdants non, moi non, j'ai la bonne réponse. Et Thomas, Thomas pardon. Ah. Et Thomas. Non, moi je dis rien. Je dirais Thomas, il a quand même une avance sur Julien, il a Julien à moins 1 hein. Ouais mais du non, coup il a répondu bon, il a 0. Mais non, il a pas répondu. Ah oui, il a moins 2. Bah non, ça va oui, moins 8 quand même. Non, là, on part sur je dis pas météo, il a répondu combien au moins 10 réponses toi. Ah mais ça va. 10 réponses avant qu'elle me propose 4 propositions. Ah non, c'est pas trop avantagé, ça va. Non mais j'avais une chance sur 1000. Déjà il doit prendre un château Labitte alors on verra la chance qu'il a après. Ça tombe bien parce qu'il me reste 3 questions. Allez. Pour départager, c'est ça ? Ouais, sauver. OK. Pour départager. J'ai qui les gagnants ou les perdants ? Les gagnants. Les gagnants. Okay. Alors, donc, bah, pour les gagnants, il y a moi, donc Brandon. Et bah, on Brandon. A Théo et puis Kevin. Voilà, on est tous les trois en plus à côté. Ok. Ça va finir en rentre dedans. Moi, je vais aider Théo. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. On n'aide pas. Il n'y a pas le droit aux indices et aux aides. On a déjà perdu. Alors, Brandon, yes, combien y a-t-il eu de saisons de Secret Story ? Non mais va te faire foutre. Tu sais quoi franchement t'as de la chance parce qu'elle m'aurait posé la question, j'aurais trouvé la réponse tout de suite. Je te dis vraiment tout de suite j'aurais 8. Non. On n'a pas le droit de souffler. Moins un. Non, moins mais un. Ouais mais elle a pas donné la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Ouais. Est-ce que je peux te dire entre genre 2 années? Quoi hein? Non tu dis un nom. Combien il y a eu de saisons? Putain vas-y allez 11. Mec, c'est incroyable. C'est la bonne c'est incroyable. Oh non. C'était chiant. Il y a eu 11 saisons. Ok, ok, ok. Oh putain. Vous déconnez pas, c'est vraiment. Non, il y a vraiment 11 saisons. C'est fini cette série. Là, je pouvais vous le dire, si je pouvais m'auto-félicitationner, je le ferais. Non, non, ne le dis pas. Non, juste les chevilles. Alors maintenant. C'est bizarre. Kevin. Je t'écoute. Longue question, concentration. Est-ce que Nirvana est uniquement un groupe de musique et une ville? Ou est-ce que c'est aussi une position du Kama Sutra? Wow. Okay. La ville était simple. Hein. Pour commencer, je n'ai pas expérimenté totalement le Kama Sutra. D'accord. Tu y es, mon ami. Je sais que c'est une ville et un groupe de musique. Ouais. Ouais, et je pense que ça peut être une position du Kama Sutra. Pour atteindre le Nirvana. Le Nirvana, exactement. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ok. T'avais là des questions. C'était soit oui, soit ça non. Ça pourrait en fait être aussi les chutes. C'était, ah non, soit c'est oui, soit c'était 10 fois plus simple que moi. Oui, ouais, ou oui, bon, oui, bon, oui, c'est vrai. Moi, j'avais le choix entre un nombre. Moi, là, c'est pareil. J'avais le choix entre un nombre. C'était Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça passe pas. Ouais. Alors, du coup, ça fait tout à l'heure, la première question, c'était oui ou non. Il y a un oui ou pas. Ça tourne bien, mais j'ai à la même enseigne. Alors, je pense que cette question va être difficile. Mais... Ah bah voilà. Pourquoi ça tombe sur Théo? Alors, attention. Tu génères avec qui, je crois? T'as joué entre 10 000 réponses. Et si tous les trois on a bon, on fait comment après? Eh bah, tous les trois, vous me maquillez. Ok. Oh, oh là. Intéressant, ouais. Alors là. Vas-y Théo, gagne. Attention. Gagne. Quel est le vrai prénom du rappeur Attic? Oh, alors, je connais pas le rappeur Attic. Je connais Akhenaton de Aya. Non, il est... Ça fait pas très longtemps qu'il est connu. Non. Ah oui, mais alors il a lancé, il a fait une série. D'accord, mais alors déjà rap, moi, voilà. Et après les années 90, il y a toujours du rap aujourd'hui. Et pas le même, mais il y en a. Ok. Est-ce qu'on peut le au vrai moins prénom l'aider? Est-ce que vous pouvez peut-être lui donner des propositions? Trois propositions. Ouais. Ok, alors. Anthony, Kevin, Julien. Aucun des trois. Alors, ce sera entre Romain, Julien et Clément. Oh, c'est pas loin hein, quand même. Il y a un Julien dedans. Romain, Julien et Clément. Clément, c'est un piège. Je sais pas pourquoi. Je lui dis des conneries, mais je m'en fous. J'ai juste écrit les trois prénoms. Ouais, ouais, ouais. On va dire Romain. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah, dommage. Et son vrai prénom est Clément, Clément. Pédor. Ah ouais, Clément. Il t'a induit et en erreur, le méchant. Non, mais c'est vrai qu'on a un Clément dans l'équipe. Ouais, c'est pour ça qu'on le voyait pas rappeur. Et on le voyait pas rappeur. Clément. Le Clément à nous, il est pas rappeur. Alors que Romain, on a eu Romain et Ghetto sur Indestar. Oui. On s'est dit, ah, mais il est pas rappeur non plus. Ouais, mais ça ressemble. Non, il est un rocker plutôt que rappeur. Mais... Moi, c'est la même chose. Alors, fais de la musique. Sacrilège, ouais. Fais de la musique, ouais. Et bah, du coup, j'aurai la chance de maquiller Julien, Thomas et Théo. Et quoi, pourquoi de me quoi faire maquiller. Bah, pourquoi si, bah, si, il a pas perdu. Répondu, il a perdu. Mais bah, il a une bonne réponse mais quand même. Bah, oui, mais réponse. Eux, ils ont deux bonnes réponses. Mais attends, c'est bah, tous les perdants. Oui, c'est tous les perdants. Mais qui non, sont mais moi je suis neutre, moi j'ai eu une bonne réponse. Ça servait à quoi d'avoir une putain de bonne réponse? Ah rien. Fallait gagner. Fallait que tu gagnes encore là. Elle l'a dit mais là. Non, mais non, c'est oui. le désolé moi. Théo. Et ça du coup, fait trois jeux que tu perds. Je vais me faire maquiller par Brandon et Kevin. Oh c'est là ça. Là. Alors la meilleure idée que vous avez à faire, c'est vous mettez une feuille au milieu de son visage à et vous, gauche, face, vous faites chacun un côté. Ah bien vu. On fait une compétition de maquillage. Avec et comme ça vous regardez pas et comme exactement, ça. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Ce sera pas symétrique, ça va être magnifique. En fait, on va lui faire de la peinture. On nous laisse combien de temps pour le maquillage? Alors, bah vous savez quoi? On va faire ça à la fin de l'émission et on mettra, on la mettra photo, ça sur la, quelques photos sur les réseaux sociaux. Okay. Avec quelques filtres quand même pour rendre ça un peu joli. Moi je propose qu'on vous mette un chrono aussi. Un chrono? Ouais. Oh, ok. Ouais. Parce que comme ça, si vous avez autant de temps libre, vous pouvez mettre 2 heures quoi. Mais là, si on met genre, vous avez ouais genre 5 minutes. Ah ouais, 5 minutes. Ça va envoyer. Ouais. Bah je sais pas, hein, je dis une okay, ouais. Ah, 5 minutes. 30 secondes. Ouais. Heureusement que j'ai secondes, le démaquillant. Hein. On va vous mettre ça de toute façon sur les réseaux sociaux. 30 juste secondes, après c'est l'émission, de la peinture ouais de chambre, vraiment. Hein, genre. Bah. En attendant. Ouais. Et bah juste après, on revient pour un canular avec monsieur Théo, justement, ouais, le perdant de la soirée. Oui, bah ça, clairement. Même quand je gagne une bonne réponse, ça suffit pas. C'est le challenge. Bah, fallait faire un sans faute, hein, qu'est-ce que je te dise. Bah, oui. Du coup, on va vendre du Château Labitte sur Indestar. Ouais. Oh oui. Après quoi Monsieur Labitte, bah, il arrive juste après Jonasel, pardon. Prayer in Cover. Prayer in Sea. Indestar. Indestar, là où tout commence. Et là où on vend un vin particulier sur Indestar ce soir, spécialement pour nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler si vous voulez nous parler un petit peu de cette cuvée spéciale qui est sortie en 68, le Château Labitte. C'est notre cher Théo, il est vigneron aussi, on vous l'avait pas dit en plus d'être... Tout à fait, mais déjà, vendre du vin, parce que je quand même, alors je ne bois pas de vin, moi déjà, personnellement, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, mais je suis petit-fils de viticulteur, et je peux dire, de vendre du vin de 68... aujourd'hui, il a intérêt à être bien conservé quand même ton vin. Hein. Mais bon, on peut tenter. On va tenter, je pense que ça va passer. À quelqu'un qui n'aime pas le vin, hein. Apparemment, d'après les informations, elle n'aime pas le vin. Il va falloir que je lui vende du vin qui a un nom bizarre. Ça, à la limite, je me dis peut-être que ça peut passer si elle capte pas. On va tenter. On l'appelle ? Est-ce que tu couperais pas nos micros ? Oh, bah vous fermez vos gueules, ça va passer. La violence, on sent vachement en confiance quand même. Ok. Donc du coup on appelle une certaine madame, c'est ça ? Madame Bray, donc que l'on appelle, et j'essaye de lui vendre un vin qui s'appelle le Château Labitte, édition 68. Surtout à cette heure-ci. Et à cette heure-ci, 22h42 évidemment, c'est une heure pour vendre du vin. Je lui dis, bah je suis désolé, je suis encore en train de travailler. On a mis toutes les chances de notre côté. Est-ce que t'enlèverais pas le bed ? Si, on va faire ça à l'ancienne. Attends, ça, et du ça coup, fait je te rajoute une petite difficulté. Non, faut si ça te demande, mais c'est quoi Château Labitte, bah, faut que tu te dises, voilà, c'est le nom du propriétaire, Monsieur Labitte, il en a une grosse, tu vois. Attends. Alors là, elle rit en trois secondes. Si le Château Labitte passe déjà, je te jure que déjà, on aura de la chance. Si en plus, tu rajoutes, si vraiment, si je vois que ça s'éternise et qu'elle capte rien, là, ok. Mais à mon avis, elle va nous raccrocher au nez en 15 secondes. C'est fort probable. Mais si franchement, si ça tient, oui, t'inquiète pas, compte sur moi pour en rajouter. Allez, on essaie d'appeler Madame Bray. C'est parti. Ça sonne. Va-t-elle décrocher ? Est-ce que t'es en... Ah, on est en... Vous êtes sur le répondeur d'ailleurs. Ah, et c'est le répondeur. Est-ce que tu veux un autre numéro ? Ouais, alors peut-être un autre numéro. On pourrait voir un autre numéro au cas où. J'ai un ami qui s'appelle John. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur Indestar. Bah ouais, mais du coup, ça va pas être cramé. Je pense pas parce qu'il a pas le numéro d'Indestar. Ah, mais est-ce qu'il connaît la voix du coup ? Pas dit qu'il reconnaisse la voix. On pourrait s'amuser. J'allais dire appeler mon formateur d'anglais, mais à cette heure-là, c'est un vieux crouton qui est en train de dormir. Il se couche à 20h. Et apparemment, d'après les petites infos que j'ai, c'est une petite pute ton professeur d'anglais. Ah oui ! Une parisienne qui nous a dit ça. Oui, on sait. On ne citera pas le nom de cette dame. Crochet du droit. Elle a dû en mettre une sacrée couche aussi sur moi, de pas trop aimer. John. Non. Pinel. Monsieur Pinel. Tu vends des opinions. Il a quel âge, monsieur Pinel ? Il a. Oh putain, il a quel âge, lui ? Pinel. Ouais, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. tu sais dans quelle région il habite à peu près ? Oui. Il habite à Tours. Il fait du théâtre. Effectivement, il est déjà venu sur Indestar, mais à mon avis, ça sera grillé. Mais on tente. On tente. Si t'es grillé, j'ai un autre numéro qui pourrait être sympa. Ça commence. Aura-t-on plus de chance, Monsieur Pinel ? Il va avoir un numéro privé. Allez. Salut, comme tu peux le constater, je ne suis pas là. Alors... J'adore. Hey, on lui laisse un petit message. Ah, dommage, j'ai raccroché. Ah merde. J'adore le répondeur. Salut. Je suis pas là. Laisse-moi un message. On entend ton dernier. Allez. On entend ta dernier. Alors, c'est une dame. Oui, c'est juste son nom. Madame Maurice. Madame Maurice. Donc c'est un monsieur. Ok, Madame Maurice. C'est qui cette. Travaille dans les lycées. Ouais. Elle a fait partie de tous ceux qui travaillent dans les lycées. D'accord. Elle travaille pour l'éducation nationale, cette dame. D'accord, et elle habite dans le coin ? Ouais. Donne-nous des infos. Ok, elle habite. Non, mais on va dire sur Tours. Elle habite. Dans les petits villages aux alentours d'Amboise. D'accord, ok, très bien, ok. C'est encore mieux. Ok, on y va, on va tenter. Plus ça va, moins j'ai d'infos sur les personnes que j'appelle. T'as même pas son prénom. Madame Maurice. Maurice, Maurice. Son prénom ? Non, non, non. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un appel entrant, ça. C'est John. Attends, si ça se trouve, oui. Alors, attends, comment on fait ? Je sais pas. Décroche ! Mais je peux pas. Numéro non disponible. Non disponible. Ah, ou c'est le numéro que j'ai appelé ? Attends, on va retenter. Je sais pas ce que j'ai fait. Rappelle le numéro qui vient de te rappeler. C'est bizarre qu'il rappelle alors que c'est numéro privé. Attends, ouais, John, numéro, tu peux pas rappeler un numéro privé, ouais. Alors on va retenter une dernière fois. Investor, c'est pas un numéro privé ? Si, si, ça met en numéro privé. Sinon, vous savez quoi ? On va appeler un hôtel. Ah, j'aime bien les canulars. Ah, un hôtel restaurant. Ça peut être pas mal, hein. Ouais, j'avoue. En plus, ils sont. Et on leur vend le vin. Et on leur vend le vin, du coup. Ah ouais. Il aurait fallu prévoir ça. C'est super bien préparé. En même temps, on a dit que c'était radio libre. Hein. On a dit libre antenne, on n'avait pas dit radio libre. Hein. On est oui. Plus dans les années 80. Hein. Ouais, ça marche. À un mot près. Ah. Ah. Non, ça ne marche pas. Ce numéro saisi n'est pas valide. Ah, d'accord. Elle t'a donné un faux numéro là-dedans. Ça vous dit de prendre un verre, bon bah. Est-ce que tu vois le numéro qui t'a appelé tout à l'heure ? Ou c'est lui qui est masqué ? Non, aucune réponse. En fait, je pense que ça a fait, ça a dû faire un bug, un retour, mais c'était bugué. Pas, ouais, c'était pas une personne qui a appelé. Ok, ben on appellera un hôtel. Est-ce qu'on appelle tout de suite ou est-ce qu'on fait autre chose ? Ouais, je l'ai le numéro d'hôtel. Voilà. Parfait. Okay. Ouais, le numéro de l'hôtel. Il a l'habitude, il connaît. Allez, c'est ça. Attends, mais je l'ai dans mes. C'est un endroit où j'ai travaillé, mais faut pas. Je m'appelle Brandon par ce soir. Tu sais que moi j'ai quelques noms d'auditeurs sympas à appeler pour des canulars éventuellement dans mon répertoire. Et bah voilà. Ok, c'est quoi comme hôtel ? Hôtel restaurant Le Fleuret. Le Fleuret. Oh le bâtard ! Mais pourquoi ça marche pas ? Je travaillais là-bas. Non mais attends, il y a un truc, il y a un problème. Pourquoi 0686 ouais, là ? Alors vous voyez Théo depuis tout à l'heure, il t'appelait numéro. Alors à retenter. On entend. Il joue à Mario le mec. Snake, il fait peur les petits biscuits. Là, il joue. Allez. Il est passé niveau 5. Le Fleuret. Je sais même plus qui je suis. Château la bite, toi. Il y a un mini golf aussi là-bas. Je pense qu'il faut que tu fasses un plus 33-2. Oh là là là. Ah, peut-être possible. Non, mais tout à l'heure ça a fonctionné. Je comprends pas. 33-10. Attends, il y avait marqué Kiribati ou je sais pas quoi là. T'appelles depuis le Kiribati. Pays, région. C'est pour ça. Là, tout à l'heure, quand tu mettais le numéro, dans pays région, choisis France. Il y a quelqu'un de Kiribati. Regarde, Kiribati. Ça te met ça comme région quand tu fais 0-2. Faut que tu mettes plus 33. Mets plus 33, sinon ça va pas fonctionner. D'accord. Mais comment tu mets plus. Mais je sais pas comment. Tu restes appuyé sur le 0. T'as jamais de téléphone. Plus 33. Ah. Voilà, et là on a la France. Alléluia. D'accord. Les amis. Deux. Donc ça se trouve le numéro a fonctionné tout à l'heure. Ok. Alors si je peux vous faire un petit topo. Non, un parce petit que peu... c'était des numéros de portable et ça a fonctionné les numéros de portable. Oui, bah il me casse les couilles. T'as passé le niveau 10 là, rassure-moi. Ok, c'est parti. Ah. Ça sonne. Le Fleuret, bonsoir. Oui, bonsoir madame. La société Château l'habite à l'appareil. Je vous appelle. Vous êtes donc un restaurant Le Fleuret, c'est ça tout, vous êtes oui, par oui. Contre, les bureaux sont fermés à cette heure-ci. Là, c'est juste la réception pour la nuit. Donc y a, si c'est d'accord, pour je vous embête deux minutes. C'est parce que donc, nous sommes une société représentante de vin et nous aimerions proposer notre produit tout simplement. Vous faites restaurant, hein, c'est un hôtel-restaurant que vous gérez. Alors c'est pas moi, je suis réceptionniste de nuit, donc là vous appelez à une heure, il faut parler à la direction directement. Oui, j'imagine bien. Ils sont pas là la nuit, donc il vaut mieux rappeler pendant la journée. D'accord, j'imagine bien madame. C'était simplement pour vous présenter notre produit, après vous pourrez choisir de toute façon de pouvoir rappeler demain matin. Monsieur, je vous arrête tout de suite, le mieux c'est d'envoyer un email directement à la direction. D'accord, alors je vous envoie un mail maintenant. Réceptionniste de nuit, je peux pas... Voilà, donc là je suis sur mon mail. Donc maintenant que je suis sur mon mail, je peux vous donner les informations concernant notre produit qui est donc un vin de 1968. Oui, je vous laisse envoyer l'email, monsieur. Je suis vraiment navré, d'accord. Je vais devoir vous laisser. Alors j'appuie sur envoi. La réception ce soir. Ok, j'appuie sur envoi. Là, c'est envoyé. Donc mes informations concernant mon vin, c'est tout simplement donc un vin d'un très grand cru. Hein. C'est 1968 et c'est une très belle année. Vous n'avez rien de m'en parler. Je suis réceptionniste de nuit. Je ne gère pas du tout ce qui est restaurant. Ah oui, non, mais il y a pas. Juste envoyer un email à la direction. Et comme ça, ils pourront voir ça et vous recontacter. D'accord. Votre petit nom, c'est Moi, je m'appelle Cassie. D'accord, bah bonjour Cassie. Donc Cassie, effectivement, c'est un château l'habit très grand cru, hein, de 1960. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Au revoir. Et moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, raccroché. Cassie, j'en étais sûr que c'était elle. C'est la fille du grand. Enfin, le patron est décédé, mais c'est l'une des copropriétaires. Elle est très gentille. Tu as bossé au Fleury. Tu connais Denis. Elle est très gentille. Denis qui bosse à la plonge. Ah, mais on va pas donner tout. À la plonge, je sais pas. Ça a changé très souvent. Vous connaissez Cassie, justement. Bah oui, moi je connais Cassie. J'ai bossé là-bas aussi. Elle est très gentille, Cassie. Ah ouais, elle est gentille, elle est super. Et pourtant, c'est la patronne. C'est la patronne, c'est ça le pire. Hein. Ah non, il y a sa mère avant. C'est la fille, ouais, c'est la fille. Oui, mais c'est elle, elle gère tout ce qui est réservation aussi, etc. Ouais, mais c'est pas la patronne. Tout, hein. C'est la mère maintenant qui est la propriétaire majoritaire. Je l'ai trouvée très patiente, Cassie. Ouais, très patiente. On a fait combien de temps? Elle est bilingue, elle est super jolie. Ouais, je rajoute ça quand même. Mais incroyable, je pense qu'elle en avait marre, vraiment. Je suis désolé, monsieur, mais je vais vous laisser, c'est bon. Non, mais quand t'as dit. À un moment donné, ouais. Non, mais t'as super bien repris sur l'histoire du mail. Ah, oui, quand elle a dit, faut envoyer un mail. Bah, attendez, là, je suis sur les mails, donc là, maintenant, je peux vous en parler. Nanananananan, et tu forces. Bah, oui, faut forcer, faut y aller, faut rentrer dedans. On rappelle quelqu'un, dis donc, en force. Incroyable. Oh, c'était super. Mais j'avais trop envie de dire, bonjour, Cassie. Allez, ça bon, tu nous rappelleras Cassie un peu plus tard, Isma, pour dire que c'était un petit canular. On dirait que c'est Isma. Mais non, de toute façon, son numéro privé, on dira rien. Mais par contre, faut envoyer le mail. On envoie le mail depuis Indesta. D'accord, mais non. Tu vas pas vendre du château d'habit par un mail. Bon, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Mais déjà, oui, je suis content d'avoir tenu plus d'une minute. C'était pas mal. On verra. En tout cas, si vous voulez nous appeler, réagir un petit peu à l'émission, même discuter avec nous. Si vous avez des choses insolites, des choses folles qui vous sont arrivées, fun, ça peut être sexuel ou pas, on s'en fout, vous nous appelez là 09 70 407 306. Mais de toute façon, on s'approche de 23h. On avait dit 21h-23h, mais ça sera 21h-23h à peu près. Ouais. Comme beaucoup d'émissions, je crois. Voilà. Moi, j'ai des petites questions que je vous ai préparées. Effectivement, il y a des questions des internautes qui risquent de dériver un petit peu. Voilà. D'accord. Et bah, avant toi Théo, on va se retrouver juste après avec Mister Julien. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais. Tu sais, c'est quoi? J'ai été faire une petite recherche sur internet pour trouver des questions à la con. Alors à la con de quoi? Des questions que des gens posent. Mais... Ça ressemble beaucoup à Théo. Non, mais... Incroyable. Mais il n'y a pas réellement de réponse en fait, c'est un peu... Ah, il pose la question et tout le monde répond. Idiotes. C'est des questions idiotes. Ouais, en fait, c'est vraiment des questions super connes. Est-ce qu'on aura le droit, nous, de trouver une réponse idiote à question idiote? Oui, bah... Bien sûr, on peut. On va débattre. Okay. À question con, réponse con. Mais avant ça, on a le, je dirais, un peu le gratin. Ah, le gratin des stars, tu es m'en parler. Nouveau titre d'Anna Free. Oh non. Anna Free, toujours. Encore un nouveau titre. In my head, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Anna Free? Eh bien, sûrement beaucoup de choses en ce moment, vu qu'elle est enceinte. Bref, petite. Ah, c'est pas dans la tête que ça se passe. Ah, tu l'as mis enceinte, Théo, félicitations. Dans la tête de l'enfant. Hein. La deuxième fois déjà. Donc, In my head d'Anna Free, et dans un instant, ce sera toi. Le grand Julien. Indestar, là où tout commence. 23h et quelques secondes de passé sur Indestar, bienvenue. Et 22h59. Alors, sache que l'horloge du téléphone de l'ordi est pas bon. Parce que ma montre, elle est pile à l'heure et il est 23h06. Ouais, mais ça, c'est impossible. 59 sur tous les ordis. Ta montre ne peut pas être plus à l'heure qu'un ordi. Ah, ouais, il est 22h59 sur le téléphone. Ouais, mais je me suis dit, ça se trouve. Dis-toi toujours que tout ce qui est connecté à internet est plus à l'heure que ta montre. Ouais, mais en plus, attendez, il y a l'horloge quand même qui indique 22h dans les studios. Je suis pas sûr qu'il y a marche. Bon, bref, 22h59 et quelques secondes, toujours sur Indestar, le Fun Live du vendredi pour vous faire kiffer encore pendant à peu près beaucoup de temps. Parce que normalement, pendant à peu près toutes les vacances. Normalement, on devrait être en train de faire le speed de fin. Donc, vous dire, voilà, c'était une super émission, on s'arrête là pour ce soir. Mais non, on s'arrête pas là, puisqu'on on a encore pas mal de choses à faire. Depuis quand on s'arrête à 23h? De toute façon, sur Indestar, les horaires, on sait bien. Ouais, allez, arrête de raconter ta vie, on fait quoi? Mais on fait quoi? On va s'intéresser à vous, les internautes, les auditeurs, tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui posent des questions vraiment, mais vraiment connes. Ça a été répertorié sur Internet. Ah, c'est peut-être pas eux d'ailleurs, hein, parce que... Les gens, ils sont pas tous cons. Ah bah pas tous. Il y en a certains. Non, mais il y a des choses très intelligentes sur Internet. Ouais. C'est pas des et des choses. Ceux qui écoutent Inessa sont très intelligents. Ah bah évidemment. Bien sûr. Vous êtes tous très intelligents. Et on espère que c'est pas vous qui avez posé ces questions sur le net parce que vous avez des pseudos, heureusement. Mais voilà, on a Julien qui a été fourré son nez là-dedans. Je vais vous faire quelques questions que j'ai notées. Tu nous fais carrément les questions. Bah, je vous en fais quelques-unes. Ouais. Et on doit chacun y trouver une réponse, mais pas à la Pierre Champion, hein, une réponse très courte. Non, en fait, le but là, on va dire. Ou on en parle. Ou on en parle. On en parle. On va dire le plus qu'on gagne au final, quoi. Ou on en parle. Je la pose et après. Ouais. On en discute et on en débat. Ok, ça va. Allez, vas-y, je viens. Alors, je vais commencer. Alors, avec le micro devant ta bouche, s'il te plaît, comme si t'allais le gober. Ah, mais c'est qu'il peut pas lire. Pardon. Bien, une question très con. Quelle est la couleur de la couleur ? Ah. En sachant que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Ah bon ? Donc ni le gris, parce que non. C'est un mélange de noir et de blanc. Bah non, parce que quand t'avais la télé en noir et blanc, tu l'avais pas en couleur. Ah ! Et oui. Bien vu. Déjà, t'es plus intelligent que moi, donc moi je suis le plus con, je C'était gagne. C'était quoi la question l'instant. Déjà ? La couleur. La couleur. Eh bien, aller en couleur, voilà. Faut se dire qu'il y a quand même des gens qui se posent cette question, quoi. Genre. Oui. Ouais, c'est ça le plus important. Effectivement, on a du mal à y répondre. Question suivante. Jessica, toi qui es la seule femme parmi nous, as-tu une réponse peut-être à dire Non. Qui diffère de celle des hommes, des Homo sapiens, sapiens. J'ai pas sapiens. Vraiment de réponse. Sapiens. Est-ce que la couleur de la couleur serait pas la couleur qui en a le plus, ou là où il y a le plus de choses en couleur ? C'est l'arc-en-ciel. Oh. C'est pas une couleur, c'est multicolore. C'est le blanc. Non, on vient de dire c'est pas une couleur. C'est pas couleur. Il a rien écouté. Bon, mais sinon, okay. J'aurais dit le noir, moi perso. Après le noir, c'est le gris. Gandalf le gris, quoi. C'est la couleur de la couleur. Bon, vas-y, next, celui-là. Comment les îles font pour ne pas partir à la dérive? Ah. Ah oui. Alors, je veux pas avoir une réponse scientifique là-dessus, mais je suis pas sûr que ça plaise. Ils ont appelé Pierre Champion pour ça. Ils ont mis une encre, c'est comme un bateau. Il y a l'île et hop, ils mettent une encre et hop, l'île elle tient sur place. Voilà, d'accord. C'est comme ça que ça marche. J'aime bien cette idée. On va s'arrêter sur cette idée. Il valide, c'est assez con. Les aveugles de naissance rêvent-ils en images? Ah. C'est une vraie question. Est-ce qu'ils peuvent rêver de quelque chose, d'un objet, se l'imaginer, tu vois? Parce que quand, imagine, sachant qu'ils l'ont jamais vu. Faut se dire que nous, on a vu les trucs en tant que voyant. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien vu, on a beau lui décrire, oui, la canne elle est longue, elle a telle forme. Comment il peut s'imaginer la forme, sachant qu'il avec la main, si, avec forme. La main, si, avec si. La main. Oui. Si tu au toucher, tu peux te faire une image mentale, mais sans la couleur, sans exactement l'aspect. Ouais. Ouais. Il y a des possibilités de se faire une image mentale. Après, je me pose la question quand même entre effectivement l'aveugle qu'il est devenu et il a une vision de la réalité. Il a une base. Ouais. Et celui qui ne l'a jamais vu, où effectivement tu peux voir la longueur, apprécier la longueur et la forme, mais de là à t'imaginer, ne serait-ce qu'un objet n'importe lequel, je pense que ça peut être difficile. Ouais, mais je pense aussi. Je pense que son rêve doit être plus trouble en fait. Je pense que ça doit être. Je pense qu'il trouble, rêve pas. En fait. Ouais. C'est crypté. Si il rêve, c'est crypté. C'est crypté. Comme Canal Plus, vraiment, c'est vraiment crypté. Il rêve, mais avec des paroles en fait. Des écritures. En braille. Ouais, en braille, c'est ça. J'allais dire, voilà. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on faire pour le savoir? Si un mot est mal écrit? Oui. Dictionnaire. Si genre ils sont plantés dans l'écriture du Google Trad. Parce que le dico au perso c'est dépassé. Non, c'est un dictionnaire quelque part aussi. Normalement c'est lui qui a raison. Google Trad? Ou le dictionnaire. Le dictionnaire. Oui, parce que ce sont les fameux immortels qui nous pondent comme ça des termes et avec des définitions dont la plupart sont dépassées. C'était quoi la question? Comment tu te rends compte que le mot il est faux? Comment en fait peut-on faire pour savoir? Et si ben, moi, je parle d'un principe, c'est que si tout le monde écrit le mot mal, finalement c'est la bonne écriture, tu vois. Donc s'il est mal écrit dans le dictionnaire et donc tout le monde l'utilise de cette façon-là, même si c'est la mauvaise écriture, et bah les couilles. Voilà. En soi, tout le monde comprend le mot. Donc, ouais, exactement. Peut-on attraper des MST en parlant de sexe puisque c'est du sexe oral? Celle-là est drôle. C'est ma préférée. Celle-là pour l'instant. Est drôle. Alors, peut-on choper une MST en parlant, puisque parler c'est considéré comme du sexe oral? Oui. Bon, là, est-ce que ça mérite vraiment une réponse par contre? Moi j'ai envie de dire oui. En soi, on connaît la réponse, mais on va peut-être pas. Attention, théoriquement, c'est coronavirus possible. En parlant à moins d'un mètre. Théoriquement. Ouais. Donc. C'est comme le coronavirus, loin, en fait. Ouais. Le coronavirus n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Non, mais bon. MST, donc non. Mais imagine, tu broutes le minou de quelqu'un, je parle pour moi, évidemment. Tu broutes le minou de quelqu'un qui a une MST. Oui. Et après, tu parles à quelqu'un, mais au niveau de son entrejambe. Hein, tu vois. Oh. Mais c'est faut le faire quand même. À quel moment tu parles à l'entrejambe? C'est légèrement tendu. C'est légèrement tendu. C'est le minou du spécial. Hein. Dans un club échangiste. Dans un club échangiste, tu peux arriver. Non mais genre je sais pas, la partie intime d'une autre personne, c'est pas une belle plante à qui tu parles pour qu'elle pousse plus vite quoi. Et ben pas savoir. Peut-être qu'en fait vous êtes en train de communiquer pendant que toi t'es en train de faire autre chose. Au lieu de parler directement à la personne, tu fais eh vagin. L'homme qui chuchote, et du coup, chuchote à l'oreille des vagins. Comme le corona, tu postillonnes et ça rentre à moitié au bord. Ouais, je veux te lécher. C'est tiré par les cheveux. Carrément. Non, je suis sûr, c'est possible. Bah, les poils, à la limite. Mais. Ok. Question suivante. Une question. Bah, nous, les hommes, on pourra pas trop répondre. Peut-on avoir un orgasme? Ah. Bah, pas savoir. En mettant un tampon. Ah bah oui. Tu peux y répondre alors? Bah oui, tu te le mets dans le cul, ça te chatouille la prostate et voilà. D'accord. Et oui. On voit qu'il y a un connaisseur. Bah non. Non. À part si tu le mets, que tu le retires, que tu le remets. Ouais mais attends, il va s'imbiber en même temps le machin. Bienvenue dans Indé Trash, l'émission à partir de 23h. Les femmes peuvent faire des tests hors règles, sinon c'est sûr que c'est pas forcément évident. Mettre un tampon pendant ses règles, c'est d'une pas agréable, alors le mettre quand t'as pas tes règles, c'est encore pire, je pense. Oui, je comprends. Ouais mais après, on a pas comprendre. On a pas dit l'utiliser, on a dit juste se le mettre. Oui, bah oui, non mais ça veut dire il faut le mettre. Du coup, est-ce que tu peux pas l'utiliser comme un sextoy au final? Mais tu peux pas, c'est du coton. Ça va rester à l'intérieur. Du coup, oui, ça va rester vu que ça va se détériorer. Ouais, ok. Et du coup, c'est le bon moyen de se choper des MST. Voilà, c'est bon, on a trouvé. Comment je fais pour imprimer une vidéo YouTube? Ah, alors là, il y a une touche sur le clavier qui s'appelle imprime écran. Une vidéo. Ah, une vidéo. Bah ouais, mais t'imprimes l'écran, t'imprimes une vidéo. Non, mais là, y'a pas de réponse, la personne est juste connue. J'en ai une. Ah bah, Si tu veux. C'est des questions. Image par image. Ouais. Ouais, bah oui. Et tu fais un book après, tu sais, tu les attaches. Et tu tues une forêt. Non, non, mais tu sais, y a des conseils comme ça où que les gens ils dessinent des petits trucs sur un bloc gros comme ça, un gros livre en gros. Et en gros, ils font passer les feuilles. Sorte de storyboard quoi. Ouais, c'est ça. Mais les images bougent en gros. Ah oui, bah c'est comme Wallace et Gromit. C'est ça? Non? Si. Voilà, c'est Gromit. Non. C'est de la 3D animation ce Non, c'est pas de la 3D, c'est de la pâte à modeler. Ah non, oui, ils font, ils filment image par image. Oui, ils filment image par image. Oui, oui. Et bah, du coup, tu peux faire. Alors, c'est pas exactement ça, mais sur papier, tu peux faire une vidéo en fait. C'est vrai. Ça. Ouais. Ouais, t'as toutes tes feuilles comme ça et clac, tu sais par tu contre, les tu jettes, vas te faire chier. Voilà, tu les imprimes et t'imprimes un beau paquet. Ah bah, c'est clair. Suivante, Julien. La masturbation fait-elle rétrécir le pénis? Alors pratiquant beaucoup, non, gros sur le moment. Pourquoi rétrécir? Je vois pas pourquoi. Je pense que c'est l'action de grossir, mais il rétrécit pas, il revient sa taille de base. Ouais, mais non mais la tu parles sur la durée, on est bien d'accord sur une à durée. À force de se masturber, alors oui, ça fait rétrécir non. le pénis. Non, non, non mais devient plus dur à activer. Je pense que c'est l'inverse. Certains, ouais. Non mais ouais, certains pourraient penser l'inverse. Oui. À force de se masturber, que ça fasse agrandir le pénis. Mais sauf c'est que sûr, ça marche pas ni comme ça. Ni l'autre, ça marche pas. Alors, expérience personnelle. Faites-le 4 fois d'affilée. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est une matraque. Non, mais ça revient à sa taille. Ça ouais. sent le déjà vu là. Ça s'agrandit pas à long terme. Si, c'est plus grand et plus gros. Mais non, mais pas à long terme, t'es dit. C'est ah non, pas à long terme, non, ah c'est temporaire. T'as pas la force d'un c'est God comme Miché, si t'avais pris du Viagra. T'as pas la force d'un God Miché, okay. Tu peux pas le garder au bout pendant 10 ans. Mais sur le moment, c'est impressionnant. Je me suis posé des questions. Tu t'es dit, est-ce que j'ai réveillé la bête? On a Thomas qui a fait des expériences avec son propre corps. Merci tout. Il y avait une fille avec moi quand même. Ah, ok, d'accord. Non, franchement, merci Thomas d'avoir partagé ça. Merci. Et là, je m'appelle Thomas Walt. J'en appelle à vous, les auditeurs. C'est très important. Là, on a besoin de vous. Femmes, hommes, femmes. Surtout si vous avez des expériences avec les tampons. Vous avez eu un orgasme avec les tampons parce que Jessica n'est pas la seule représentante. Non, mais je crois que Jessica. Vous nous appelez 09 407 306. Et les gars, c'est pareil. Que les femmes aient un orgasme c'est avec ça, un simple mais... tampon. Mais non. Moi, je il dis peut ça y peut avoir fonctionner. Plusieurs si. Tailles, il y a oui. plusieurs tailles de tampons, mais pour non, moi, c'est en, non. En vrai, c'est si je peux, je pense que ça peut fonctionner chez certaines femmes qui sont hypersensibles. et ça serait du tampon ou autre chose, tu vois, ça pourrait fonctionner. Mais le principe que ça soit un tampon, effectivement, tu peux pas le mettre, le retirer et faire ce que tu veux avec. Mais il y a des femmes qui sont ultra sensibles. Et peut-être que tu peux avoir un orgasme. Il y a des femmes qui ont un orgasme sans rien. Hein, donc, ouais. Après, si, imaginons, tu t'es masturbé avant et que tu te mets le tampon après, peut-être. Bah, alors qu'on te masturbe pendant ses règles, c'est un peu. Pas forcément pendant ses règles. On a dit aussi hors règles. C'est pas forcément. Mais tu mets pas un tampon hors règles. Oui, c'est sûr. Il y a des meufs. Ton god, il est en panne, voilà, il y a plus de batterie. Tu te dis, t'as pas de courgettes, t'as pas de bananes, t'as pas ce que tu veux, t'as juste ton tampon. Ah déjà, il faut savoir que les tampons, c'est hyper dangereux pour la santé. Faut pas les garder trop longtemps. Non, mais même ça, tous les produits chimiques qu'il y a dans un tampon, une serviette hygiénique, c'est. Oui, mais t'as des énorme. Trucs biodégradables, du coton bio, je sais pas quoi. Du coton bio, ça ne marche pas. Bon, c'est nul. Ok, suivante, Mister Julien. Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait. Que cherchait-il exactement à faire à ce moment-là? Ah ouais! Il y a une chanson de Guédré qu'on passe sur une des stars, effectivement. Quelle a été l'idée qui est passée par la tête du premier mec qui a essayé de traire une vache? Et effectivement, le mec. Mais non, je pense qu'il a vu les trucs dépasser, tu vois, il s'est dit. Ça a l'air mou, ça a l'air agréable. Allez, vas-y, on y va quoi. On va malaxer, on va lui faire un massage quoi. Je pense que non. On arrête tout, c'est parce que théoriquement, il a observé avant. C'est un pervers. Il a observé la vache et du coup il a vu que le veau buvait quelque chose. Oui, parce il a que... dû voir tété en fait. Ouais. Et du coup il s'est dit mais attends pourquoi le veau il boit ça c'est ouais. peut-être bon. Pourquoi je ne sais pas. Et du coup pareil. Il a peut-être essayé ouais voilà. C'est ça. Et du coup il a dû mettre le pied dans la bouche et hop et il a dû trouver ça bon. Le pied dans et la s'est bouche. Dit je vais le sortir. Bah ouais. Ça me rappelle maman. Elle a des c'est okay. bizarre. Quoi next, Julien, next. Next. Passons à la suite. C'est vrai qu'ils sont bizarres. 23h, trash sur Indestar. Le sperme blanchit-il les dents? Ah, cette question, c'est. Je l'ai alors, vu. Ouais. Elle est récurrente parce ouais, que je l'ai vu beaucoup en fait revenir. Du coup, j'ai dit bon. Ouais, il y a des femmes qui. Ça, à mon avis, c'est une excuse qu'on a dû donner aux femmes pour. Exact. Genre, ça fait maigrir, ça fait blanchir les dents, c'est bon pour la santé. C'est rempli de vitamines aussi. Oui. Alors ça c'est pas faux. Alors pas les vitamines, mais c'est bourré de protéines et tout ça. Alors moi j'ai appris que le sperme était bon pour la peau. Oui. Alors ça aussi je parie que c'est une connerie. Et ben apparemment on peut faire des masques au sperme. Oui. Et tu sais que j'en fais des fois des masques. Un peu gluant, un peu spermant. La chanteuse Lady Gaga a sorti un parfum au sperme il y a quelques années. Où elle en a vanté les vertus pour la peau. Par contre, l'odeur, j'en sais rien. Attends, il peut pas y avoir une odeur de sperme, ça existe pas. Non, il y en a pas une, mais non. En règle générale, d'avoir ça sur la peau toute la journée, si tu veux, ça ouais, déjà, c'est pas très. Bah écoute, regarde mon nouveau parfum sperme, voilà. Tu veux sortir? C'est pas vraiment très attrayant. J'irai checker ça. Il est bio, il est naturel. Est-ce que ça peut pas faire fond de teint aussi un peu? Non, parce que non. Moi, non, je dis rien. Eh, les gars, c'est pas de l'aloe vera, hein, vraiment. Bah, ça aurait les mêmes vertus que l'aloe vera. Crème d'Ivéa. Perso, je veux rester sur l'aloe vera. Ça rétrécit les pores. Ça... T'as moins de. Pas. Quand tu veux pas conserver ton sperme dans un pot à confiture. Non. Mais... Au frigo. Avec ça, l'acné, c'est tous les matins. Fini. Moi, j'ai plus d'acné. Je les mets au frais, tu vois, jusqu'au moment où j'ai. Ah, toi, t'es bien, toi. Toi, t'étais une bonne graine, dommage. De toute façon, c'était ton seul descendant qui aurait pu être intelligent. Bon tous les autres, ça va être des teubés. Bon Dieu. Est-ce que ça c'est... va être des teubés. Ouais, mais est-ce qu'on peut considérer que j'ai mis mon gosse dans le frigo, du coup? Criminel. Arrêtez. Est-ce que t'en as encore, Julien, ou c'est good pour toi? J'en ai encore une. Ouais. La meilleure? Non. La pire. La plus nulle. Est-ce que le jus d'orange a été nommé à partir du fruit ou de la couleur? Ah, le mec qui s'est posé cette question. Ah ouais. C'est un génie. Ah ouais. Ça demande réflexion par rapport à déjà une orange. Est-ce que ça a été nommé orange parce que c'est orange? Ouais, je pense que le mec s'est pas fait chier. Et effectivement, ça a été nommé orange parce que c'est orange. C'est vrai, c'est la bonne réponse. Ah oui. C'est la bonne Mais réponse. Pourquoi la couleur orange? Et parce que c'est orange. Ah pourquoi non pourquoi oui pourquoi on appelle pourquoi la, on appelle couleur, la orange. Couleur orange ouais, la couleur c'est orange. Et pourquoi France Télécom est devenu orange d'ailleurs aussi <C'est> qui a commencé. Non mais en vrai le mec il a vu l'orange, il s'est dit bon, tiens c'est orange, on va pas se faire chier, on va appeler ça orange. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de mots comme ça, tu vois, les gens ils se sont dit allez c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. C'est même vrai. Ouais, c'est pas faux. Et après pourquoi la couleur orange, je ne sais pas. Telle est la question qui restera sans réponse. Mais sans du coup jus d'orange ça s'appelle parce que c'est orange. Parce que non, parce que non, c'est une parce orange. Que c'est une orange quand même. Et en plus, ça tombait bien, c'est orange. Comme ça, tu peux pas te foirer. Par contre, à pas confondre le jus d'orange avec le jus de carotte, qui est aussi orange. Mais si qui est dégueulasse. Ah ouais, en fait, si tu te fais avoir, tu sais, c'est un peu comme les chocolats où t'as du. Les mon chéri. Ouais, genre de l'alcool, la liqueur dedans. Et là, tu te fais avoir. Les crottes en chocolat que t'allais chez papy mamie, tu croyais que c'était fourré. J'ai eu des questions sur les mon chéri. Et la personne dit, il faut que je mange combien de mon chéri pour être bourré. Ah, j'avais vu ça, oui. À mon avis, un certain nombre. Écoute, zéro. Essaye, tu nous diras la réponse. C'est possible. Si tu poses cette question, c'est que t'es déjà bourré, gars. Théoriquement, c'est possible. Le problème, c'est que tu vas vomir avant parce que le chocolat... crise de foie. Tu vas en boire, ouais. Crise de foie, ça clairement. Ne commence pas les mon chéri, c'est dégueulasse. Tu t'imagines, tu vas à l'hôpital, t'as une crise de foie, mais en plus t'as ton taux d'alcoolémie qui est augmenté quoi. Le mec t'as un total. Diabète, 3,5 Monsieur, vous avez fait quoi? J'ai mangé des mon chéri. On est très gâté à Noël. Carrément, 3,5 Bam. Bon, il comme se passe quoi pour la suite, Isma? Bah, comment ça se passe pour la suite, Théo? C'est toi qui passes au charbon. Ah, ouais, c'est... bon, j'ai des questions. Mais avec aussi. Ton sujet de questions, voilà, t'en as 3 si je me trompe pas. Ouais, ou plus. Est-ce qu'elles seront plus intelligentes que celles de Julien? Je ne sais pas. Ça va être comparatif de qui est la plus grosse. Mais de toute façon, en tout cas, on aura des. Moi, j'ai des réponses de gens qui ont répondu. Donc, oh voilà. Putain! Ah ouais, ça peut être intéressant. Des histoires un petit peu cocasses. On va répondre nous aussi, non? Bien sûr. Chacun a d'accord. Bien sûr. C'est beau. Et bah, en attendant, on repart en musique juste à. Non, on part en voiture. On part, pas, on part autour vers le futur. Non, je sais pas. En tout cas, ça va être Because I Had You, une cover de Ali Sherlock à découvrir tout de suite sur Indestar. Shawn Mendes à l'instant. Ah bah il a mué. Enfin, démué. Il a beaucoup mué, mais c'était l'original est de Shawn Mendes. C'était donc Because I Had You, mais cette fois chantée par Ali Sherlock et j'aime beaucoup sa voix. Ouais, elle a une sympathique voix et elle fait beaucoup de live dans la rue. Tu sais les petits concerts de rue avec juste la guitare et tout ça et c'est vraiment très chouette. De musique. Elle est super jeune, hein, genre 16-17 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est une nouveauté Indestar, non? Ouais, bien sûr. Et bah c'est super. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on vous fait découvrir ce soir dans le Fun Life du vendredi pour 2 heures de déconne et plus parce que 23h19, on devait s'arrêter à 23h. Bon, ça va, il y a pas d'émission à peu près. On est pas à part sur les timings, voilà. Voilà, est-ce qu'on est fatigué? Absolument pas. On n'est pas fatigué. Voilà, c'est ça que j'attendais comme réponse et c'est le plus vieux qui nous la donne quand même. Je suis désolé. Ah, c'est normal. Mais en même temps, excuse-moi. Je suis désolé mais ça date un peu quand même, hein. Alors, est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. T'as vraiment cru qu'on allait le faire? Non mais en même temps. Ok, allez, vas-y, relance. Allez, 3, 2, 1, est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Voilà. C'est pour toi le boomer. Ok, boomer. Ouais. C'est à toi du coup, Julien, pour nous. Pardon, Théo. Ouais. Pour nous présenter tes questions et les questions, réponses. Questions, effectivement. Alors, je sais pas si vous connaissez dans l'équipe le site Quora, qui est un réseau social. Mais si, j'en ai entendu parler. Corona? Oui. Ah oui, dans Actu Solide. C'est un réseau social sur lequel les gens ça fonctionne un peu comme le principe d'un forum. Les gens posent des questions et d'autres apportent des réponses. Donc il y a des questions qui sont très intelligentes, d'autres qui sont moins intelligentes. Et même sur les questions moins intelligentes, il y a des gens qui se permettent de répondre et c'est ça qui est fun. Des réponses pas toutes aussi intelligentes aussi. Moi je vous ai sélectionné 3 questions. Ah, il y en a qui sont sujets à débat. Mais qui est le plus con, celui qui répond ou celui qui pose la question? Ah bah ça c'est. Ça dépend. Il y a des réponses scientifiques à des questions connes. Est-ce qu'il y aura des vers de terre? Il y aura des vers de terre. Je sais pas pourquoi je... Oui, je vous ai un petit peu spoilé en antenne. Première question d'Emma qui nous dit: quelle est la précision des tests de grossesse faits maison? Par exemple, ceux faits avec du sucre. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire un test de grossesse avec du sucre. Est-ce que Jessica, tu le savais? Je ne savais absolument pas que ça, c'était possible. Alors, j'ai été faire mes recherches sur Internet parce que personne n'a répondu à cette question globalement sur le site Quora. Mais j'ai trouvé plusieurs recettes de tests de grossesse. C'est une recette grand-mère ou c'est... Effectivement, c'est recette grand-mère, hein, dont celle faite avec du sucre, qui consiste à mélanger une cuillère à soupe d'urine. Pardon. Surtout préconiser les urines du matin, hein, sont meilleures apparemment. Avec une cuillère à soupe de sucre. Après quelques minutes, si le sucre s'est dissous dans l'urine, alors le résultat est négatif. Si au contraire le sucre s'est aggloméré dans l'urine, le résultat est positif. Voilà. Je vous en donne une autre recette. Théoriquement, c'est un gros fake. Parce que le sucre, il va forcément se dissoudre. Attends. Je m'en fous. J'ai des cours de cuisine. Le test de l'urine dans le frigo. Après avoir constaté un retard de règles et avant d'aller se coucher, il suffit d'uriner dans un verre, hein, pas directement dans le frigo, puis de le placer dans le frigo durant toute la nuit. Le lendemain matin, si un nuage blanc s'est formé au-dessus de l'urine, c'est signe d'une grossesse. Quoi? Je te dis pas l'odeur dans le frigo, vraiment. Non mais attends, tu crées des nuages, Ploto, tu crées des nuages dans ton putain c'est de frigo. Et en fait, c'est comme ça des perles de lait après. Mais en fait, les nuages, c'est Dieu qui nous pisse dessus en fait. Genre, ah oui. Super. On est dans son putain de frigo, mais on le savait pas. Mais apparemment, donc ça veut dire qu'il est enceinte. Et le nuage, oui, non, il cherche à vérifier s'il est enceinte. Et en fait, c'est Aladdin qui sort de son truc et qui te dit oui, tu veux trois vœux, tu veux être enceinte. Allez, j'en ai un dernier. Le test de l'eau de Javel suffit d'un bouchon d'eau de Javel avec de l'urine dans un verre. Il y a toujours l'urine. Hein. Le résultat est immédiat. En effet, si l'urine commence à mousser et à changer de couleur, eh bien alors le test est positif. Alors, c'est par rapport à tout ça, effectivement, Teddy, t'as tout à fait raison. Hein. Certaines femmes, ça s'est avéré concluant, mais pour d'autres, le résultat est faussé. Il y a même des hommes qui ont essayé et où ça s'est avéré positif. Donc, il était enceinte. Il était enceinte. Le mec était enceinte, voilà. Et il a avorté. Hein. Sachant que les tests de grossesse urinaires classiques sont fiables à 99%, donc franchement, utilisez cela parce que ces tests faits maison, non. Et puis, si vous doutez, il y a le test sanguin qui fait très bien l'affaire. Et voilà, je pense que ça sera tout de suite mieux que. Ou t'attends 9 mois aussi, ça d'essayer. Marche. Ou t'attends 9 mois. Théoriquement, ça tu t'en rendras compte avant les 9 mois, je pense. Oui, voilà. Ou pas. Mais il y en a, ils font des. Et si t'attends 9 mois et que t'es un homme et que tu prends du bide, et ben c'est simplement que les fêtes sont passées. Ça n'a rien à voir avec. Alors, ou le confinement. Oui. Ou le confinement. Ou ta copine a eu un enfant. Ah, alors, non, mais oui. Alors, le fameux dad pack. La couvade. Ça, c'est un phénomène effectivement assez bizarre, mais qui existe. C'est quand t'es tellement à fond avec ta copine qui va avoir un gosse, et bien aussi toi, tu prends toi-même du ventre. Ah, ça, ouais. C'est un phénomène. C'est surtout qu'elle a mangé n'importe quoi. C'est pour ça que je suis gros. J'ai pas de copine, mais toutes les filles que je connais qui ont été enceintes. Pour l'avoir vécu, en fait, c'est qu'elle va manger tout et n'importe quoi. Elle va mitonner plein de plats et tout à la con. Oui, des trucs. Avec toi, tu participes. Mais je suis pas sûr qu'il y ait que ça. Y a, tu sais, ça. Ouais, mais ça y joue. Je pense que ça doit être psychologique. Ça y joue psychologiquement aussi. Psychologique, ouais. Qui joue énormément. Et en fait, tu prends du bide, mais tu prends du bide de rien, quoi. C'est mais voilà. C'est vrai, ça va pas repartir après, quoi. Va falloir perdre des kilos, quoi. Ouais, mais ça marche pas. Les prendre, c'est facile, les perdre, c'est toujours plus difficile. Complexe. Non, maintenant tu dis que c'est le dad pack et que c'est sexy, oui. Ouais, c'est comme ça que tu fais pour te remonter le moral, pour toi, t'auto-persuader que ouais, voilà, ouais, ok. C'est ça. Mais non. En gros, la nouvelle que tu veux dire, c'est fat is the new sexy. Presque. Société américaine. C'est un américain. C'est un Brandon américain qui vous parle sur Indestar. Autre question, celle de Cédric. Et là, ça va vous parler, les garçons Brandon et Thomas, parce que je vous ai envoyé un texte en antenne qui m'a semblé intéressant de vous communiquer. Bon, on va en reparler. Cédric qui pose une question. Mais pas de terre. Qui nous dit, peut-on considérer le ver solitaire comme un sextoy vivant interactif? Mon Dieu, alors, mon Dieu. Et alors là, j'ai été chercher des réponses. Alors déjà, j'aimerais l'avis de Jessica. Imaginons que... parce que la personne que tu nous as envoyé dans l'article est une femme et elle a vécu avec ça pendant 6 mois. Tout à fait. Moi, je veux l'avis de chacun d'entre vous. Ah ouais, bah, on va s'en remettre à l'intérieur de vous, l'enjeu. Et nous, on connaît la réponse, on sait ce que ça fait, Teddy. Donc, non, mais j'ai d'autres trucs à rajouter si tu veux. Ah bon, d'accord. J'attends mon tour. Est-ce que tu penses que du coup, un ver solitaire peut être considéré comme un sextroy interne? Un sextroy. Ça peut se destroy. Un sextroy interne dans le corps humain. Alors, Julien. Non. Non, d'accord, ok, ouais. Court, efficace. Jessica, est-ce que tu te verrais voilà, avec un ver solitaire? Absolument pas. Non. Tu te vois pas avoir un orgasme avec je un ver solitaire qui te sort pas un cul? Un orgasme avec un ver solitaire. Ok. Même si ça te dandine. Non. Je vous préviens, là, les auditeurs, ça va être très trash. Ça va être très très. Ah oh, oui, j'avoue que quand j'ai lu ça, ça m'a. Ah, mais dégoûté. Moi, j'étais écœuré et fasciné en même temps. C'était extraordinaire, je vous avoue. Mais, j'ai vécu un orgasme intellectuel pour la première fois de ma vie. Peut-être qu'elle l'a eu. Moi, je dis, ça dépend de la taille. Ouais. Alors, un ver solitaire peut être très c'est grand. Il peut faire jusqu'à 10 mètres. Exactement, et ça dépend de la taille. Donc, plus il grandit, peut-être qu'après. Mm-hmm. Je sais pas. À tester. Et 10 mètres, tu le sens passer. Je vais vous raconter. Je me doute bien à un moment. Si t'as 10 mètres et que t'as quelque chose qui sent ton anus. Ça doit faire bizarre. Ça re-rentre après. et c'est ce qui est arrivé à Léa, qui est une internaute. Effectivement, c'est le texte que j'ai envoyé à Thomas et à Brandon. Et Léa qui s'est. En effet, retrouvée à vivre avec un animal dans ses intestins. qui se nourrissait d'une partie des aliments qu'elle ingérait. Donc le ver solitaire, c'est un animal qui se développe dans l'intestin grêle. Hein. Vous savez, l'intestin grêle, c'est très grand hein, à l'intérieur, qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres et qui peut vivre jusqu'à 40 ans à l'intérieur. Toi. Il est transmis par l'ingestion de viande de porc de mauvaise qualité. Donc si vous allez des fois dans des pays variés, voilà, où ils ont... Là, c'était la Thaïlande, viande, notamment. Mais... Là, c'est en Thaïlande, voilà, mais ça, il faut étonnant. Faire attention avec la viande à la maison. Vous allez faire gaffe maintenant quand vous avez du steak qui est périmé dans le frigo. Tu sais, des fois, tu te dis, oh, allez, ça se tente. Mais là, non, ne sortez pas. Franchement, ça passe. Alors, Yann, pardon, Théo, tu fais de la mauvaise information parce que c'est que sur la viande de porc. Ah, donc c'est que steak, de la viande de porc. Ouais, c'est, j'ai été regardé juste. Eh ben, si vous avez du steak de porc, voilà. Hein, Ah, on appelle ça des côtes de porc. Oui, c'est du filet mignon. Ce que vous voulez, mais c'est pas un. C'est vrai, c'est de la viande de porc de mauvaise qualité. Tu peux avoir des vers sur n'importe quel. En sachant que le ver peut pondre aussi en nous et qu'il est tout à fait probable que vous évacuez les œufs donc dans les toilettes. Hein. Et notre petite Léa, sans vous raconter dans le détail, d'ailleurs, si vous cherchez sur internet, vous allez tomber sur son récit. Mais elle s'est trouvée un jour, donc elle était en Thaïlande, elle a mangé de la viande avariée, mais elle ne savait pas. Et puis au bout d'un moment. Elle a été aux toilettes, hein, et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait des sortes de nouilles chinoises qui étaient dans les toilettes. Okay. Sauf que c'était pas des nouilles chinoises, c'était des œufs, des bébés, ou un morceau du ver solitaire, quoi. Non, mais ça se coupe pas, c'est juste il est encore dedans. Mais il est encore dedans, mais il y a des petits aussi. Voilà, il y a des petits morceaux qui sont tombés dans les toilettes. Ah, donc sur le moment, elle s'est pas trop posée de questions. Elle s'est dit bon, ça doit être. J'étais en Thaïlande, c'est normal. Les nouilles j'ai mangé des spaghettis. Qu'ils ont passé. Jessica est choquée, elle se met la main devant la bouche. Sauf que quelques jours plus tard, rebelote, il y avait plein de nouilles dans les toilettes. Là, c'est dit, il y a peut-être un souci. Putain, j'ai mangé du riz, merde. Donc, elle est allée voir le médecin et puis ils lui ont dit, bah ouais, c'est un ver solitaire, ça risque de se développer dans votre intestin. Donc là, elle s'est fait l'image en tête tout de suite, c'est vachement moins satisfaisant. Ouais. Hein, et ça a continué. Et sauf qu'un jour, bah, elle était au bureau et là, elle a senti que ça sortait tout seul, tu vois. Oh, ça a commencé à couler sur la jambe, enfin à s'agiter sur la jambe. Un argas. C'est ça, est-ce que vous voyez les hentai avec des tentacules qui ressortent? C'est tout à fait, c'était une grande tentacule. Et, et ça a duré, non mais ça a duré longtemps parce que, bon, ça n'a pas duré 40 ans pour elle, heureusement. Elle en a eu pour 6 mois. Hein. Mais elle en a eu pour 6 mois et pendant 6 mois elle était mal et elle savait pas quoi faire. Elle a été voir une première fois à l'hôpital, ils l'ont soignée, ça a recommencé 3 semaines plus tard, etc. C'est incroyable. Et elle avait ce sort de ver de terre qui coulait le long de ses jambes, quoi. Je jure que quand j'ai lu ça, au début j'ai envoyé à Brandon, il m'a dit ouais ça va, ça passe hein, comme j'ai ça. J'ai lu juste le titre à ce moment là. Et après il a lu l'histoire, il m'a dit ah ouais quand même. Mais du coup vas-y. Elle considère pas ça comme un sextoy? Non, alors là vraiment pas. C'est incroyable parce que pour répondre à la question, rassurer, oui. C'est la seule question qu'elle s'est posée parce qu'elle va être dans le mal carrément. Ah la mais personne. Carrément, ouais. Mais juste pour se dire, ouais, peut-être ça passe. Elle va juste se poser cette question en mode, est-ce que ça peut être un sextoy ou pas? Genre vraiment, est-ce que je peux me sentir un peu mieux ou pas? C'était pas. Non, en fait, j'ai cherché une réponse de quelqu'un qui avait eu un ver solitaire. C'était la réponse. Éventuellement, on pouvait y prendre du plaisir, tu vois. Mais clairement pas. Non, Léa, elle a tout fait pour s'en débarrasser. Elle a essayé, tu vois, à un moment donné, de le tirer gentiment pour qu'il sorte. Sauf qu'il s'est coupé en plusieurs. Ouais, mais t'en as plusieurs en plus, au bout d'un moment ça se développe. Par contre, il y a une autre question moi, que je me poserais si j'avais un ver solitaire, est-ce que je peux prendre du vermifuge pour chien? Parce que c'est vachement efficace contre les chiens, alors pourquoi pas les humains? Du coup, c'est plus du ver solitaire, c'est un ver multiple. J'espère qu'elle a pas eu de rapport par contre avec un. Un multivers. À ce moment-là. Si quoi? Si elle a pas eu un rapport avec. Ah ouais, avec le ver qui sort en même moment. Alors là, tu peux faire autre chose encore, tu peux. Imagine, ça rentre dans autre chose. Non, mais le pire, mais sur. Mais si tu veux faire comme tu sais, ceux qui bouffent les nouilles là. La belle et le clochard. Si le mec lui fait un cunni à ce moment-là, il. Bah, ça pas un cunni du coup, mais un anulingus. Ouais. Bah, écoute, faut juste pas qu'il ait pris un repas. Non, ouais, c'est un vieux remake d'Alien vs Predator. C'est ça. Tiens, ça tombe bien, j'avais un petit creux. Bah, tout à l'heure, on parlait de tampons et de MST. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'est appelé Alien Tampon. C'est une meuf un jour qui s'est fait toucher par un virus alien et du coup qui se met un tampon. Qui a été touchée par ce virus alien parce qu'elle en avait pas un, donc elle en a pris un sale et du coup elle est devenue un alien et ça part en film zombie apocalyptique. Mais j'aime bien le nom déjà du film. C'est une parodie vraiment. Ouais, c'est une parodie, mais voilà. Ouais, parce que quand tu vois le nom du film, alien tu dis. Alien tampon. Ouais, on va se faire ça au cinéma ce soir, chérie. C'est le nouveau blockbuster. C'est ça. Ouais, troisième question pour terminer. Ah, qui va plaire à notre ami Thomas. Quels sont les bénéfices du libertinage? Ah. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour, je sais pas si déjà vous avez pratiqué le libertinage dans l'équipe. On va faire un petit tour comme ça déjà. Alors, pas du tout. On commence par Julien. Non. Non. Jessica? Non. Non, non. Absolument pas. D'accord. Il a pas le droit de dire oui. Est-ce que tromper sa compagne, c'est du libertinage? Brandon, libertinage. Bon, alors, partons tout de suite sur la réponse de notre ami Thomas. Oui. Les bénéfices du libertinage. Quels sont les avantages? Quand tu rentres chez toi, tu vois, il y a personne pour t'attendre et, et dire tu pourrais rentrer plus tôt. Déjà, explique-nous un petit peu le contexte, ouais, comment ça se passe, voilà. Quelles sont les choses parce que t'as déjà fait du libertinage. Théoriquement, oui. Pourquoi théoriquement pas sûr de on peut appeler ça du libertinage. Bon, ok, ça dépend. Non, mais explique-nous un petit peu en quoi ça consiste déjà. Alors, t'as deux possibilités, je dirais, pour commencer. Soit tu vas sur des sites de rencontres de libertinage, tu envoies un message, tu échanges avec des personnes et tu rencontres la personne et paf le loup. Et paf. On va la jouer comme ça. Et paf enceinte. Et paf, voilà, vers solitaire. Et sinon, la deuxième option, c'est tu vas en club libertin. Libertin, ouais. Voilà, à Mont-Louis. Mais alors, quand tu es seul, est-ce que tu peux rentrer en club libertin? Est-ce que quand t'es un homme seul? C'est plus compliqué quand même. Alors que quand t'es une femme seule, ça passe. C'est plus facile. Ça dépend de l'argent que t'as dans les poches. Ouais. Mais... Il y a des connaisseurs. Ouais, mais je suis pauvre. Non, mais effectivement, dans un club libertin, l'idée c'est que tu y vas, par exemple, avec ta copine, et tu as une troisième personne qui va s'ajouter à ton rapport, où tu vois, tu vas regarder, enfin, il va y avoir un jeu d'échange. Après, le libertinage, ça englobe pas mal de pratiques sexuelles, on va dire. C'est vrai. Il y a aussi l'échangisme. L'échangisme et tout ça, ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, c'est cool. Ah, c'est marrant, c'est bien, ça apporte plein de trucs, c'est nouveau, tu découvres des choses, tu découvres des personnes. Parce que, c'est un moyen à travers le sexe, tu découvres des gens, en fait, tu découvres des manières, des choses. Ouais. Et puis, ouais, Est-ce que tu penses, une question concrète, t'es un couple, est-ce que tu penses qu'une personne en plus, on va dire bon, un plan A3 hein, pour schématiser si je prends cette idée-là, est-ce que tu penses que ça peut ajouter quelque chose à ton couple? Et dans quelles circonstances? Alors vous auriez toujours la tête là de... Ouais, ça apporte du renouveau. Mais quoi, si alors, c'est, explique-nous qu'est-ce que t'as vécu, toi. Je veux savoir ton vécu, là. T'as le droit de tricher un peu. Hein. J'ai le droit de tricher. Bah ouais. Bah disons, alors j'ai jamais été en couple très très longtemps. Parce que, je sais pas, depuis que je suis jeune, j'aime bien... Je sais pas. T'aimes bien les libertés. Je dois être un cutter. C'est comme ça qu'on dit dans les mauvais termes. Mais oui, en gros, j'ai jamais été en couple très très longtemps. Donc j'ai beaucoup exploré le libertinage. Un jour, j'ai découvert avec une fille un club de libertinage à Mont-Louis. C'est un petit village par chez nous. Et j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'as trouvé sympa dedans? Oh, je t'ai demandé ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez été à 3, donc t'étais avec une autre fille? Non, on y a été à 2 et à... Alors, non, mais au final, après, vous avez fini à combien? Orgie. J'étais 15. La première fois, on a fait que tous les deux. On est restés ensemble et on a fait, voilà, des gens pouvaient nous voir. Ouais. On n'était pas totalement cachés, mais des gens pouvaient nous voir, mais on est restés ensemble. Donc t'as ce petit côté un petit peu comme quand tu fais l'amour à la plage, quoi. Vous avez couché ensemble dans le club échangé, dans le club. T'as tous les avantages de la plage sans les grains de sable, donc c'est encore mieux. Ah, ouais. C'est horrible ça. Je sais pas. Mais du coup, oui, voilà, t'as fait du voyeurisme. Puis après, t'as envie d'aller plus loin en fait. Tu sens que ça a bien marché. Ouais, t'es vu, porte ouverte quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, tu dis. Non, après, on a invité une fille. Ouais. Ah ben, ça s'est fait. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Les gens dans un club libertin sont nus. Moi, je déjà respecte. Dans le club. Pas tous. Pas tous. Pas tout le monde. Enfin, ça dépend. Comment dire, c'est pas genre une orgie où que tout le monde est à poil, on baisse tous. Non, voilà. Non, mais je dis pas de baiser tous en même temps. Mais je dis. C'est une orgie, c'est possible. Dans un club de nudisme, tout le monde copule pas. Oui. Non. Dans un club libertin, il y a des gens habillés, des gens nus. Oui. Ok. Normalement, t'arrives habillé. Et normalement tu repars habillé théoriquement aussi ouais. C'est les autres, c'est qui t'arrive des couilles c'est le cas de le dire. T'as perdu au poker libertin. Donc, t'invites la fille, tu lui dis quoi? Tu lui dis bah viens participer. Et ben d'abord tu viens pas dire viens. Alors, ça peut arriver hein, mais on fait pas trop comme ça. Généralement on discute avec les gens, on apprend à les connaître un petit peu, on veut voir ce que eux ils souhaiteraient, ce que nous on souhaiterait, voir si on peut se mettre d'accord. Faut quand même qu'il y ait un feeling, qu'il y ait du feeling quand même, du feeling, de l'attirance, plus physique que mentale en théorie. Oui bah oui. Tu vois. En théorie. En théorie. Après, ça peut arriver qu'on peut t'attirer. Ouais, après, tu peux faire un switch avec ta copine. Oui, oui, ça, c'est autre chose. Non, finalement, je préfère toi. Que... Ça arrive. Après, j'y ai pas été longtemps avec, en couple. Oui, non, non, mais là, oui, c'était genre une sorte de sex friend, quoi, avec qui tu allais. Et, après, j'ai beaucoup pratiqué les sex friends, mais pas en club parce que ça coûte cher. C'est pas pareil, le sex friend. Moi aussi, je l'ai pratiqué. C'est pas pareil. C'est vrai. Du haut de mon âge, c'est plus pratiqué divertis. Plein de fois. Hein. Comment ça coûte cher? Faut m'expliquer. Alors là. Ça dépend. Non, bah, ça coûte les pas clubs, cher. Les clubs pour rentrer. Sex friend, ça coûte pas cher. Ah bah ça dépend de sex friend, mais après on appelle ça sex friend. C'est gratuit parce que sinon c'est pas une sex friend. Sinon c'est pas une sex friend. C'est une pute qui est devenue ton ami. Hein. Ça peut être aussi du libertinage une sex friend parce que si t'en as pas qu'une en même temps. Ah oui, si un jour tu vas avoir une, un autre jour tu vas avoir l'autre. Et si tu couches avec une autre femme, tu t'as pas. Tu te dis, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Alors attends, attends. Alors, attendez là. Attends. Vas-y, vas-y. Okay. Bah, en théorie, t'es pas en couple donc ça. T'étais en couple, mais tu t'es trompé de femme. Ah ouais, non, ça marche pas. Alors, c'est l'excuse de merde. Ouais, mais alors là, ça dépend parce qu'en gros, si t'es en couple et que t'es libertin. Oui. Et que la personne n'est pas libertine et qu'elle le sait pas en fait. Et que toi tu as pas dit encore. Oui, donc c'est qu'est-ce la tromperie. Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, est-ce c'est la tromperie. Bah non, ah non, non j'ai pas trompé. Dit que tu fais quelque chose encore. J'ai pas dit que tu fais quelque chose. Okay. Ah, d'accord. Tu te mets en couple avec, donc en théorie, c'est que pour l'instant tu sais pas ce que tu dois faire. Ouais. Est-ce que tu lui dis que t'es libertin et qu'elle te laisse faire ce qu'elle veut sans trop de regard? C'est chaud ça quand même. Ça dépend, je effectivement. Pense qu'il faut en parler petit à petit, ça. Ouais, ouais. Je pense que faut... avant de se mettre en couple avec la personne. Je sais pas. Moi, je pense non, parce que t'es pas obligé d'être toujours libertin. Dans le débat. Ouais. Soit tu peux, en fait, il y a la solution de dire bah, ça a été une époque de ma vie et là, je me sens tellement bien en couple, j'ai pas forcément besoin d'une exactement. Autre personne, etc. Donc là, en fait, t'es pas obligé de lui dire, tu vois, surtout si la personne, elle est pas avenante par rapport à ça. Mais si c'est quelque chose, quand même, tu vois, que t'as au fond de toi et que tu trouves ça sympa et tout, je pense que l'idée, c'est plutôt d'amener. La chose sur la table petit à petit, quoi, parce que si t'arrives direct, sauf si la fille tu la rencontres en club libertin là, mais sinon je pense qu'il faut arriver en discutant, voilà, tu discutes de tes fantasmes, d'autres choses, etc., et tu dis bah moi j'ai déjà tenté le libertinage, tu vois, tu l'amènes comme ça, quoi. Ouais. Et peut-être que bah soit enfin ça marche, soit des fois ça peut ne pas du tout marcher. J'ai une ex avec qui j'en avais parlé. Ouais. Elle était ouverte par rapport à ça. Elle était ouverte et tout, et en fait après on s'est séparé. Tiens mon numéro. On s'est séparé, donc ça s'est pas fait, mais ouais. Elle était ouverte. D'accord. Non mais je pense, enfin, il y en a ça passe et il y en a ça passe pas. Il y en a qui, sans l'avoir pratiqué ou sans même en avoir vraiment eu l'idée avant, si t'es bien avec la personne et que tu sens que ça peut lui faire plaisir, etc., il y en a qui sont ouverts à ça. Après, il y en a, tu ne feras jamais changer d'avis, il te dira oui. Voilà. Mais c'est même pire. Parce que imagine, je sors avec quelqu'un, j'ai envie de me poser sérieux et qu'elle me demande des expériences d'avant. Oui. Et qu'elle est coincée, on va dire, grosso modo. Ah oui, bah oui, faut dire, mais tu fais attention à ce que tu dis. T'essayes d'employer des mots. Ouais, voilà. C'est ça, t'essayes de le faire sous une forme la plus. Tu dis tout simplement, j'ai couché avec plusieurs femmes. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu vas lui mentir ou est-ce que tu vas essayer d'amener la vérité, mais de manière différente? C'est-à-dire. Ça va dépendre de la personne en soi. Comme t'as dit, elle est un peu coincée, un peu discrète. Ouais. Si elle est un peu coincée, je vais faire attention à ce que je dis, je vais peut-être pas tout dire. Ah, mais c'est un coup où tu vas en ville avec. Une des femmes de l'URT. Ouais, faut s'en rappeler. On ne voit plus au soleil. Ouais. Ouais. Alors, oui, alors ça peut. Je dirais que ça pourrait arriver, mais j'ai pas été assez longtemps pour me faire des fréquentations de genre. Non, mais t'as raison, Julien. C'est-à-dire que la vérité, tu finis toujours par te la trouver dans la gueule. Ouais, donc, à un moment donné, je pense que si tu. Ton but, c'est de rester longtemps avec cette personne-là. Il faut lui dire la vérité. Après, ouais, tu peux l'enjoliver, la réalité. Tu dis, j'ai essayé. Ça m'a pas plus intéressé. C'était une expérience, etc. Tu vois. Mais je pense qu'il faut lui dire parce que... J'étais jeune. Sinon, tu... Ouais, voilà, j'étais jeune. Ça passe bien. Con. Ça marche bien, ça. Ouais, ça passe bien. Alors moi, j'ai l'anecdote de Heise, donc qui a partagé son point de vue sur... Ah non, Heise. Non, sur Internet, qui partage son mari avec sa meilleure amie. Et ça a commencé en fait par une branlette. Elle était intriguée de voir sa technique et comment elle faisait une branlette. Je sais pas comment c'est arrivé vraiment. Donc elle a essayé en fait un jour avec son mari qui était plutôt d'accord. Hein. Et puis ils ont répété l'expérience et ils ont été plus loin au fur et à mesure du temps. Et une fois que c'est fait, c'est fait. À trois. Mais alors attends, je vais. Alors, là, je suis désolé, c'est comme Jessica, les couples à trois. Alors. Mais en vrai, ouais, un plan à trois. Enfin, non, je dis Jessica. Non, mais ça peut être. Non, non, mais je pensais deux femmes et un homme, mais ça peut être deux hommes et une femme. Mais un plan à trois. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre vie sexuelle, vous attire ou pas du tout? Ah, mais carrément! C'est un gros fantasme d'homme, je crois. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des femmes, pas oui, que d'hommes. Alors, oui, bah, je pose la question à Jessica, donc ça serait plus deux filles ou deux hommes, enfin déjà? N'importe, d'accord. Et c'est quelque chose qui te botterait dans ta vie sexuelle? Bah, c'est quoi faire. Ouais. Kevin. D'accord. Quoi? Pardon. Oui, il est tout rouge. On en a déjà parlé. On va pas en reparler ici. Non, est-ce qu'on peut dire. Moi, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est ouais. Déjà arrivé. Ok. Deux filles. D'accord. Donc, champion. Okay. Champion. Vas-y, champion. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Il faut s'encourager un peu. Julien? Pas en même temps, l'une après l'autre. Ah ouais, donc c'est pas un plan 3. C'est ouais. Pas un plan 3. Ok. C'est une sorte d'échange. En gros, t'as trompé c'est la première et la deuxième 10 minutes après, quoi. En soi, c'est non, pas de la tromperie. C'est de libertinage. Je me suis trompé. Ouais, c'est ça. T'es libre de ce que. De je suis pas dans la même chose. Tu reçois un texto de ta copine. Oui, j'arrive dans 10 minutes. Oui, oui. Après l'autre. C'est un 2 x 300 mètres, quoi. T'es dit, donc toi, oui. Faut tenir le rythme, par contre. En fait, c'est plus rapide de dire ce que je sais pas faire ou que j'ai pas fait. Bah, du coup, on va skipper. Et Théo, tu peux. Non, en plein 3, j'ai jamais fait. Mais ouais, en vrai, oui. Alors de même un plan ou deux filles, tu vois déjà. Ah, deux filles par contre. Ouais. Ouais, j'avoue que oui, deux filles. Bah pourquoi? Bah parce que. Alors. Ouais, mais ça c'est justement ça en fait. Les hommes ils ont beaucoup le fantasme du plan à 3 avec deux filles. Ouais. J'ai déjà aussi une fille. J'ai couché avec. Et après c'est mon pote qui a couché avec. Ah ouais, le partage. Tu vois, le partage. Ouais, moi je suis jaloux, moi. Moi aussi je suis jaloux. Non, quand c'est mes amis, ça va. En soi, c'est un plan à trois, mais différé quoi. Genre. Tiens, vas-y, prends ma femme. Prends ma femme, vas-y. Prends-la, c'est un objet. Il y a eu un problème de connexion. Si c'est ma copine, laisse tomber. Non, tu peux t'as beau être mon meilleur pote, tu l'as pour moi. Non, là-dessus, c'est. Quand j'étais jeune, j'étais parti, c'est une petite anecdote. J'étais parti en boîte de nuit et je pouvais pas rentrer chez moi. Ouais. Donc j'ai été draguer une fille, j'étais dormir chez elle. Et bah, ouais, du coup, mon pote il m'a suivi parce que sinon il rentrait pas non plus. Et du coup, la fille elle me fait comprendre que bah, si je veux dormir chez elle, faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, imagine, t'aurais été mauvais au lit, elle t'aurait foutu dehors. J'ai pas le faire prier. Sauf que j'ai dit à mon pote j'ai mes écoute, si toi aussi tu veux dormir là-bas, il va falloir que. Que tu te donnes de ta personne. Quoi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, elle avait faim. Elle savait pas, mais après. Ah, d'accord. Mais après, je lui ai dit, ça la dérangeait pas. Ah bah, elle avait faim. Mais sauf que mon pote, à cette époque-là, était puceau. Ah ouais. Donc je me suis dit, je te fais tout gagner quoi. Mais oui, mais c'est bien comme il ça. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. C'est une sorte de coach. Je te jure, on était tous les trois dans le même lit. Hein. Ouais. Bah, la fille, elle s'est pas fait prier. Ouais. Donc elle a commencé à me chauffer et tout. Je commence à. Et il a préféré partir. Après, à l'hôtel. Moi j'ai à mon pote, et vas-y. Ouais. J'ai dit, tiens, c'est à toi. Allez, vas-y, on y croit. Il lui a fait une passe D. La passe D, Titi. Let's go. T'as vu comment j'ai fait? Tu as fait la même. Le but, je lui ai mis un café crème. Mon Dieu. Et attends, et là il me dit. Non, je suis fatigué. Oh non. Il a loupé le pun mid. Et là, c'est pas la fille, elle m'a dit. Bon bah, on continue. Ah ouais. Mais c'était là dans le lit. Est-ce qu'on peut appeler ça un paiement au liquide? Genre vraiment. Mais est-ce que ton pote il se masturbait pas en même temps? Est-ce qu'il était pas déjà à sec en fait? Je sais pas. Enfin, je sais pas. T'étais trop concentré peut-être avec tes affaires. Moi j'étais occupé. Déjà, comme il dit, je lui fais une passe D. À un moment, c'est comme si j'ai dribblé toute l'équipe et qu'à la fin il marque pas le but quoi. Fais l'entrée, je te la rends. Je te dis pas ça. Il y a même plus le gardien. Il y a plus le gardien, les gars. Enfin, dites-moi, qu'est-ce que vous en vrai, fait pour moi, il a cru que c'était de l'argent sale le truc. Il a cru que tu lui as fini de l'argent sale. Il a fait, je touche pas à ça, moi. En vrai, laisse-moi tranquille. Dans un sens, c'est le principe du coach, tu vois, en disant, bah vas-y. Tu vois, t'es dans l'action. Après, ça peut l'intimider, le exactement, gars aussi. Bah ouais. Surtout si tu. Que vous aurez fait vous à sa pour place. Pour une première alors. Fois, surtout. Ouais, pour une première fois, ça peut l'intimider. Je pense que. Peut-être qu'il voulait pas ça pour sa première fois. Si ça avait fois, été déjà. Par exemple. Même, il est passé en premier. Donc ça veut dire que si lui il arrive et que la meuf est en mode bon, bah je préfère le premier. Ouais, j'avoue. Ah bah moi j'avais de toutes les belles pour sa première fois, plus jamais il fait l'amour après. Petit conseil, si vous faites un truc à trois, ne faites pas trop de commentaires en disant je préfère ci ou ça. C'est un nid à emmerde. Ah bah oui, ne faites sûr, jamais sûr. Ça. C'est dangereux. Il y a moyen de finir par un meurtre. Tu dis ah je préfère son trou. Rien, mais tu te fais défoncer. Mais c'est normal, c'est l'ego ça. On va faire ça, genre ah il a une plus grande. Ah mais là t'es détruit. Tu pleures. S'il y a encore des survivants là parmi nos auditeurs sur indestar.fr, vous pouvez nous appeler. Mais si vous avez servi une anecdote sur des trios du coup de libertinage ou pas. Pas que trio. 0970 407 306 c'est le numéro pour nous appeler en direct. Faites une reçoit. Symphonie. Voilà, appelez-nous tous en même temps, on vous prend tous en même temps par 3. Non, je rigole. 3 par 3, bref. C'est libertinage sur Indestar quoi, c'est ça le standard. Mais honnêtement, pour répondre à ta question, Julien, en disant est-ce que nous on l'aurait fait, enfin moi personnellement, ça dépend de mon âge. Pour vous le dire et pour. On avait. 16-17 ans. Ouais bah tu vois moi à 16-17 ans j'étais tellement timide que je l'aurais jamais fait. Sérieux. Même si j'étais un gars en chaleur, j'étais tellement timide que c'était mort. Ma chaleur a été réprimée. Moi c'est le contraire. Réprimée direct. J'aurais sauté sur l'occasion. Ah, 16-17 ans moi j'étais déjà dedans. Ah ouais. Non moi à 16-17 ans j'aurais pas fait. Pas avec un pote non. Pour une première fois c'est compréhensible. Avec un pote c'est chaud. Avec un pote j'aurais dit prime. J'ai précisé que c'était sa première fois. Qu'il avait jamais fait. Et que je crois que même voir une femme toute nue, c'était. Ouais, bah ouais. Non, mais. Oh, bah... pardon, bah je peux pas y aller. Il était vierge des yeux. C'est déjà sorti. Trop tard. Pour la gars. Fin de l'anecdote, sa maman nous a ramené une tarte aux poireaux le matin. Oh une tarte aux poireaux dans la chambre. C'est un peu bizarre. Oh non. Non, mais ça me fait penser à. Tu sais, c'est quoi le film okay. là American Pie. American Pie. La tarte aux pommes. Oh, qu'est-ce qu'elle a brigé, celle-là. Crumble. Elle nous a demandé si on avait bien. Non, il en fait un crumble. Ah oui, il en fait un crumble. Mais du coup toi oui t'as dû bien dormir Julien en tout cas. Ça va, j'ai ça pas va. Trop dormi du coup. Ah bah. Il a enchaîné encore. La toute l'équipe de foot c'est pas ça. Il fallait que j'assure pour deux. Ah, faut bien payer hein. Fallait payer. Voilà, attends. Ça va, il a fait un match de badminton tout seul quoi. Allez, retour. Franchement, ça donne plein de bonnes idées. Ouais, non. Cet été en vacances, il y aura peut-être des trios qui vont se former. Pas vraiment. Ouais, parce que tu te rends compte qu'il n'y a qu'une seule fille dans le studio quand tu dis ça. C'est un peu bizarre ce que tu dis. Il y a deux filles. Alors en fait, on vous explique. C'est que Kevin, Jessica et moi, avec une autre amie qui est déjà venue sur Indestar à Noël notamment, et un autre pote, on part en vacances dans le Nord. Donc on va aller dans le Nord, on va dans un camping et après on descend dans le Sud avec un autre pote. Dans le Nord, tu vas en camping. Alors, par contre, le Nord, c'est la Normandie. On va du côté de Honfleur. À côté de Deauville. Ah, Honfleur, c'est super joli. Ah, tu vois, la Normandie. Alors, je garantis pas le beau temps, mais je garantis au moins la couleur des façades. Le reste, ça sera du blanc et noir. Quoi. La tente, elle est verte, elle va peut-être être peinte en blanc. Hein, bon, on a dit de toute façon qu'on ferait un bésodrome. Il y aura le côté lit et le côté bésodrome. D'accord. Mais toi, du coup, tu vas avec une copine ou une copine. Une amie. Ouais, mais c'est pas une amie ouverte. Elle nous écoute pas, là, tu penses. Si ça se peut, parce que là, à partir de la montagne, après, je vais pas envoyer le lien, mais je pense qu'elle a peut-être été voir sur indestar.fr vu que j'ai fait plein de pubs sur mon Facebook aussi. Parlant de montagne, il a un pic. Très bien. Une amie plus. Et du coup, ouais, c'est une amie plus. Je dirais pas, it's a secret, on verra bien cet été s'il se passe des choses ou pas. Ouais. Mais de toute façon, moi cet été, je serai principalement le DJ. Je ne veux pas voilà. écouter. Je vois une certaine personne. Je ne veux pas. Mais ce qui doit se passer se passera, mais c'est tout. De toute façon, quoi qu'il y a, ça ne me regarde pas. Donc, n'en saura rien. Tu veux qu'on partage N'en saura rien. Hashtag 3g5. Il n'en saura rien. Bon, bref. De ma part. Vous savez quoi, on va faire une petite pause avant de revenir avec. On va peut-être finir là-dessus ou pas. On va voir. Une petite pause ou on va finir là-dessus. Non, on finit pas là. Mais déjà, on va écouter ensemble Leska. Elle a sorti une chanson ou il a sorti, je sais pas. Elle. Ouais, enfin, c'est un groupe. Mais C'est le groupe Leska qui a sorti donc L&H, une originale. Voilà, découvrir sur Indestar. Et puis juste après, on va écouter des moments cultes de la télé-réalité. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. J'avais oublié le thème de l'émission, mais il y a un fil conducteur qui est la télé-réalité. Ah, les loupés. En trio, en solo, tout ce que vous voulez, C'est dans Indestar, 21h minuit pour l'émission Le Fun Live du vendredi. Il a changé l'heure. Bah, sur les réseaux sociaux, c'est 21h-23h. Bon, 21h-23h à peu près, il est bientôt minuit. Minuit moins 5, on est toujours présent, on est toujours chouillant. Je crois que le sujet nous a bien réveillés. Puis, je trouve que les auditeurs ce soir sont vachement pas là. Vous nous avez vachement pas appelé, on est content. Non, mais en même temps, on est sur des sujets vraiment peut-être qui veulent pas s'afficher voilà, avec. Après, ils peuvent appeler sans donner leur nom. Exactement. Bien sûr, hein, vous nous dites. Vous nous dites, voilà, moi je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans, je viens de Tours, alors qu'en fait vous appelez Martine, vous avez 70 ans, voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, après, au niveau de l'avant, on sait que vous êtes cramé ou pas, mais nous on vous fait confiance. En tout cas, vous pouvez toujours nous appeler, c'est pas trop tard, 09 70 407 306, on prend n'importe quel appel, n'importe quoi, même des gens qui baisent en ce moment, il n'y a pas de souci. voilà, on est ouvert. Il est ouvert, vous avez parlé du libertinage. Ah, mais moi là, vous m'avez ouvert une porte, je ne pensais pas. Là, ça l'a ouvert, je ne voulais pas qu'elle s'ouvre et elle est ouverte pour ce soir, donc voilà. En attendant, on va se faire un petit quiz, enfin pas un quiz, mais on va écouter des moments cultes de la télé-réalité. Il y en a 7. Théo, tu es le maître de la console, de la technique. Mm-hmm. Je te laisse mettre le premier extrait et on va voir si vous allez rigoler ou pas. Ah, de la débilité des choses. On ne dit pas d'où ça vient. Il y a les anges, les Marseillais, il y a plein de trucs. On essaie de deviner ou bien. Allez-y. Célèbre temps le 11 novembre. La fête de la musique. Jessica Dibna. Oh Dieu, oui. C'est les Marseillais. Attendez, écoutez. Ça me saoule, en plus c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. D'accord. Non mais là, en fait, moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que on est quand même sur... bon, il y a des fêtes religieuses, ok, tu vois, mais genre les fêtes de la libération, des guerres, etc., qu'un 11 novembre... Qu'elle te dise, c'est. Elle a la fête de la musique! La fête de la musique! Putain, c'est le cas de. 11 novembre! C'est le 14 juillet, donc. Ouais, mais alors, ça, je suis pas d'accord, moi, tu vois, parce que j'ai pas envie de le savoir que c'est la fête de la musique ou 11 novembre, j'en ai rien à foutre. Non, par contre, j'ai envie de savoir que le 16 mai, c'est la fête des boulangers, tu vois. Non, ah, ta gueule, elle était boulanger, non, ça. Non, non, mais. Excusez-moi, les boulangers. La libération des deux guerres mondiales du 20e siècle, quand même, tu dois savoir ce que c'est. Tu vois, que tu saches pas une fête religieuse. C'est vrai, voilà, mais c'est un genre truc de boomer. C'est Pâques, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une fête de boomer. On parle de la libération de millions de gens qui sont morts à la guerre, tu vois. Ouais, mais. Donc, c'est juste le souvenir de la. Faut savoir que l'arrière-grand-père de Théo est mort pendant la guerre. Il est pas mort pendant la guerre. Pour moi, il y a d'autres trucs qui pourraient mériter d'être une fête. Je sais pas lesquels. Ne me demandez pas tout de suite. Vous allez me prendre au dépourvu, mais pour moi, il y a d'autres trucs qui méritent plus d'être une fête que ça. Mais c'est pas une fête. Attention, c'est un hommage, mais c'est la même chose. C'est un jour férié. C'est pas une fête. Justement, c'est un moment de souvenir. Il y a des commémorations au 11 novembre. Ouais. Tu sais quoi, Thomas, le 14 juin, ça va être la fête de l'orgie. C'est bon ? C'est bon. Voilà, alors toi, ça, tu vois, c'est. Allez. Ça, il veut. Ça, là, c'est ce qu'il veut, là. Non, mais je sais pas, pour moi, il y a d'autres trucs qui mériteraient d'être. Oui, non, non, mais. Justifié. Bah, non, quand même, les fêtes de. Bref, c'est un truc à savoir quand même. C'est un truc important, quoi. Bah, je l'apprends à l'école. Pour en revenir à ce qu'ils disent, je pense que c'est un rôle qui se donne quand même à la télé. Peut-être, pour faire le buzz avec le fameux chanteur. Je pense qu'ils sont vraiment débiles. Mais il y en a qui. Ils doivent être débiles, mais quand même, ils abusent. Pas tous, mais certains sont. Comme tout à l'heure, c'était quoi la fête nationale de 78 la guerre mondiale de 78 de 78, j'aurais bien j'aurais mis à la guerre, moi, Nabila. Ouais. Autre extrait. Extrait numéro 2, vas-y. Les dates de la première guerre mondiale. Ah bah voilà. La première guerre mondiale, elle était en 1945. 1945, ouais. Ouais. Écoutez la suite. Catastrophe. Enfin, tout le monde connaît au moins la première guerre mondiale. C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum, quoi. Un minimum, quoi. Eh ouais. Non, mais je pensais ça aurait été encore plus drôle si dans la réponse, alors, oh, c'est bien que la première guerre mondiale, c'est 98-2002. Ça aurait été encore plus drôle. Ça, c'était le changement vers l'euro. Par contre, elle a pas totalement. Alors, c'est pas la première guerre mondiale, 45, mais c'est la deuxième, du coup. Oui. 39-40. Mais elle avait une date. Elle a dit 19-45. Elle a dit 19-45. Elle a pas dit 39. 1945, en gros. Ça, mais 1945, c'est 1945. Oui, mais elle a pas dit 1945. Sa guerre, elle a duré plus de 5 ans, en tout cas. Ouais, je sais, mais. 38, 45. Elle avait une date 39, qui correspondait pas à ce qu'il disait. Elle avait 45, ok, bon. Faut noter. 45. Positif. Elle a donné une date. Oui. Après, qui pourrait demander. C'est comme mes films tout à l'heure avec, avec Rocco Siffredi, quoi. Ouais, là, 122. C'était bon. 714 au final. Hein. Ouais. 114. On y va pour le troisième. Yes. Comment se prénomment les trois mages? au Galilée. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages. Okay. Au Galilée. Qu'est-ce qu'il raconte? La question c'était comment s'appellent les trois rois mages. Ah. Balthazar, Mathusalem, c'est comme les bouteilles et Jéroboam. Mathusalem. C'est pas ça? Oh, non, il y a Jean. Non, mais ça c'est les prêtres. Comment se prénomment les trois rois mages? On voit bien que l'équipe des Jamins n'ont jamais été à l'école. Oh, pas mal. En même temps, si t'apprends ça à l'école, c'est que t'as un problème. Il a quand même de la culture chez là, et moi je dis bravo. Pourquoi? Bah, les rois mages en Galilée, c'est chez ouais. là. Bah, ouais. Galilée ouais. Oh, petite culture musicale. Bah ouais, quand même. Extrait numéro 4. Allez, c'est parti. Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non. Produit intérieur brut. Oui. Produit. Ça veut dire quoi, produit? Ce genre de choses. Oh, un jeu un peu plus sérieux, la télé-réalité. Par contre, pour nous présenter des produits sur Instagram en mode oh, ah bah regardez, ouais, ça coûte moins cher. Là, on voilà, connaît le PIB. Voilà. J'aime bien le PIB. Non, Pays-Bas. Pays-Bas. T'as dû te tromper, mec. Ah, c'est non, mais fort. C'est une vraie honte. On en a parlé d'ailleurs du PIB dans Vita Conso il y a pas très longtemps, en précisant effectivement que c'était la richesse intérieure d'un produit, ce qui était produit. Ouais, c'est moi qui t'avais posé la question. En fait, à quoi ouais. ça correspondait exactement? Ouais, parce que je suis con. Non, non, mais ça, oh, ça permet. C'est pour ça que t'es là ce soir. Non, mais on connaît tous PIB à la rigueur la définition, mais à quoi ça correspond concrètement? Bah, ouais, mais au PIB. Et du coup, les Pays-Bas, ils ont plus de PIB aussi. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'après, elle répète PIB. Produit? Mais qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi produit? Je sais pas. Ah, ça pourrait être une question, quoi. Qu'est-ce que c'est un produit? Allez, on continue avec l'extrait numéro 5. Elvis Presley au volant de la voiture. Non mais Elvis Presley. Scala new the want you want a penty. Enfin Elvis quoi. Allô? Double téléphone, parce qu'on est à Las Vegas, donc allô? Mais dans la vie réelle, mes copines c'est des bombes atomiques. Allô? Elles font 1m80. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, en fait, pour la petite explication, c'est donc Nabila ouais, dans les anges. Oui, et en fait, c'était les anges, je sais plus trop où, bah, à Las Vegas. Et ouais. En fait, elle a croisé un sosie d'Elvis Presley. D'accord. Et elle pensait que c'était le vrai. C'est passé il y a 2-3 semaines. Ouais, ça, les anges à Las Vegas. Et du coup... Après, elle est partie sur complètement autre chose, sur ses potes trop bonnes. Mais ce qu'elle a chanté, c'était vraiment du Elvis Presley, du coup, parce que. Ouais, je crois que c'est. Parce que ça serait drôle qu'elle ait chanté autre chose. Tu vois. De loin. Ça aurait pu. Mais par contre, oui, il y avait une vraie signature vocale hein, avec le halo de Nabila. Ouais. C'est, ouais, non, mais ouais, halo. Mais du coup, pour elle, elle était persuadée d'avoir croisé le Elvis vrai. Elvis Presley, évidemment. Bien sûr. Ouais. Extrait suivant. Vas-y, extrait numéro 6. Dans la voiture, je suis avec les trois cocottes. Et je me dis, allez, on va les faire un peu mariner. Et je reteste un peu leur culture générale, de façon géographique. Et je lance une mine pour voir si elles vont me comprendre. J'espère qu'on aura la chance quand même de voir le Mont Blanc. Moi, je chuchote. Ouais. Qui l'a vu, le Mont Blanc? Personne. Ouais. Non, mais vous enflammez, autant on va pas du tout au Mont Blanc. Alors, du coup. Si vous avez compris, moi. Ils étaient à Las Vegas aussi. C'est qu'ils sont à Miami. À Miami. Ah ouais. Il a fondu ouais. le Mont Blanc. Ah ouais. Il aurait dû dire le Mont White. Non, non, c'est à la limite la crème Mont Blanc. Voilà. C'est tout ce que tu peux voir à Miami. Ils sont partout sauf en France. Hein. Ouais. Dernier extrait déjà. Oh, quel dommage. Jette-toi. Toi. C'est magnifique. Ouais, c'est bien. Franchement. C'est le Mont Blanc. Il est hideux. On dirait un Ouistiti. J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. En fait, là, c'est pareil, c'était dans l'émission spéciale Nabila. Ça, c'est sa propre télé-réalité. Du coup, sur un marché, elle s'est fait peindre le portrait par ouais. un mec qui fait ça sur les marchés. Et elle a trouvé ça moche. Et elle a trouvé ça moche. Mais et du coup, le peintre, c'est pas Mozart. Ce qui est effarant, voilà, c'est ça. Le peintre, c'est pas Mozart. Elle a pas tort, hein. C'est pas Mozart. Alors, déjà, c'est pas Mozart, effectivement. Mais donc, elle pense réellement que Mozart était un peintre. C'est voilà. ça qui est bien. Ah, ça me et franchement, ça me désespère. C'est beau. On dit que le QI a chuté depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Mais bizarrement, ça ne m'étonne pas quand j'entends ça. Ça ne m'étonne pas. Ouais, est-ce que vous pensez que l'émission de ce soir a été très intelligente, honnêtement? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Mais disons qu'on participe. On a essayé de construire des débats Je dirais on a émis des idées, des arguments tout de même sur le libertinage et compagnie. Franchement, ça avait bien commencé avec Pierre Champion, tu vois. Oui, mais justement, on a pris le meilleur pour le début, pas pour la fin. Bah plus l'heure avance, effectivement, plus l'émission descend. Après, ouais, c'est une spéciale télé-réalité, hein, ça pouvait pas être très intelligent. Exactement. Non, mais quand j'entends ça, alors effectivement, je pense qu'il y a des trucs pires. Hein, il y a une fois. Dans Monsieur dans les anges, je crois, les nanas, il y avait trois nanas qui faisaient les courses. Et du coup, il y en a une qui dit, il faut qu'on achète de la crème. Donc elles prennent un pot de crème. Et comme c'est, je sais plus, c'était aux États-Unis, c'est pas écrit en français. Ouais. Oui, donc je l'ai elles vu. Ont vu une vache. Et il y a une meuf qui dit, ah parce que la vache, ça fait aussi de la crème. Oh là là là là là là. Et ouais, encore pire. Moi, j'avais vu avec le team. Et encore pire après, c'est avec les barbecues. Les chips. Au barbecue. Donc oh, elles putain. Vont au rayon chips. Ouais. Et il y en a une qui dit, ah mais non, on peut pas prendre les chips au barbecue parce que c'est à faire au barbecue. Et ouais. J'aurais cru qu'elle allait dire c'est pas vegan. Non, non, non. Dans une télé-réalité française, t'avais le mec, il avait du team. Sur la liste de courses, il avait. C'est quoi du team? Alors, comment t'expliquer que ça, c'est, on dit du thym? Ah oui, ok, c'est du thym! Et c'est une herbe! Ouais, mais alors attends, ça aurait pu être aussi le shampoing, le Timothée. Tu sais, la meuf, elle écrit, vas-y, achète-moi du team! Tu t'es niqué, je non, parce que c'est un Y! Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais juste me poser la question, tu t'imagines les recrutements? Les recrutements. Plus t'es con, plus tu joues au con, plus t'es recruté. Mais bien sûr que c'est ça. Plus t'es con, mieux c'est. Une Nabila, par exemple, qui arrive après derrière à sortir un livre, à faire le buzz, etc. Plus t'as des gens comme ça, plus ton truc il cartonne. Si t'as une télé-réalité où t'as que des gens. Des gens normaux. Mais normaux. Ouais, moi je m'en fous. Tu sais que ces gens-là ont un vrai business derrière qui gère très bien. Très sûr, bien sûr. C'est là où par contre ils sont encore moins cons. C'est pour ça que c'est un rôle. Mais c'est un rôle qui donne. Parce que genre que Nabila, soit Jessica ou Nabila, ouais, ou tout ça, ils ont des, ils brassent des millions. Ouais, mais je pense pas en vrai. Alors je pense que Nabila a un côté très, je vais pas dire con. Je vais dire très, comment dire. Naïve. Naïve, ouais. La jeunesse, quoi, tu vois, femme enfant. Et elle a ce côté-là et elle en joue. Mais d'un autre côté, elle a un côté businesswoman. Ah bah et oui, c'est là où ils sont très forts. Femme enfant, oui, qui a quand même poignardé son copain. Enfin. Ouais, ouais, bah, c'est encore plus con d'être resté. Ah, mais c'est pour faire le buzz. Oh, pardon, j'ai fait tomber le couteau. C'est l'enfance violente. Non, mais. Elle a quand même joué une scène dans la série Orange is the New Black. Ah ouais, ouais. Ah bon, ouais, ouais. Putain, je l'ai pas vu. Aux USA, ça, en plus. Ouais. Ouais. Non, mais en prison, ouais, c'est prison, son physique, ça. En vrai, c'est dans un épisode, elle y... ces gens-là, ils ont un sens du business derrière qui est quand même vachement développé. Et pour ça, on peut leur dire bravo. Après, ce qui m'attriste, c'est qu'une Nabila arrive à sortir un livre et que tu vas au salon du livre et il y a une queue immense devant le stand de Nabila, alors que sur sur celui de Michel Obama, il y a une personne. Quoi. Non, mais c'est ça. moi, ça m'attriste, en fait, pour la culture, ça m'attriste. Mais bon, voilà. C'est comme ça. On est d'accord. Bon. Après, on aurait eu le livre, on aurait peut-être pu étudier. Hein, qui sait. Ouais, mais quand déjà le livre s'appelle Allô. Allô. Et je suis là, nous merci. Non mais bon, c'est... Je vais te faire sauter, mon petit enfant. Ça me donne même pas envie de l'approcher, le livre. Mais t'imagines son gosse quand il va voir les rediffs après de ses émissions. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est ma maman. Tu sais qu'elle mais quoi que, pas forcément, elle le gosse sera pareil. Hein. Ouais. Il regardera jamais. Non, il sera plutôt c'est ma maman. Bah ouais. Ouais, elle a fait ça, ma maman. Elle avait fait une je vais faire encore plus con qu'elle. Elle voulait cuisiner, je sais plus quoi, avec un cookéo. Répète, Julien. Elle voulait faire une vidéo. Elle a fait une vidéo où elle cuisinait avec un cookéo. Oh putain. Je vous jure, j'ai rigolé. Oh non. Ouais, c'est chaud. J'ai hein. vu qu'une fois parce que je dis. Ah mais cette meuf est culte en fait. Dans... Mais c'est... elle a galéré. Ça fait un peu comme un acteur. Je sais pas si elle joue ou si c'est naturel, mais tu sais, tu prends par exemple comment Eric Junot de Eric et Ramsey, ouais. Tu vois. Bon, le mec c'est il Judor, joue. Non Judor, ouais, pardon. Judor. Ouais. Et le mec il joue, tu vois, mais ça fait un peu la Nabila en mec, quoi, tu vois. Ouais, mais... Et je sais pas à quel point c'est naturel, à quel point c'est. Elle savait même pas ce que c'était qu'une gousse d'ail, quoi. Merde. Alors là, je vais faire un truc de ouf. Fait exprès. Je vais dire un truc de ouf. Je vais défendre Nabila. Parce que le cookie, c'est chiant à cuisiner avec quand t'as pas lu le mode d'emploi. Non, quand t'as pas lu le mode d'emploi, tu mais sais pas comment ça marche. T'as juste à lire ce qu'il te demande. Y a si rien tu sais pas ce que c'est qu'une gousse d'ail. Non, mais une gousse d'ail, je sais ce que c'est, mais je sais pas cuisiner avec cette merde. Avec le cookie, ils te disent quoi faire et juste à mettre. T'as juste à appuyer sur OK. C'est incroyable. Ça sonne, tu mets tes carottes et voilà. Ouais, non, je sais pas, ça marche pas. Il y a trois. Non mais Thomas, en tant que cuistot de base, voilà, c'est un vrai cookie. Je peux pas Thermomix, je peux pas tout ce qui est robot. juste moi je peux pas. Tu l'as branché ou pas? C'est l'avancée. Bien sûr que j'ai branché un cookie. J'ai branché, j'ai essayé de faire cuire. C'est quoi que j'ai essayé? Mais déjà, t'as acheté un cookie. Non, mais si elle a c'est pas moi, c'est ma copine. Oui. Mais en vrai, non, pas moi. Non, en vrai, c'est plutôt de la mauvaise volonté. T'étais contre qu'elle avait. Je suis contre. Et c'est pas ah, que oui. Tu ne sais pas t'en servir. C'est parce que tu réellement... J'ai pas lu le livre. Oui, non, mais t'as même pas besoin y a de lire pas besoin le livre. De lire le livre. Non, besoin, tu le branches et pas il dit pas tout. Besoin. Tu branches et il dit tout. C'est parce que t'es mauvais en informatique et que t'avais de la mauvaise volonté, c'est tout. Ouais, c'est pas faux. Mais j'ai une autre anecdote. Le Thermomix, Sam. Alors, nos parents doivent être assez fans de ce genre de trucs. C'est le haut de gamme de tout. Personne, cuisine, hein. Ma mère elle déteste ça. Moi elle est fan. Ça dépend pour faire quoi en fait. Si tu veux faire un petit smoothie ou un masque de sperme. Ouais, mais t'as pas besoin. Du coup, ils font des réunions. Je pense que t'as pas besoin d'acheter un Thermomix à 2000 balles pour. Ouais, pour t'es pas obligé. Mais ils font des réunions Tupperware, mais pour Thermomix. Oui. Des réunions Thermomix. C'est comme ça qu'ils les vendent, ouais. Ouais, et du coup, la meuf elle est venue chez ma mère. On était plusieurs, on était une vingtaine. Et elle me dit, ouais, on va faire du pain. Et à cette époque, j'étais boulanger. Donc ouais. Je la regarde, je dis ouais. Ok, ouais. Elle me dit ouais, mais il y a des boulangers qui l'ont et tout. Et elle savait pas que j'étais boulanger. Et elle me dit ça, il y en a dans les boulangeries et les boulangers l'utilisent et tout. C'est n'importe quoi. Je suis en train de la regarder. Mais non, c'est non. Sérieuse, non. Non. Non. Viens dans ma boulangerie. Il y a dans des cuisines. Tout pour vendre quoi. Par contre, les Thermomix ou les. J'ai déjà vu dans une cuisine, effectivement. Mais c'est pour faire juste une chose. Mais non, mais c'est pas pour faire un plat, mais ça. Non, tu fais par exemple de la glace. C'est pour faire certaines choses. Ils utilisent dans des cuisines. Quand je travaillais justement au Fleuret, l'hôtel récent qu'on a appelé tout à l'heure, effectivement. On utilisait le Thermomix dans la cuisine, notamment pour faire les guacamole, les choses comme ça. Ouais, ouais, parce que c'est super rapide à faire, ça reste c'est super ça. Bon. T'as quand même, c'est toi qui mets les ingrédients, c'est toi qui as quand même la main. Mm. C'est pas un cookéo où là tu ça te cuisine tout et ça te fait un plat. Ah, c'est quoi. Pas pareil, un Thermomix. C'est quand même cookéo, c'est plus ce cuiseur vapeur, si j'ai bien compris. Ouais. Alors qu'un Thermomix, tu peux l'utiliser en fait comme un mixeur quasiment, ah, oui, mais qui chauffe. Ça. Ouais. Oui, mais c'est un mixeur, mais coup, un peu plus complexe. Tu fais des veloutés dedans, enfin. Ouais. Des... ouais, c'est ça. Mais en fait, si tu peux faire une recette de A à Z, mais c'est toi qui choisis ce que tu veux faire avec. Tu peux faire une demi-recette ou effectivement une sauce ou quelque chose comme ça avec. Parce que pourquoi on pourrait pas utiliser ça plus qu'autre chose Ah, mais après, hein, voilà. C'est quand même. Ça peut avoir une utilité, mais pour les gens qui cuisinent dans pas. Dans les familles nombreuses, je vois ma belle-sœur, comme ils bossent tous les deux. Elle adore cuisiner et tout, mais quand elle a pas le temps, c'est ça. Elle fait ça pour ses enfants, hop, c'est prêt. Et là, sa plus grande, elle a juste à servir. C'est frère et non, mais je suis d'accord avec toi. Et ça reste bon quand même. Et ça reste, voilà, c'est relativement correct. Ça fait des choses sympas. Après, c'est plutôt effectivement se dire associer le ce que tu veux là, le cookéo ou le Thermomix, c'est un Thermomix. À la cuisine gastronomique, non. Etc. Comme ils le vendent dans ouais, les représentations. C'est pas, voilà. Mais bien sûr. Non, ça, non. Cuisine traditionnelle française. Après, il y a un non. truc qui est vachement bien avec le cookéo. C'est que par exemple, si tu bosses le matin, tu mets tous tes aliments dans le cookéo et sur l'appli sur ton téléphone, tu lances la cuisson, t'arrêtes la cuisson. Oui, tu m'étonnes que je comprends rien comment ça marche. Bon, hey, les gars, à partir de demain, on fait une réunion cookéo. Okay. Mais moi, franchement, je suis pour ces trucs électroménagers. C'est vachement bien. Moi, t'as pas de plaisir à faire à manger. Je suis bien sûr que si. Moi, j'adore faire à manger et j'adore utiliser. Mon cœur traditionnel de cuistot me dit non, je peux pas. Moi-même, en cuisine, je peux pas. Accepter. Moi, j'adore faire cuisiner. Moi, c'est juste le prix. Cuisiner hein. avec ça, j'adore. Le prix, ouais, c'est le prix qui t'arrête. Mais après, t'as des robots. Je pense à, je sais pas, t'en as de chez Lidl, t'en as de chez. Et celui pas. De Lidl est vachement bien. Ouais, qui est vachement bien, mais qui sont beaucoup moins chers et qui font à peu près la même chose. Mais en fait, moi, sur le principe, je suis pas contre. Tu vois, c'est juste que je peux pas associer ça avec de la bonne cuisine où tu y mets du cœur. C'est comme n'importe quoi qui est industrialisé. En fait, je me dis, ça peut être très bien fait, c'est très carré, c'est standardisé. Mais il manque la patte de l'artiste que tu peux ne reproduire que si toi tu fais toi-même le truc. Mais tu peux faire toi-même. Moi, il y a des fois, j'utilise le cookéo, j'utilise pas du tout la recette qui me donne. Ah, voilà, hein. Sauf si tu effectivement je le fais tu moi-même, prends... je mets les trucs, j'utilise juste le mode cuisson. Ok, si on fait comme tout à l'heure en disant cuisine, tu fais une béchamel ou tu fais quelque chose qui va ajouter à un plat. Mais si tu suis le plat de A à Z et tu fais hey, c'est la petite recette de Théo, ça. Non, c'est mais la même recette. Dans c'est tous les cas, quand j'ai une recette sous les yeux, je suis jamais la recette exactement. Allez, tu. Shame. Et là, le Thermomix, il te dit pas. Shay Moi, j'ouvre les placards et je vois un truc qui me plaît, je le rajoute. Moi, d'accord. Je dis, c'est de la poudre de perles, hein, pimpin. Moi, je ça serai, aucun rapport, mais. Je voilà, serai le cookéo, je rejetterai tout, je dis erreur, la maison va exploser. Ouais. Je refais la recette comme normalement, là, s'il te plaît. Mais il est pas au courant quand tu ajoutes un truc. Ouais, mais c'est pas assez intelligent encore, mais tu vas voir, dans quelques années, t'as tape sur les fesses. Se mettre des pour l'ouvrir, des fois, je galère. Bah, c'est que la cuisson est pas finie. Ouais, ouais, mais moi je veux ouvrir. Je veux surveiller ce qu'il y a dedans. Il est là avec son pied de biche. Ouais. Du coup, le Kéo, il a une mauvaise tête. J'ai été chez une amie et je cuisais des petites boules. Des petites boules avec de la viande et tout. C'est chinois, je sais plus comment elle appelait ça. Ikea. Non, mais je voulais voir la cuisson parce qu'on savait pas, on faisait un peu à l'aveugle. Et c'est elle qui dirigeait, pas moi, surtout pas. Et je me dis, bah attends, je vais vérifier parce qu'en tant que cuisson, tu sais, tu vérifies quand tu sais pas. Bah là, tu peux pas. Mais non, parce non, que la que machine est tant que le bip n'est pas sonné, voilà. Tu ne peux pas ouvrir. Voilà. C'est chiant. Ouais. Elle est pas de visuel, que non, c'est pas cuit encore, donc voilà, c'est pas toi de surveiller, c'est à elle. Ma copine essaie de faire du caramel. Ouais. Le machin, c'est au fond du truc, c'était dur en fait. Tu pouvais rien faire avec ça. Comment tu veux faire du caramel là-dedans? Tu peux en faire toi-même, c'est facile. La ouais, ah, mais je lui ai montré. Caramel, je lui ai fait après avec une. Jamais essayé. T'as une casserole, ouais. Ah si, si, mais dans le cookéo, j'ai un petit peu de beurre. Après, tu m'as rajouté du lait pour vraiment faire autre chose. Mais parce que je pense que l'idée c'était d'en faire et justement que la machine s'arrête au bon moment parce que c'est chaud le caramel, tu dois vraiment l'arrêter au bon moment. Ouais, c'est sûr. Et elle s'est dit, si je mets dans le cookéo, ça va s'arrêter pile poil au moment où il faut. Sauf qu'apparemment, c'était raté. C'était pas le bon moment. En même temps, le caramel, c'est pas à faire au cookéo. Mais comme tu peux pas le regarder dedans, non, je sais pas. La machine, elle est encore. En attendant, on se fait une dernière petite pause avec Sam Biggs qui nous fait une cover. Ah, tu peux encore reparler derrière toi. Un dernier petit truc qui va être très longtemps. Bah tiens, vous allez choisir maintenant. Vous préférez quoi? On se fait un truc, j'ai trois petites infos what the fuck à vous partager sur des choses que j'ai trouvées tout à l'heure en checkant sur le net. Ou alors, je vous parle vite fait du top 13 des gestes inutiles et débiles que l'on fait dans la vie de tous les jours. Ah, mais il y en a plein de gestes inutiles. Ah, je serais partant pour les petites infos. Ouais, marrant, les petites infos aussi. Ouais. Les petites infos, quelque chose de court. Ouais. Ok. Et ben on écoute Thorn, une musique originale normalement de Avamax. Cette fois-ci, c'est chanté par Sam Biggs. T'es sûr que c'est Avamax ou c'est la. Non, mais oui, mais Thorn. Thorn à l'origine, c'est pas Avamax. Je suis en train de chercher. Ils sont même pas sûrs. Non, non, mais parce qu'il y a eu Nathalie Mruglia en 97, mais avant la version originale de Edna Swap en 94. Oh bah, je vais éteindre mon micro. Non, non, mais on va écouter, on va vous dire. Non, t'as raison, ça va. Et voilà, Thorn de Sam Biggs à l'instant, une cover de la chanson originale qui a été faite par Avamax. Et c'est sûr à 100%. Oui. On l'a vérifié et on l'a redit en écoutant. En attendant les amis, bah, on va se quitter très bientôt après ces 3h18 d'émission alors que ça devait durer que 2h. Pas mal, hein. Pas mal. On a dépassé quand même 1h18, mais j'espère que vous êtes toujours aussi chaud à écouter le Fun Life du vendredi. Enfin du coup là c'est... Oui, non, il est pas encore... Bah si, il est minuit passé, donc du samedi aussi. On continue là sur une nouvelle journée avec cette fois-ci 3 petites infos what the fuck que j'ai été pêché sur le net. Je vais vous poser des questions. Est-ce que vous savez, si je vous parle de Amsterdam, de quoi je vais vous parler? Ça va être... ouais. De prostituées. Il y a plein de discussions possibles. Ouais. Alors, vous résumez Amsterdam à ça, vous? De vélo. De non, vélo. Y a des très beaux en gros, c'est aussi. Drogue, alcool, quoi. De vélo. Il y a des très beaux paysages. PIB? Paysage. Ah, paysage, ok. Pays-Bas. Paysage. Non, je vais vous parler d'alcoolique. D'accord. Okay. Et pas que de toxico. En fait, faut savoir qu'à Amsterdam, depuis 2013, les alcooliques sont payés en bière pour nettoyer les rues de la ville dans le cadre d'un projet lancé par Rainbow Foundation. Déjà, est-ce que vous comprenez la couille dans le pâté qu'il y a? Bah ouais. Alors. Les alcooliques qui sont payés pour ramasser les bouteilles qui eux-mêmes mettent par terre. Non, ils sont payés. Non, ils leur offrent des bières pour ramasser les déchets. On les paye en bière. On les paye en bière. Alors, ce sont des alcooliques. N'importe quoi. Bah, hey, ça peut pas leur faire plus mal. Bah, voilà. Si, mais... Et après, on se plaint que dans les hôpitaux, il y a des gens qui arrivent avec 3,5 g, c'est horrible, genre, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est parce que j'ai bien travaillé. Eux, ils ont leur carte. Ouais, voilà. Petite dédicace. Et en gros, c'est une organisation privée qui a un principe, en fait, c'est d'être financé par le gouvernement néerlandais qui, donc, de cette façon, aide les sans-abri. Parce que c'est vrai que pour payer les sans-abri, il vaut mieux leur donner de la bière, c'est super. Les toxicomanes et les alcooliques à se remettre à pied. Après, franchement, je dis vaut mieux leur donner de la bière que de leur rien leur donner en vrai. Oui, c'est mieux. Tu donnes un peu d'argent, sinon EDF c'est pas mal. J'aurais bien assisté à la nourriture. À toi? Ah oui. Mais attendez, c'est pas fini parce que en fait, chaque personne qui se joint à ce projet reçoit pas que des canettes de bière, il reçoit un demi-paquet de tabac à rouler, un déjeuner gratuit et 10 € pour une journée de travail. Ah oui, quand même. Oh, il y a quand même 10 euros. Ah, c'est un pack. Et il y a un petit déjeuner. Il y a le gratuit. Déjeuner gratuit. Mais les cigarettes, 10 euros, la bière. Aller dans le coffee shop. J'aurais bien aimé être à la réunion, tu sais, où les mecs ont décidé, bon, on leur offre quoi. Ils aiment bien fumer, ils aiment bien boire. Non, bah oui. Ah, bah, sexe, drogue, alcool. Et la bouffe, on s'en fout. Et rock'n'roll. Comment on va liquider tous ces SDF? Et ben voilà, faire on la a trouvé les pays. Au lieu de faire la purge, et ben on va faire ce genre de choses. On leur donne de la bière et du tabac, ils meurent rapidement. Et hop, c'est terminé. Et ouais. On résout le problème des retraites. Voilà déjà la première info what the fuck que j'ai pu trouver sur le net. Et comme par hasard, je peux vous le dire, hein, donc avec Jessica, Kevin et moi-même, plus d'autres amis, on devait partir à la base, non pas dans le nord et puis après dans le sud de la France, on devait partir à Amsterdam. Ouais. Donc j'imagine bien la couille dans le pâté. T'aurais été fini par être payé en bière. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour le coronavirus, malheureusement. Ah, ça, les vols, les avions. Alors, juste la chose qui nous a arrêté, c'est que déjà on n'y va pas, on n'y allait pas en voiture, on y allait en avion et on restait sur la ville d'Amsterdam principalement. Mais en fait, c'est que là-bas, ils sont obligés de garder 1m50 de distance et même nous, les touristes, en groupe. Donc entre nous, il fallait qu'on laisse 1m50 de distance. C'est moins convivial. C'est bon, quoi, voilà, c'est ça. Et il y a aussi des pas amendes. De shop, ah oui, pas de boîte de nuit, t'as moins drôle. Aussi, pas de club échangiste. Et t'as beaucoup d'amendes. T'as beaucoup d'amendes. Si par exemple, on respecte pas les règles des 1m50, des gens se font verbaliser. C'est ça. Et c'est pareil, si on devait louer une voiture, c'était à 2 dans la voiture, sauf qu'on partait à 5. Enfin, à 4 à la base. Même 1m50 dans la bagnole. Tu t'imagines ? Moi, je finis sur le toit de la bagnole, vraiment. T'en mets un conducteur, un en parallèle derrière et un dans le coffre. Et il y en a un qui est derrière sur les rollers. C'est ça. Sur le vélo, un bus, sinon. Un bus, oui. Sinon, question pour ma deuxième actu. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2007 en Iran ? Bien sûr. La guerre. Voyons. On a tous envie de dire ça. T'as dit en 2007 ? Ouais. Okay. 2007. Le début ou la fin de la guerre ? Il y a eu un sorte de tremblement de terre de l'échelle 7 sur l'échelle de Richter qui s'est propagé donc de la ville, de la capitale, hein, jusqu'en périphérie. Il nous dit des conneries là, non ? Oui, carrément. Moi je tente le coup. J'allais dire, de toute façon, je m'en fous, c'est pas ça. Il bluffe. L'Iran, ils ont testé le Harlem Shake. Non. Harlem Shake, c'est beaucoup plus tard. Ils ont testé leur bombe nucléaire. Ouais, non, ça a marché. Le Harlem Shake, c'est genre 2012. En plus, bah oui. Non. En fait, l'agence de presse de la République islamique iranienne, donc l'IRNA, a rapporté en 2007 que les services de renseignement iraniens ont arrêté 14 écureuils trouvés à l'intérieur des frontières du pays. Mec, on rien à foutre. Tu m'étonnes qu'ils ont. Ah, ils doivent se faire chier, vraiment. Ouais. Espions, ils ont payé leur amende en noix-tête. Gérard, qu'est-ce qu'on a ? Bah écoute, j'ai que des écureuils là, à la limite. Alors attendez la suite. Mets-leur de caméra sur le dos. Les écureuils, ou... Ils ont affirmé que les rongeurs servaient d'espions à des puissances occidentales déterminées à saper la République islamique. Et selon la même agent de presse, les écureuils transportaient du matos d'espionnage d'agents étrangers. Une caméra dans le cul, ça part. Hein. Et mais tu sais qu'ils ont fait la même chose l'autre fois, je sais plus dans quel pays, avec des pigeons. Où ils ont arrêté les pigeons et ils se demandaient s'ils transportaient pas des informations. Les fameux pigeons voyageurs avec les petits messages. Ouais. Si tu veux, dans l'eau, t'as les dauphins aussi, ça marchait bien à la gare. Ah, Flipper ? Ouais, Flipper, il posait des bombes sur les bateaux. Flipper, il est un peu moins drôle. T'imagines, tu vois un écureuil passer avec des lunettes de vision nocturne. Salut les gars. Oh, elles sont belles tes noisettes. Oh, c'est une grenade. C'est joli. Et pour finir, ma dernière info, what the fuck, concerne l'emblématique code vert que l'on voit dans le film Matrix des. Vous savez qui. Ah oui. À votre avis, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? Qu'est-ce qui est what the fuck ? Répète. C'est son inspiration. C'est des vrais codes. Non, son inspiration, d'où ça vient ? Ah bah c'est ça un vient... truc à la con, mais je sais parce que je l'ai utilisé comme image pour faire des affiches. Oui, mais ça, bah, après c'est que des 0 et des 1, langage informatique là-dedans, non ? Non, même pas. Non, non, vous savez vraiment pas ? Non. Répète. Parce que j'ai pas. Alors, attends, je répète, j'ai pas. En gros, ma question c'était l'emblématique code vert du film Matrix. Oui. Qu'est-ce que c'est pour que ce soit what the fuck ? Des numéros de banque ? Ah si, je savais. C'est pas des numéros de banque, non. Bah, je vais le dire et tu me diras si c'était ça, Jessica, de toute façon. Okay. En gros, les codes verts du film Matrix, c'est quand même l'un des visuels aujourd'hui qui est les plus connus dans le monde du cinéma, sans déconner. Mais est-ce que vous êtes vraiment jamais demandé ce que ça signifiait ces codes. Pour vous, enfin Théo, tu m'as dit que c'était des 0 et des 1, pas du tout déjà. Bah je croyais. Est-ce que c'est vraiment indéchiffrable ? Et bah non, parce qu'en regardant de plus près, on peut discerner qu'il s'agit d'un mélange de caractères japonais, des hiragana, des katakana et des kanji. En fait, il faut savoir que l'homme derrière ça... Il y en a un qui n'est pas japonais déjà. C'est ça, il n'est pas japonais, il s'appelle Simon Whiteley. Il a travaillé comme concepteur à la production donc, sur le film. Et dans une interview qu'il a accordée à CNET, il a révélé en fait que la source de ce code énigmatique... Je vais aller voir. Ah, d'accord. n'était autre qu'un lot de recettes de sushis appartenant à sa femme japonaise. Voilà, tout simplement. Mais on est d'accord quand même que dans le code Matrix, enfin l'idée globale de l'écran vert avec des codes. Normalement, c'est que des 0 et des 1, ouais. C'est inspiré des débuts de l'informatique avec. Le code binaire, ouais. Le code binaire, et puis. Mais du coup, il y a une vraie recette là. Même le vert. Oui, il y a des vraies recettes. De recettes de quoi? Ah oui, de recettes de sushi. Ah oui, c'est des vraies recettes. Incroyable. Du coup, si tu fais des chiffres, c'est des vraies recettes. Ah ouais, c'est ben, on l'a là. Voilà. Ah oui. Alors, on a le kakemono du Sva, donc du studio venu d'ailleurs, qui est en partenariat vous avec. Vous voyez en bas? On voit rien. Des stars. Bah non, parce que c'est moche l'image. Mais moi, on voit quand même des chiffres. Hein. Je reconnais les caractères japonais perso. Il n'y a pas de chiffres en fait. C'est que des caractères japonais, des hiragana, des katakana et des kanji. En fait, de loin, t'as vraiment l'impression que c'est des chiffres en fait. J'ai l'impression que c'est des carrés moi. Mais... Moi, j'ai l'impression que c'est une pluie battante. Que c'est rien parce que je vois pas grand chose. Ouais, mais mon affiche est très belle. Du vert sur du noir. L'affiche est belle, mais. Voilà. Ça faisait très cinématographique et tout. D'accord. Bah oui, parce que tu l'as dit, il se voit que c'était l'un des fonds d'écran les plus. Les plus emblématiques et connus du monde du cinéma, ouais. Qui est repris souvent. Donc voilà, c'était juste des recettes de cuisine et de sushi de sa femme qui était japonaise. Comme quoi, dans une libre antenne, radio libre, tout ce que tu veux, là, et ben on apprend des choses. Voilà. Il mais fallait rester jusqu'au bout. Ça sera jusqu'au bout. Easter egg. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on reviendrait pas la semaine prochaine? Alors, peut-être pas. Ben, il est possible qu'il y ait une émission la semaine prochaine. Ah bon, on nous a piqué notre place en plus. Ouais, il est possible, mais c'est pas sûr. Ben, et peut-être une émission spéciale vacances. Eh bah, ça tombe bien, le Fun Life vendredi, c'est spécial vacances été. Oui. Ouais, mais une sérieuse. Ah, mais bon. C'est moins drôle, ah, du coup. Alors, sérieuse ou pas, ouais. Mais en tout cas, il y aura de toute façon une émission en cet été. Voilà. On va aborder le projet des vacances. Donc, vous partez dans le nord, puis dans le sud, en à partir en du tente, mois d'août, ouais. Avec des destinations peut-être insolites, et puis surtout des modes de vacances insolites. Qui vont changer de capitale que tu regardes le dimanche soir et qui vont te dire ouais t'as pas 1500 balles tu peux pas partir en vacances. Si on peut partir en vacances pour beaucoup moins. Bah et bah on oui, peut je pars en vacances pour là je pars en vacances une semaine pour pas grand chose. Voilà. Donc, et tu pars où? Parce que du coup on sait où est-ce qu'ils vont les trois dans mais le non sud, dans le sud à une heure du à une heure de l'Espagne. Mais c'est où dans le sud? Parce que du coup, les gens ils disent dans le nord, dans le sud, tu sais pas où c'est. Tu vas du côté de Toulouse, Andorre, ce genre de choses. À une heure de l'Andorre. Je suis à une heure de l'Andorre. T'es pas loin de Perpignan, etc. Ouais, je suis vraiment à une petite heure de l'Andorre. D'accord. Je vais faire mes emplettes en même temps. Si je peux vous aider. Ouais, bien sûr. Et en plus, elle va faire des économies. Mais tu vas les ramener comment tu vas en voiture, de toute façon. J'y vais en voiture. Andorre est fermée, de toute façon. Il a un camion de cargaison. Non. Les frontières sur Andorre sont fermées, on a regardé justement. Ouais, justement, on voulait regarder ce parce que j'ai demandé, moi, là, des sudistes qui m'ont dit que c'était ouvert. Non. Notre deuxième projet normalement était de partir en Espagne pour justement aller en Andorre. En Espagne c'est fermé. Et en fait l'Espagne et Andorre en elle-même, elle ferme ses frontières parce que c'est une principauté et qu'elle voulait fermer ses frontières pour justement éviter que ça se propage. Fermées du coup. Ah bah oui justement c'est. Bon bah Julien. En tout cas c'est ce qui est écrit sur le net. Après peut-être que tes potes connaissent des passages secrets, voilà. En même temps il va passer par la zone. Comme à la guerre, il va y aller la nuit, tu sais, avec un passeur et tout. Il va y aller en mode commando. Prends la voie 9-3-4, prends la voie 9-3-4, vraiment. Et toi Théo, tu vas où en vacances? Je ne sais pas si je vais partir en vacances cette année, mais j'aimerais le Portugal. Mais Portugal déjà... Pour un Afrique Non. Faut passer par l'Espagne. Non, mais j'aime beaucoup le Portugal, mais oui, il faut passer par l'Espagne, donc ça risque d'être tendu. Prends un bateau. Bah par le bateau. Avion. Ah ouais, non, mais moi, ça va être tendu du cul. Moi c'est 4 ailes ou rien. Ah oui. Ouais, non, pas d'avion. Attends, non. Trop rapide. Tu mets la 4L dans l'avion. Tu sais quoi, fonce sur l'autoroute. Tu mets la 4L dans le bateau. Ce sera le premier à faire un go fast avec une 4L. Tout fast. Ça dépend. Si les flics ont des Solex, ça marche. Bon bah voilà, on a fait le tour. Et toi, bah, je crois qu'on a fait le tour. Mais non, mais pour revenir à ce que tu disais, Isma, il y aura d'autres fun live du vendredi durant l'été aussi. C'est pas le dernier Fun Live du vendredi. Bah ça sera du coup plutôt sur les dernières semaines d'août, puisque la semaine prochaine on est déjà à l'avant-dernière dernière semaine de juillet, je crois. Déjà, je vais aller dans les ronds. Non. Je glisse ça comme ça. Attendez, il faut que je regarde mon agenda. On est en train de faire demain, on sera le la semaine prochaine, on sera vendredi 17. Tout à fait. Donc il y a un autre vendredi après. Ah c'est mais sûr. Oui. Donc on a encore l'autre vendredi d'après, on vous le réserve pour Indestar. Bon bah voilà. Ouais mais non, c'est pas possible. Mais va te faire foutre. Je l'ai déjà pris. Eh bah arrêtez de prendre les vendredis, vous me faites chier. Bah si, justement on fait que alors pendant les vacances on fait que des émissions le vendredi. Comme ça tous les gens ils savent que vendredi bah faut écouter, enfin de toute façon faut écouter tous les soirs. Bah oui. Mais le, de base, le vendredi soir ils savent qu'ils peuvent nous appeler, ouais. Ils savent qu'ils peuvent réagir dans une émission, etc. Tu vois. Ouais. Alors, j'aime bien ce concept. Rendez-vous. Voilà. Tout à on fait. Fait que le vendredi. Bah, prends le samedi. Le samedi. Non, parce que le Fun Live du vendredi, le samedi, ça sert. Ouais, compliqué. Tu vois le nom. C'est compliqué. Après, on peut changer le nom, mais ça me fait chier de rechanger tous les réseaux sociaux. Sinon, il fait entre le vendredi et le samedi, genre à 23h, 1h. 23h, 1h, wow, ouais. Ça va être dur. Ouais, ouais. Bah ouais. On pourrait, mais dans ce cas-là, on part sur du trash pendant 2h. Hein. En vrai, on n'en est pas très loin. Hein. Il est midi 31. Moi, 1h du matin, mais je ne peux pas. Le mec, ça fait 3h, il est dans les gens. Ça va, on est en forme, j'ai encore des petites infos. Ça fait, si 3 heures. Ça fait 3h31 minutes et 25 secondes qu'on est ensemble, les amis, quand même. Et si on faisait un blind test. Mais le pire, c'est que là, on pourrait encore faire une petite demi-heure, je pense. Mais hein. Bien sûr, bien sûr. Mais on peut faire jusqu'à l'infini. Mais demain, il y en a qui travaillent. Ah, n'est-ce pas, Théo? Bah oui, parce qu'il y en a qui sont pas en vacances. Pas de mal. Pas de mal. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis cette soirée pour la spéciale summer du Fun Live du vendredi. On reviendra peut-être ou peut-être pas. C'est à voir avec bien évidemment la direction d'Indestar qui est déjà présente aussi dans cette émission. Bah Théo, reviendrai. Théo, en tant que directeur d'Indestar et des émissions, etc. de la programmation. Ouais. T'as pensé quoi de la soirée et de l'émission pour l'instant? Attends, elle est pas finie. Il y a le maquillage encore. Oui, il y a le maquillage. T'inquiète, j'ai pas oublié. On n'oublie pas ça. C'est vrai. Nous aussi, on a la maquillage. On a hâte de se faire maquiller. Et le directeur d'antenne va se faire maquiller. Vous allez avoir les photos sur le Facebook. Est-ce que tu te fais maquiller? Tu te fais maquiller. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'habitude. Oui, c'est vrai. Cinéma. Les amis, pour rappel à ceux qui nous écoutent, en début d'émission, on a fait un jeu qui s'appelle La bataille des deux minutes et aussi le make-up. Le make-up quiz fait par Jessica et le quiz aussi fait par Kevin. Je peux le faire en plus rapide ce que tu dis. Et on. Allez voir le podcast sur Indestar. Non. Allez. Non, parce que le podcast n'est pas encore disponible, donc les gens vont aller regarder maintenant et vont se retrouver comme des cons. Ça se voit que c'est pas toi qui fais le montage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ben écoute, dès bientôt. Théo, tu me donnes les logs et demain je te mets ça en ligne si tu veux. Oui, non, mais genre, on va s'en occuper. Ne vous inquiétez voilà, pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il y a une grosse équipe derrière, une grosse équipe de com. D'ailleurs, on remercie la com d'avoir partagé sur la page Indestar. Et donc, ouais, bref, tout à l'heure, il y a des gens qui ont perdu. Il y a des gens qui ont perdu, notamment Julien. Ouais, quasiment tout le monde. Jessica. Il y a qui va Théo, pas se faire maquiller en fait? Thomas. Moi. Bah, justement, les 4 cités vont être maquillés. Et il y a que Kevin et moi, Brandon, qui avons survécu à toutes ces épreuves et qui allons maquiller la seule fan de l'émission et lui mettre cher. On va lui faire chacun la moitié d'un visage. Alors, soit on prend bas et haut, soit on fait gauche-droite. Bah et ça serait drôle. Moi je te dis. Bah non. En diagonale, bro. Je peux pas être épargné, non. Sachant qu'on a fait un record du jeu de 2 minutes. Non, tu peux pas être épargné parce que moi je me tape 2 malus si tu veux dans cette soirée. Donc il a fait le canular et en plus il se fait maquiller. Et, ouais. et pourtant j'ai pas perdu le jeu, tu vois. Mais t'as pas gagné. Le pauvre. Mais tu n'as pas gagné, oui. Qu'as-tu gagné ce soir? Je ne sais pas. Te faire maquiller. Le droit d'écouter peut-être le grand mystère du pied de la pompe. Non. Si. J'ai pas gagné ça. Non. Même pas ce droit là. Mais si tu l'as le droit, tu vas le faire, ça, tu vas l'écouter, mais tu vas aussi te faire maquiller. Ah bah oui. Pendant la musique. Oui. Et donc, okay. Kevin vient de confirmer, il a dit on fera une moitié de visage chacun, donc gauche-droite. Bah oui, ouais. Mais si c'est mieux, comme ça vous savez pas ce que fait l'autre, et comme ça c'est un œil bleu, un œil vert. Exactement. Sur ce. Si Kay est en train de se dire, je sais pas si c'était une bonne idée. Qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit générique de fin, peu importe ce qu'il y a? Ah, tu veux chanter? Tu veux un générique de Peck Avenger? Bah, si tu veux chanter, on chante. Hein. On chante sur quoi? Ah, bah attends, est-ce que. Non, mais il a pas dit ça. Hein. Non, là, pas, les Peck Avengers sont pas dans l'émission. Non, de non, façon. Mais je peux te trouver une instru. Attends. Alors voilà, on va trouver une instru. Laisse-moi 2 minutes, mais je vais te trouver une instru. Moi, je veux qu'on s'improvise une petite chanson du Fun Live du vendredi. Genre le Fun Live du vendredi. Vendredi, c'est tout zizi. Il est resté sur ça. Saucisse merguez taboulé. À moins qu'on chante ça, effectivement, Fun Live de l'été. Ah, tu connais Rikun? Pas du tout. Oh là là. Ouais, tu vas connaître. Il faut que tu connaisses. Ah, Rikun, bah explique-moi qu'est-ce que c'est. Attends. J'ai ma photo de profil de Facebook. Attends, je précise. C'est une salope, hein. C'est vraiment toi. Est-ce que, c'est vraiment moi. Est-ce qu'on a le droit de la partager sur les réseaux sociaux? Bah, y a même pas besoin. Vous allez sur indestar.fr, vous cherchez un gars qui s'appelle Teddy Félix et vous trouverez sa photo de profil. Couverture Playboy. Ouais. Mon Dieu. Ou que je suis déguisé en fille parce que, alors, je précise quand même, c'était pour un rôle dans un court métrage. Ah oui. En gros, je joue un agent secret et que je devais me déguiser en fille. Tiens, d'accord. Teddy, cherche c'est l'été les paroles pour qu'on puisse chanter. De Rikun. De Rikun. Si vous avez un téléphone, prenez un téléphone pour deux pour chanter. C'est l'été de Rikun. R I C O U N E. Paroles. Et chantez aussi chez vous, les auditeurs, et bien évidemment. Franchement, les amis, on veut que vous chantiez chez vous là. C'est important. Ça va vous rester dans la tête. Rikun, c'est l'été. Okay. Sur Indestar, on dirait. Vous allez nous détester de toute façon. Ah oui. Voilà. Intégralité des paroles. Il y a le soleil qui joue sur le toit de ma Clio, coincé sur les bouchons comme si je roulais en fourneau. Je vous mets même un peu de réverb. Vous avez de la réverb? Peut-être un peu trop haut. D'accord. On n'est pas dans une église non plus. Les choristes. Allez, attention. On vous dit bonsoir, les amis. Passez une très belle soirée sur Indestar. Rendez-vous très vite pour une nouvelle émission en fun live. Et en attendant, on chante parce que c'est l'été. Donc on chante le titre de ce Rikun. C'est l'été. Sur le toit de ma Clio, coincé dans les bouchons, c'est comme si je roulais en fourneau. J'ai la glotte en poussière et la langue en poitrine. Dans moins d'une heure, j'espère que j'arriverai au camping. Camping. Emplacement 69 comme les autres années. Olaf, mon voisin hollandais, a déjà débarqué. Au chanton, ni des blagues, tout le monde se marre. À la fin du repas, moi je sors ma guitare. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbé. C'est l'été, en pas crème et bien bronzé. Ah, il va bien votre chanson, c'est génial. Patrick Sébastien est avec nous. Au concours de pétanque, on a mis la Fanny. Pour amuser les dames, on jouait comme des gentils. J'ai dû pointer trop fort, le bouchon s'est noyé. On l'a cherché partout, mais on l'a jamais retrouvé. On l'a pas mis le feu à la soirée disco. Sur la piste de danse, on aurait dit John Travolta. On lui a pris les pas dans un crapola. Du coup, il a payé une tournée de tequila. C'est l'été, saucisse, merguez, sablé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbet. C'est l'été, on t'a crème et bien bronzé. Hey! Oh! J'ai plus de voix. La Clio est chargée, ça penche à l'arrière. La plage c'est fini, faut retourner dans les terres. On a pris des photos avant de s'embrasser. Dans le rétroviseur j'ai vu mes amis s'éloigner. C'est pas grave car c'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbet. C'est l'été, en pas crème et bien bronzé. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbet. C'est l'été, en pas crème et bien bronzé. Toi mon ami du bout du monde, cesse donc de te faire du souci. Les femmes sont splendides. La vie est belle. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbet. C'est l'été, pas crème et bien bronzé. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbet. C'est l'été, prends ta crème et bien bronzé. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou baigné sorbet. C'est l'été, prends ta crème.